Avant, l'été, sans Chris, ça ressemblait à ça. Choux ! Qui veut des choux ? Choux ! Mais ça, c'était avant. Chouchou ! Qui veut des chouchous ? Des bons chouchous ! Avec Chris, l'été, c'est mieux quand ça marche par deux. Jusqu'au 2 août, pour tout achat d'une paire de lunettes de soleil, Chris vous offre la deuxième. Et cette année encore, Chris, opticien officiel du Tour de France. Chris, vous allez vous aimer. Valable sur une sélection de montures, voire conditions en magasin. Salam alaikum. Alors Karim, quelle est ta question s'il te plaît? Alors, je sais que vous venez du 77 les gars, ouais. C'est ça? Je me trompe pas? Ouais. Vous êtes venu comment? Parce que c'est loin un petit peu, faut faire du change, c'est l'époque du franc, faut passer des péages. Ah, un petit péage de 2 euros 10, voilà. Au calme. Ah ok, faut mettre le plein tout, hein. Sinon tu peux vesquir par coutevrout, ça s'appelle coutevrout. Tu prends sur tec-tec, tu vois, coutevrout, tu peux mettre 10 minutes de plus. Coutevrout. Tu peux le vesquir si t'as rien sur toi, tu vois. Ah, tu passes par l'entrée coutevrout. Ouais, coutevrout. Voilà. Voilà. Donc très bon conseil pour les amis de mots. Et alors, et ben voilà, allez, et passez par coutevrout. C'est tout Karim? Rien ouais, sur ouais, rien j'ai sur... vu qu'il y avait Sonia B04. Vas-y, mettez-moi bien les frères. Ouais, ça, elle est là, elle t'écoute, Karim. Sois salut, tendre Sonia. Un petit peu. J'ai te follow sur Instagram. Ah, merci, c'est gentil. Il y a déjà plein de monde qui suit Sonia. Il y a déjà plein de monde qui suit Sonia B04. On ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, ça a cliqué comme des dingues. Bah, merci à tous ceux qui me suivent. Et bah, continuez. Ah bah, je vais aller follow, moi aussi. Suivez l'équipe. Et Karim, viens vite. Peut-être demain, viens nous voir dans le studio. Ça fera plaisir à Jadjana. Ah, pour la question en live demain, alors. Pour la question en live. Très bien. Bisous à Sonia aussi. Hein. Merci à tous les. Je te reconnais bien là, à tous les deux. Merci, Jadjana. Merci, Lilias. Demain soir, le retour. 20h, 21h. Dans un instant, on va jouer à la maladie mystère. Je vous expliquerai comment ça marche. D'accord. Une maladie mystère à découvrir. Le temps d'écouter Justin Timberlake. C'est bien ça, Fredo. Hein. Ah, mais j'adore, moi, ça c'est mon son. Ouais. Justin, ah, franchement, là, je suis capable de me mettre en caleçon et danser sur le son de Justin. C'est un moyen, Justin. Eh bien, je vous conseille de rester, dans quelques instants, il y a Justin qui passe. Eh, gros anniversaire, j'ai oublié, là, c'est l'anniversaire à mon gars sûr et certain. Là. Ah non, qui? C'est à mon Nasio. Nasio. Ah bah Nasio. Poteau, Nasio, c'est eh bah, bon anniversaire à Nasio. Bon anniversaire. Bon anniversaire à lui, force à lui. Oh, bon anniversaire. Happy birthday to you. Et voilà. Ben, bonne année. Et nous, c'est parti, on arrive. Donc, avec Justin Timberlake, avec toute l'équipe, dans un instant, la maladie mystère, bien sûr. Et puis, ben, vous tous, en direct, au 01 53 40 30 20. N'oubliez pas la dernière de Jay Dinas demain. À tout de suite, tout le monde. À tout. Ciao, ciao. Ciao. Tous les matins, les plus grosses stars sont dans le morning de Difool sur Skyrock. C'est son programme Baba. Hubert Simpson, vous êtes qui vous? Yeah, c'est Black M. Bonjour, c'est Zlatan. Pascal, c'était mon vrai prénom. Et ouais, c'est Pascal le grand frère qui va remettre de l'ordre chez les familles. Il file chez Nicolas ce matin. Il est énervé, Pascal le grand frère. C'est qui? Pascal, c'était mon vrai prénom. Pascal, imagine, c'est lui. C'est vrai qu'il y a une époque, on m'appelait le grand frère. Moi, je reconnais pas votre voix. Alors, je regarde votre émission tout le temps. Si c'est vraiment vous, je reconnais pas du tout votre voix. C'est lui. Tu crois que ça me fait plaisir ce que je te fais là? Non, mais c'est lui! Elle est fan! Mais c'est lui! Écoutez-moi, tu vois bien que c'est du n'importe quoi! Comment il a su qu'il y avait des problèmes entre toi et moi? Ah bah ouais! Hein, comment il a su? Le réveil de Star, c'est à 6h10, 7h50, 8h50 dans le morning de Difool sur Skyrock. The morning show! Zotar. Et si j'avais le pouvoir de faire revenir votre fils? Une porte sépare le monde des vivants de celui des morts. Oliver, c'est toi! Un avertissement sacré, ne jamais l'ouvrir. Il faut que je parte maintenant. Produit par Alexandre Aja, réalisateur de La Colline à des yeux et Piranha 3D. Non. Ne les laissez jamais sortir. Non. The Door, actuellement au cinéma. Avec Skyrock. Pendant l'Euro, il y aura 552 footballeurs. Et ils joueront tous dans la même équipe. Cette équipe sera partout. Dans votre kiosque, sur votre bureau et même dans votre poche. Cette équipe, c'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site. L'équipe, partageons le sport. Et ne manquez pas notre guide spécial Euro 2016. Le journal, plus le magazine, plus le guide de l'Euro l'équipe, c'est samedi. Bienvenue sur Smax. Tu as créé ton profil avec une belle photo de toi. Niveau 1, franchi. Tu as reçu un Smax. Smax à ton tour. Vite. Niveau 2, franchi. Tu viens d'obtenir un double Smax. Niveau 3, franchi. Délivre la princesse de son célibat. Envoie-lui un message. PS, sois original si tu veux avoir une réponse. Sur Smax, c'est toujours toi le winner. Télécharge Smax. S-M-A-X. Total respect. Zéro limite. Radio libre. Tous les soirs. De 21h à minuit. What the fuck? Difoulé sur Skyrock. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Ferme ta gueule, espèce de putain. Diffoule. On entend le chien derrière, d'ailleurs. On l'entend, là, en fait. Hein, on l'entend, ah, aboyer. Ça s'appelle un enfant, un chien. Ah, c'est de l'enfant, excusez-moi. Cédric. Moi, j'ai mangé une lasagne. Qui commence à baragouiner, là. Du météorite, là, qui a pas, ouais, fait passe à côté de la planète Terre. Ouais. Marie. Ah, t'aimes la fessée, moi aussi, j'adore ça. Samy. Fais-toi péter le cul vendredi. Momo. La raie de Momo, elle fait la taille de Romano. Ah, elle a une raie d'1m54. Il arrive. Et Karim. Paris Saint-Germain. Allez. Diffoul Radio Libre tous les soirs, 21h minuit sur Skyrock. Allo Diffoul. Eh ben Diffoul il est pas au téléphone. Non, ça a coupé. Il nous raccroche à la gueule, c'est le mec normal quoi. Bon, bah bonsoir tout le monde, c'est parti alors Samuel. Salut le Belge, on se fait un tête à tête ou quoi? On se fait une petite radio libre en solo. Bon, Diffoul va arriver, apparemment il est juste à côté parce qu'il nous a dit qu'il était pas loin. Il doit même être dans les escaliers s'il faut. Il est là. Et il est même là en direct. Oh putain, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ce truc? C'est ma maladie mystère. Mais non. Eh ben voilà. À la surprise en me voyant. Ah, c'est pour ça qu'il me disait ça va pas. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, okay, ouais. D'accord. Bonjour tout le monde. Parce que moi j'ai reçu ton texto, mais je me suis dit, bon, le mec, tu sais, le moindre truc, il gueule, il pleure. Il... Bon, bah, ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi je gueule, je pleure alors que je suis si courageux. Non, mais tu sais, pour le nez bouché, le mec, il a un cancer du nez. Mais alors là. oulala, qu'est-ce qui t'arrive? Eh voilà, une grave maladie qui vient. Ah putain. Alors, bonjour à vous d'ailleurs, bonjour Samy. Salut. Bonjour Cédric. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir à. Aïe aïe aïe aïe. Oula. Alors, je. Il a mal. Qu'est-ce que tu me filmes toi? Bonjour Romain des réseaux sociaux. Putain, bonjour Karim. T'es blanc mec. Très bien. Ah ouais, t'es blanc gros. Ah bah oui, je suis malade. Ah ouais. Alors, on va jouer à la maladie mystère. Elle, il a quoi le Difool, nous demande Kenza BKT. Bonjour Kenza BKT. La varicelle. Non, ça c'est Cédric. Ah, non, t'as une varicelle, non. Cédric, non? Non, non, non. Non, pas de varicelle. Mais ça c'est quoi là? Putain, mais il y en a un qui a repoussé. Bah oui, ça pousse partout. Non, non, mais franchement, j'en avais deux, ils ont poussé, ils sont partis là, c'est bon. La grippe, nous dit Marie au masculin. Tu dois être chaud, toi, si t'es comme Marie au masculin. Non, c'est pas la grippe. Une conjonctivite, non. Alors, c'est un truc qui se voit, Difool. Ah, bonne question de Edwin. Alors, oui, c'est un truc qui se voit. Non, je n'ai pas de l'acné. C'est qui met de l'acné? Le goré. Tu as le nerf sciatique bloqué, nous dit Blue. Non. Une bonne gastro, nous dit Homer. Une bonne gastro, non. Ça, je laisse ça à Cédric et à Romano également. Idem pour les un début de gastro, là. Ah, bah, bienvenue. Juste à côté de la radio, j'arrive. Et t'avais les mecs, ils avaient fermé le parking. Personne n'arrivait à rentrer. Je voyais, il y avait 5-6 voitures qui attendaient. Moi, j'avais envie de chier. J'ai abandonné ma. Étonnant, ça, dites donc. Cédric qui a envie de chier, c'est quand même hallucinant. Ah, mais laisse tomber, j'ai abandonné la voiture en plein milieu de la route. J'étais chier à côté. J'aurais flingué les chiottes. Sur le trottoir. Ah, sur le trottoir. Je me suis garé sur le trottoir. Comme une bête. Je me suis barré en courant dans un restaurant. J'ai chier. J'aurais flingué les chiottes, les pauvres. Il y a un nombre de maladies là. Je vois les messages qui défilent. Il y a des trucs de fou. Hein. Une blénorragie, une maladie de la bite. Non, j'ai pas ça. Un orgelet à l'œil. Non, j'ai pas ça non plus. Je dis qu'il a une maladie de la bite. Nous dit les tétés à Marie. Bonjour les tétés à Marie. Non, c'est pas la maladie de la bite. Une allergie, non plus. Des foules tout gonflé du visage. Il est malade. Non. Tiens, je vous offre un maillot de l'équipe de France si vous savez quelle est ma maladie mystère. Et vous me connaissez, je ne plaindrai pas parce que je suis très courageux. Là, tu parles. Et voilà. Une inflammation buccale, non plus, c'est pas ça. Putain, c'est chaud ton truc. Un tour de rat. Bah oui, c'est chaud. Mais j'ai jamais vu un truc comme ça. Moi non plus, il m'est jamais arrivé un truc pareil, c'est la première fois que j'ai ça de ma vie. Moi. Tu as une attelle au bras, nous dit le seul cheveu de Romano qui vient de nous rejoindre. C'est un nouveau, bonjour à toi, le seul cheveu de Romano. Eh, t'es pas si loin que tu t'approches, t'es pas si c'est loin pas que ça. Ouais. Ça hein. Tu t'approches, c'est pas mal, mais c'est pas ça. On nous dit un plâtre, non, c'est pas ça. Un plâtre, pas loin. Une attelle au pied, non. Un torticolis. C'est pas si loin que ça, c'est Paco qui nous laisse un message. Robin nous dit tu t'es cassé le nez. Non, c'est pas ça. J'ai vu, mais c'est pas le non, seul. C'est pas le nez. Je disais pas les messages, il y avait Bouton également qui disait tu t'es cassé le nez. Il a un cancer du nez. C'est Matoro là qui nous laisse un message. Tu as bouffé une chape pas fraîche. Non, c'est pas ça. Un abcès dentaire. Non, ce n'est pas un abcès non plus. Tu es déformé, si Samy a rigolé quand tu es rentré dans le studio. C'est une belle déduction de Anaïs. C'est voyant en tout cas. Non, ouais, c'est pas ça. Alors, je vais vous donner un indice. C'est une maladie que peuvent avoir, puisqu'on est à fond dans l'euro hein, sur Sky, une maladie qu'on peut avoir quand on est footballeur. Ouais, vite fait quand même. C'est une maladie de sportif. Ouais. Voilà, je vous en dis un peu plus. Plus d'autres sports que le foot quand même. Voilà, c'est ça. Il a le sexe gonflé qui ne dégonfle jamais. Ça serait possible. Ouais, c'est ça serait possible, mais c'est pas ça. C'est Zik qui nous envoie le message. Truc. Alors, un truc qui se voit, vous aurez les photos, je vais vous les mettre là dans un instant. Les photos des dégâts aujourd'hui. Le visage gonflé non plus. Allergie, il y a plein qui disent allergie. Eczéma, un tel au doigt. Non. Et il n'a pas un qui a trouvé des hémorroïdes. Non, je n'arrive pas le cul à l'air, Mathéo. Mathéo, 12 ans, il vient de nous laisser le message. Salut à toi, Mathéo. Ah ouais, non. Il a une m'énerve. Non, mais t'es pas loin. T'es pas loin, tu te rapproches, toi. C'est pas mal. Une entorse au bras. On se rapproche. Bloqué du dos. Ouais, t'as mal au bras. Bonne réponse. Et John. Tiens, regarde, Karim, rappelle-le ou Samy, rappelez-le. C'est John qui nous envoie le message. Il l'a trouvé. Bravo à toi, John. En effet, il s'agit d'une tendinite. Je l'appelle. J'ai ma première tendinite de ma vie, mais c'est pas une maladie de footballeur, c'est une tendinite. Ouais. Vite fait, plus pas trop là où tu l'as, toi, quoi. Ah, alors oui, c'est une tendinite à l'épaule que j'ai. Ouais, donc là, c'est pas du tout footballeur. Donc, je suis paralysé du cou jusqu'au milieu du bras, en gros. Hein. Mais pourquoi tu dois pas bouger le bras? Parce que dès que je bouge le bras, je. Ah, t'as mal, ouais. Non, parce que ce qui est impressionnant. Même en fait, là, d'ailleurs, je ne bouge pas le bras, mais j'ai mal quand même. C'est ton espèce de parachute là qui est accroché devant toi, là. T'sais, on dirait tu sais, les fous dans les asiles, là. Une camisole. C'est ça, j'ai une camisole de force. Il a les bras accrochés et tout. Très bien. Bon, et je voulais vous demander un truc par contre, parce que c'est souvent, vous nous appelez pour nous dire qu'est-ce qui va pas, vous nous demandez des conseils, tout ça. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous demander un conseil. combien de temps ça dure cette merde. Et ça peut traîner les tendinites. Et pourquoi ça fait aussi mal que ça? Parce que c'est le tendon, man. C'est quand même un truc de fou, quoi. Donc vous étiez pas loin en disant torticolis, parce que ça me fait aussi mal au cou. Et pas loin non plus en disant une minerve, parce que je n'ai pas de minerve. Mais une grosse attelle sur tout le corps, quoi. J'ai juste une espèce de bandeau autour du. Un bibendum, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà comment je suis. Je ne peux pas mettre de chaussettes. C'est Karim qui m'a habillé tout à l'heure. C'était sexy ou pas? Ah, mais de ouf. Bro. J'avais deux potes qui étaient là. Et Karim et Oran, les deux m'ont habillé, c'était magnifique. Le mec assisté, quoi. Voilà, complètement assisté. Complètement. Alors, combien de temps ça dure? Qui sait qu'il y a eu une tendinite dans l'équipe? Personne? Ouais, si, moi j'ai déjà eu, mais dans des trucs plus simples, c'est au poignet, des trucs comme ça. Et alors ça te traîne, parce que tu peux regarder ça très longtemps. Oh, bah, écoute, parce que même quand c'est soigné, ça revient, t'as des douleurs après, des fois 6 mois après. Bah, voilà une très très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Bon, on va offrir donc le maillot. Bravo, merci pour les messages que vous nous envoyez. Donc, si vous pouvez m'aider un petit peu là-dessus, ça serait sympa. On a John au téléphone en direct avec nous. Bonjour, John. Salut Difool. Salut, c'est Difool les clopés avec toi ce soir. Ça va? Ça va et toi? Eh ben écoute, je te dirais super, je te mentirais, mais déjà content de vous retrouver. Mais vous savez, quand vous faites rien avec une tendinite, vous avez encore plus mal que quand vous faites un truc. Là au moins je suis avec vous, je discute, ça va. Et t'as fait ça comment? Bah écoute, je me suis couché cet après-midi à 14h. 16h, je me réveille, j'avais mal au bras. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Et puis, impossible de redormir, passe trop mal au bras, et puis de plus en plus mal, jusqu'à avoir une douleur insupportable que n'importe quel humain sur Terre n'aurait pas supporté. Bah, bien sûr, attends. J'ai réussi à ce moment-là à surmonter la douleur. C'est un surhomme. Et voilà, après, j'ai appelé plein de monde pour dire, j'ai mal. et puis, le médecin est venu, il m'a dit, vous avez une tendinite, monsieur Difool, vous êtes trop sportif, vous avez trop forcé, vous avez trop fait de pompe, vous êtes vraiment trop sportif. Vous n'irez pas à l'Euro cette année, donc je voulais vous annoncer ma présence à l'Euro, malheureusement. Ça y est, il est plus dans les 23. Bon, comment t'as trouvé, John? Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui ont trouvé. Hein. Sérieux? Bon, je me suis dit, toi, tes problèmes de clavicule, tes problèmes de. Un petit peu en carton, je me suis dit, t'as fait ça. Qu'est-ce que c'est que ça, des trucs en carton, tout ça? Bon, une petite tendinite, c'est des trucs qui arrivent. Bon, j'espère que ça va passer. Alors, j'ai pris des médicaments qui, logiquement, doivent me défoncer la gueule. Ouais. Il m'a dit ça, le médecin. Ouais, ouais. Il m'a dit, vous serez un petit peu défoncé. Ouais, il m'a dit que ça te défonçait. Donc j'en ai pris quelques-uns. Donc excusez-moi si à partir d'un moment je me mets à délirer, je dis n'importe quoi, ou alors je tombe raide. Tout est possible d'ici minuit. Bon, et puis bravo John, faut quand même t'offrir ton maillot de foot. Merci. Donc tu vas recevoir ton maillot. Tu veux le maillot des Bleus? Tu veux le maillot de qui? Ah, le maillot des Bleus. Ah ouais, il faut prendre le maillot des Bleus. On ira loin, mais faut supporter. Mais bien sûr que oui, on va aller loin. T'inquiète. J'espère qu'ils sont pas tous comme moi, les joueurs de l'équipe de France, hein, parce qu'en France, ça va. Ouais, c'est mal barré. Ça va être difficile. Même sans toi, on ira peut-être loin. Oh, ben je pense, on sera derrière les Bleus. De toute façon, on vous offrira d'ailleurs des places ce soir pour aller voir les matchs de l'Euro. C'est à gagner avant minuit. Sur ce cas, on va faire un petit sommaire de ce qui va se passer, dans la soirée. Bon. Et en tout cas, franchement, ça fait 16 ans que je vous écoute. Du coup, c'est la première fois que je vous ai au téléphone, donc je voulais faire un gros. Toi, t'as un cul pas possible. Hein. Parce que la première fois que tu nous as au téléphone, tu repars avec ton maillot. Bravo, John. Grave. Ouais, je me souviens, je vous écoutais sur le Walkman, j'arrivais pas à capter. Ah ouais, donc toi, ouais, même on n'était pas là, t'écoutais déjà Skyrock. Walkman, ça, c'est un vrai Skyrock hein, depuis toujours. Bah. Merci à toi, John, en tout cas. Et puis, on t'envoie ton maillot de l'équipe de France à Thionville. Tu salues tout le Léorin pour nous. Salut. Merci à toi, John. Ciao, John. Ciao, mec. Bon, voilà, on peut démarrer l'émission. Bon, j'attends vos renseignements sur l'histoire de la tendinite, là, pour savoir combien de temps ça dure. Ça a duré un an. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, j'ai pas vu les messages. Moi, je suis encore sur les propositions de maladie, là. Un an. Je reçois des messages où c'est écrit une chiasse, un œil au beurre noir, une entorse, mal à la cheville, etc., etc. Et alors, t'es déjà sur les messages de tout à l'heure, alors, qu'est-ce que ça dit? Mais il y a des spécialistes, hein. Une tendinite? Qui te disent que c'est une inflammation du tendon. Ouais, j'ai ça. Dû à un choc ou à une articulation que tu utilises trop. C'est à force de faire du sport. À force de dormir sur ton bras. À force de me branler aussi, oui. Ouais, c'est un gros branleur, c'est peut-être ça. Oui, aussi, peut-être. Mais non, c'est pas une maladie de vieux, la tendinite. Il y a plein de footballeurs qui ont chopé tendinite. C'est une maladie de sportif, je vous disais tout à l'heure. Là. Je vois les messages, là, on essaie de me provoquer. Si tu fais du sport et que tu t'échauffes pas bien, t'as une tendinite. Et faut chauffer le muscle et le tendon. Moi, je suis le seul mec qui doit se faire une tendinite la nuit. En dormant. En train de dormir ou en train de faire une sieste. Parce que ça, là, on dit, il faut faire un effort normalement. Ah bah écoute, moi, je sais pas ce que j'ai fait. Peut-être je me suis branlé inconsciemment dans la nuit. Je sais pas. C'est au moins 2 semaines la tendinite. Moi, je tiens pas 2 semaines avec cette douleur. Là, je pense que je deviens fou. Ça va passer. Un an et demi. Elle. Et pourquoi? Il y en a, ça dure plus longtemps. Ah, un an et demi. Ah, je te jure, depuis un an et demi. Quand tu le traites pas, en fait, ça revient tout le temps, la douleur. Ah ouais, la douleur, ça part et ça revient, dit Foul, nous dit Romain de Chicago. Salut Chicago. Bon, bonjour là-bas. J'ai pas salué l'équipe d'ailleurs. Bonjour à toute l'équipe qui est là. Bonjour. Salut les clopés. Bonjour, bonjour. Salut la Marie. Ah ouais. Eh ben ouais. Ah ouais. J'étais en train d'écouter en arrivant là. T'es venu en bateau, non, César? Oui, limite, ouais, amphibie. Romano arrive avec sa. Sa voiture amphibie aussi. Sans hors-bord. Ah putain, mais moi, carrément, le métro avait été fermé. Il y avait une valise suspecte à Charles de Gaulle. Ah bah en plus, tiens. Donc j'étais complètement coincé dans les souterrains. Donc salut la Marie, salut Karim, c'est déjà fait. Salut Samy, c'est fait aussi. Salut. Bonsoir tout le monde. Salut Cédric, c'est fait aussi. C'est fait depuis. Et Romano arrive avec son bateau d'ici quelques instants là. C'est vrai qu'on dirait que tu portes un bébé là, tu sais, des trucs kangourous là pour les bébés devant. Très bien, voilà. Ça sur le ventre, c'est bien, c'est très sexy. C'est parfait, oui. C'est... J'ai une espèce d'attelle, une attelle swaggée. C'est ça, ouais, exactement. Tu veux faire une photo de moi? Une photo de moi qui. Quel beau gosse. Je pourrais plus branler avec la main gauche en tout cas. Ouais, non. Elle est condamnée là. En plus, heureusement, je fais rien avec ma main gauche. Il y en a qui demandaient c'était sur quel bras. Ouais, c'est le bras gauche. C'est le bras gauche que j'ai niqué. Bon, bah écoutez, une belle soirée qui démarre. Heureusement, on est ensemble. Vous voyez, quand tout va mal, on est content de vous retrouver. Faut changer les idées. Exactement. Vous pouvez nous appeler au 01 53 40 30 20 sur le 41 759 et sur l'appli Skyrock. Est-ce que vous avez testé les familles pour le double appel? Est-ce qu'il y en a qui sont prêtes? Parce que j'ai envie d'en faire un d'ici quelques instants. Dans pas longtemps là. Alors, on va les préparer, allez. Bah dépêchez-vous, ça me détend le double appel. Les familles du double appel qui arrivent, Sullivan qui est déjà au téléphone avec nous. Puis si vous aussi vous voulez passer dans l'émission, c'est pour vous. Vous avez aussi le droit d'avoir des problèmes comme moi. C'est tiens, on me dit de mettre des compresses de glaçons. Bah, faudrait savoir parce que j'ai eu un message. Non, faut juste chauffer. Qui disait qu'il fallait chauffer. Ah non, les tangines, il faut chauffer. Bon, alors. Pas de froid. Ouais, je confirme. Vous avez un truc à nous demander. Vous voulez faire les cons avec nous. Vous avez n'importe quelle question à nous poser. Allez-y au 41-759 sur l'appli Skyrock et au 01 53 40 30 20. Vous tombez sur Samy, sur la Marie, sur Cédric. Ouais. Sur Karim, ils sont tous là pour vous répondre. Et puis ben, on est en direct avec vous. Et on a Sullivan, je vous disais, du 59, 17 ans. Salut Sullivan. Salut. Coucou. Tu appelles pour me soigner, coucou, Sullivan, ce soir? Comment? Tu appelles pour me soigner de ma tendinite? Un infirmier de choix. Non, mais je préfère une infirmière à la limite. Hein. C'est ça, oui, c'est pour ça que ça m'a étonné, tiens. À choisir. Tu réclames pas une fille. Ah, tiens, prof de danse classique habitué aux tendinites. On te fait un bisou, c'est Petite France qui nous laisse un message. C'est gentil, Petite France. Dis Foul, on va être obligé de te couper le bras. Mais bien sûr, ouais, je te crois. Oui, mais bien sûr. Bon, ça. Sympa, mort de rire. Il y en a qui sont morts de rire. Je suis malade. Ah, mais ils ont foiré. Malade en crevé, vous êtes mort de rire. C'est sympa. Ton muscle est fatigué, dit Foul. Message de ZL69. Et moi, ça me fait mal pour toi, putain. T'as trop fait de sport. Non, mais ça fait mal, ça, c'est clair. Il te reste 3 jours à vivre. Merci, Sébastien. Sébastien, il est sympa. Il y a Yous qui veut me faire un message. Tu veux pas signer des papiers? Et pour l'instant, il y a que des mecs qui veulent me masser. C'est quand même un truc de ouf, ça. Ouais, ouais, il n'y a aucune solution pour guérir d'une tendinite. Bah, voici un message positif. Il faut simplement se reposer. Ouais. Lucky a trop de droits conseils pour me soulager la douleur. Mais non, il y a plein de trucs. C'est gentil, ouais. Lucky. Tu peux faire des infiltrations aussi. Des infiltrations, c'est quoi? Ouais, c'est ce qu'ils font, les footballeurs, d'ailleurs. On pique. En fait, l'infiltration, c'est pas une solution, mais c'est pour enlever la douleur et continuer à travailler avec le muscle rapidement, tu vois. Non, mais tu sais que j'ai failli demander au médecin tout à l'heure, je voulais qu'il me pique tellement. Ouais, mais c'est ça les infiltrations. Ah, mais c'est ça l'infiltration. En fait, il pique dans le tendon où t'as mal et ça te soulage la douleur. En fait, tu peux te servir de ton tendon. Ouais, mais par contre, ça te soigne pas, donc faut pas le faire ça trop longtemps, quoi. Bon, bah écoutez, très bien. Juste pour soulager. Ouais. Bref, donc si là t'as un match ce week-end, du full par exemple, hop, une infiltration, tu pourras jouer, quoi. Très bien, bah écoute, j'irai faire un petit tour. Il y a quelqu'un qui vient d'allumer son appli Skyrock. Radio, elle n'est pas éteinte en fait et elle veut pas s'éteindre. Marie est à fond sur Skyrock, sur l'appli. N'hésitez pas à la télécharger. Elle adore, ça marche super bien. Alors, Sullivan, on va te retrouver dans un instant. De quoi tu veux nous parler, toi, Sullivan? Dis-nous. C'est parce que, en fait, moi, je vais bientôt faire mon anniversaire fin d'année. C'est mes 18 ans et du coup, je voudrais. Ah, gros anniversaire, ça. Je voudrais louer une petite salle et comme je sais que vous avez pas mal de contacts avec pas mal d'artistes, vous voulez inviter un grand ou un petit artiste. Ah, tu vas inviter un artiste pour ton anniversaire, peut-être l'anniversaire de luxe, t'imagines? Pas mal, ça, ah ouais, t'as vu? Bon, alors ah moi, ouais, je. C'est le mec qui se la pète. Faire venir Michael Jackson, tiens, c'est pour l'anniversaire. Ils faisaient ça à l'ancienne, les émirs, là, à Dubaï et tout. Ouais, ils invitaient genre Beyoncé et tout, c'était $1 million la soirée. Ah, ça va être très cher. Maria Carré. J'espère que t'es blindé, Sullivan, parce que si tu veux faire venir Beyoncé, c'est $1 million. C'est quand même cher. Non, peut-être pas non plus Beyoncé, parce que c'est. Ya, vous aimeriez que qui viennent pour votre anniversaire? Vous demandez, vous nous dites ça sur le 41-759, sur l'appli Skyrock. Mais ça va être compliqué cette histoire-là. Tu veux qu'on fasse quoi exactement pour toi? Qu'on te mette en contact avec des artistes qui puissent venir à ton anniversaire? Oui, c'est ça. C'est parce que, ouais, comme je sais que vous avez pas mal d'artistes qui passent dans la radio libre et que Alors attends, ce soir on devait avoir Fetty Wap. Alors Fetty Wap il est bloqué aux États-Unis. Je sais pas, problème familial. Ah, bah voilà, donc on n'aura pas Fetty Wap ce soir, autrement je lui aurais demandé. Bah évidemment. Tu sais que t'aurais dû appeler lundi, on avait MHD, ou alors vendredi dernier on avait SCH qui était avec nous. SCH ça aurait peut-être dû faire un petit tour à Dunkerque, même si c'est pas trop son quartier. Hein. Non. Mais c'est pas le même coin. Quel artiste vous aimeriez recevoir pour votre anniversaire? Tiens, artiste dites-nous. Ou personnalité connue quoi. Artiste ou personnalité connue. Ouais, parce que moi je prendrais pas un chanteur moi. Bah tu prendrais un footballeur toi. Ouais non peut-être pas. J'aimerais bien LeBron James moi. J'aimerais bien le rencontrer. LeBron James. Ouais, le basketteur. On est dans le basket, on est dans la NBA. Et il joue ce soir d'ailleurs, premier match des finales cette nuit. Et résultat, demain matin dans le morning, soyez là. Donc quel artiste vous aimeriez recevoir? Et tiens, puisqu'on parle d'artiste, c'est que je vois Chloé du 71 qui nous dit qu'elle aimerait recevoir Jules. Elle a 19 ans, Chloé. Ah, bien. Jules, pour ton anniversaire. On a une surprise pour vous, je vous le dis. À 22h pile, on se balancera. Enfin, 22h pile. Juste après 22h, parce que nous, les piles, faut faire attention. Juste après 22h, on se balancera le tout nouveau Jules. C'est un extrait de l'album qui va sortir, nouvel album de Jules, bientôt à découvrir sur Skyrock et en exclu mondial, interplanétaire. Ce soir, c'est sur Skyrock, le nouveau Jules à découvrir. Ce sera tout à l'heure à 10h du soir. C'est pour ça que je suis venu. Je pouvais pas louper l'émission. Déjà, vous êtes tous là, donc je voulais vous retrouver. Et en plus, il y a le nouveau Jules à se passer ce soir. Donc, le loupez pas. C'est tout à l'heure. On se met Jules sur Skyrock, le tout nouveau à découvrir sur Sky. Vous voulez que je vous donne le titre? Vas-y. Combien vous me donnez si je vous donne le titre? Non, de, mais l'autre, Jules. C'est de gratter de la thune maintenant. Ah, bah oui. Hein. Avec ton argent. Il s'appelle Émotion avec un S. C'est aussi le titre de l'album. Et le nouveau Jules en exclu, c'est évidemment dans la Radio Libre sur Skyrock. Merci à Jules de nous avoir filé cette petite exclue. Cool. Une exclue plus. En fait, tous les Jules, on les découvre sur Sky. C'est ouf, ça. Alors, le nouveau Jules, le nouvel album et le titre de l'album. Vous le découvrez avec nous. C'est Émotion. Le morceau qu'on écoutera, c'est aussi Émotion. Émotion. Jules avant minuit, c'est sur Sky. Et une autre exclue, les familles du double appel qui arrive dans un instant, l'anniversaire de Sullivan. Je sais pas ce qu'on va pouvoir faire pour Sullivan. Bah oui, c'est spécial comme demande. Voilà, peut-être te mettre en contact avec Fred de Planète Rap, peut-être qu'il a du monde. Ou alors, je sais pas, faudrait demander. Gradure, si tu nous écoutes, t'habites pas loin. Ouais, c'est pour toi, ouais. Gradure, il est Dunkerque, Sullivan. N'hésite pas à nous laisser un message, mon Gradure. Ça te ferait plaisir que Gradure, il vienne à ton anniversaire, Sullivan? Ah ouais, lui, il est pas mal. Ouais, il vient de Roubaix, c'est pas très loin. Il est du Sac-Neuf aussi. Bon, bouge pas, Sullivan. Et quel artiste vous aimeriez recevoir pour votre anniversaire? Ou faire une teuf avec un artiste? Dites-nous qui. Donc, j'ai eu le message de Chloé. Je vais lire tous les autres qui défilent. Dans un instant, on en reparle. Et je crois que j'ai trouvé mon infirmière ce soir. C'est mon infirmière Mélissa. Bonjour, ma chérie, Mélissa. Ça me fait plaisir parce que j'avais Yous, j'avais Damien également qui voulait venir me faire un massage. J'avais des mecs à grosses couilles qui voulaient me masser. Et bien, enfin, voilà, Mélissa. Mélissa, tu bouges pas, c'est gentil d'appeler en tout cas. T'as déjà eu une tendinite, toi? Oui. Ah ouais, y a, ça fait mal, hein. Ça t'appelle mal. Oui, je suis pas infirmière, je suis aide-soignante. Oh ouais, mais moi ça me va très bien, moi tu peux me soigner. Moi je suis patient ce soir, donc y a pas de problème, Mélissa. Bon, tu quittes pas, Mélissa, on revient avec toi en direct. C'est gentil d'appeler en tout cas. C'est pour Sullivan aussi, puis pour vous tous, quand vous voulez. 01 53 40 30 20, vous nous passez un coup de fil, c'est Radio Libre, c'est en direct jusqu'à minuit sur Sky. Le matin sur Skyrock, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Solution numéro 1. C'est le siphonnage de véhicule. Très bien. Ça te dérange pas si je viens siphonner quelques litres sur ta bagnole? Eh ben non, elle est à l'aéroport. À l'aéroport, qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Elle prend l'avion. Solution numéro 2. C'est la méthode de la femme enceinte. Mais c'est génial. Ma femme est enceinte, il faut que je l'emmène absolument à la maternité. Je suis sur la réserve, je peux passer prendre 5-10 litres. D'accord. Elle a perdu ses os là. Ah oui, elle a perdu ses os. Elle les perd. Toi aussi, viens faire le plein de conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. Tous les matins à 7h10 et 8h10, dans le morning de Default sur Skyrock. The Morning Show. 7h. Et si j'avais le pouvoir de faire revenir votre fils? Une porte sépare le monde des vivants de celui des morts. Oliver, c'est toi. Un avertissement sacré, ne jamais l'ouvrir. Il faut que je parte maintenant. Produit par Alexandre Aja, réalisateur de La Colline à des yeux et Piranha 3D. Ah, ne les laissez jamais sortir. The Door, actuellement au cinéma. Avec Skyrock. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Vous avez entre 18 et 25 ans. Vous recherchez un métier haletant et dynamique au service des autres? Devenez sapeur-pompier de Paris. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris recrute et forme des futurs sauveteurs. Plus d'infos sur pompierparis.fr ou sur notre page Facebook Recrutement sapeurs-pompiers de Paris. Sapeurs-pompiers de Paris.

Quoi, que c'était Rihanna. Rihanna, n'oubliez pas ses concerts Skyrock. C'est au mois de juillet dans les grands stades qui auront accueilli l'Euro 2016, la folie. Tous les soirs, la radio libre de Difool, 21h minuit sur Skyrock. Et l'Euro à gagner sur Skyrock, c'est évidemment avec nous ce soir en direct au 01 53 40 30 20. Vous nous appelez pour tout le reste, pour passer dans l'émission, pour venir faire les cons avec nous. Merci pour tous les messages que vous nous laissez. N'ayez pas peur, je survivrai. Je vois les messages qui nous font plaisir. Il y a Seth qui nous dit Difool, ne nous quitte pas, car si vous venez d'arriver, je tiens à vous dire que j'ai fait beaucoup d'efforts pour être là ce soir. C'est vraiment parce que c'est vous, autrement je serais pas venu, hein, c'est sûr. Une grave maladie vient de me frapper. Ah oui, j'ai une tendinite aiguë à l'épaule et au bras. Oui, une tendinite aiguë à l'épaule et au bras, comme les footballeurs. Ouais, même non mais chose. Tout ça en dormant. C'est comme les footballeurs. Ouais, c'est ça, ouais, t'as raison. Ouais. Exactement, Samy, au bras, c'est... comme les footballeurs. Les basketteurs, peut-être. Et comme vous le remarquez, je suis très courageux car je ne me plains pas depuis tout à l'heure. Pas du tout. Le mec, il lui a fallu deux personnes pour lui mettre son casque sur la tête. Ah ouais, j'ai des assistants casque, comme j'ai un bras en écharpe. Donc j'ai un bras que je ne peux plus bouger. J'ai une assistante casque qui me met le casque sur les oreilles. C'est quand même la classe. Waouh. Bon, alors, ils sont où elles sont où mes infirmières là? Parce que moi, je vous ai demandé des infirmières, elles arrivent. Ah, il y a Mélissa qui est avec nous en direct de Nîmes. Salut Mélissa, tu vas bien? Salut. C'est gentil d'appeler. C'est pour le massage, c'est ça? Oui. Oh, c'est mignon tout plein là. C'est gentil. Non, je voulais juste savoir combien de temps ça se garde une tendinite, parce que moi j'ai vu des messages qui m'ont fait flipper. On m'a dit que c'était à vie, que c'était récidivant. Ouais, ça revient. Après j'ai vu des trucs, ça. 3 mois. Non, mais ça peut revenir. Hein. Une semaine et demie, mais déjà, déjà une soirée là, ça me casse les couilles. Ça fait chier. Alors combien de temps ça dure, toi qui t'y connais, Mélissa? Ben moi, ma tendinite, elle a commencé. Ah, t'en as une en plus. Oui. Et c'est ça revient constamment à chaque fois qu'on fait des gestes trop répétitifs. Ah bah écoute, très bien, c'est super, dis donc. Voilà une bonne nouvelle. Tu donc. Ne pourras plus jamais te servir de ta main gauche. Je vais avoir une tendinite chronique. J'avais déjà un ami qui avait une acné, une furonclite chronique et une furonclite conique chronique. Oui, ça va ensemble. C'est pas facile à dire, mais je vous assure, c'est encore plus difficile à voir quand vous avez un ami comme ça. À vivre, ouais. Ah ouais, c'est dur. C'est terrible. Enfin, il y a des explosions de furoncles, le pus part dans tous les sens. Le truc dangereux, quoi. C'est terrible. Donc moi aussi j'ai mon truc chronique. Donc voilà, mais ça c'est et pas... Romano a son herpès chronique aussi. C'est vrai, on a tous un truc chronique dans l'équipe, oui. C'est vrai. Mais Marie, c'est une alcoolique chronique aussi. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais, tout le monde a son petit truc, c'est vrai. Bon bah écoute, merci des bonnes nouvelles, Mélissa, c'est gentil d'avoir appelé en tout cas. Ben c'est rien. Bon et il m'a donné des cachets pour me plâtrer le bide parce qu'il paraît qu'il m'a donné d'autres cachets pour qui vont me défoncer le bide. Ah, oui, c'est qu'il faut tellement fort que oui, l'estomac a du mal à très bien à suivre. Du coup, il va avoir la chasse. OK, parfait. Donc plus que ça. La totale, et ouais. Juste une dernière petite question que je voulais te poser. Il y a des cachets qui défoncent, il m'a dit aussi. Ah, oui. Ça va te faire dormir, ouais. Ah bah très bien. Je peux donc pas dormir. Oui, il m'a dit de pas conduire. Ouais. Bah, je peux donc pas dormir à n'importe quel moment de l'émission. Ah mais c'est génial. Peut-être pas à n'importe quel moment, mais somnoler et commencer à dire n'importe quoi, oui. C'est possible. Dire n'importe quoi, on a l'habitude, mais. Oui, ça peut partir en live. Voilà, donc si je m'endors en plein milieu d'émission, vous m'en voulez pas. Et cache-les parce que Marie, elle va te les prendre. Et Marie, elle va me piquer mes cachetons. Cachetons. J'ai donné les cachetons qui défoncent. Donne-les-moi, s'il te plaît. J'adore. On t'embrasse, Mélissa. Je te fais un gros bisou. On t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison en plus. Pas de souci. Et puis je veux dire à Romano. Vive les bourguignons. Oh bah attends, bouge pas, Romano il est là, il est sur son bateau, il est sur la Seine, il est bloqué. Bonjour, bonjour Romano. Bonsoir. Tu as entendu ce message d'amour? Ben oui, je t'embrasse Mélissa. Ah comme c'est merci. Mignon. C'est beau. La Nîmoise embrasse la Bourgogne ce soir. Oui, parce que je suis nivernaise à la base. Oh ma pauvre. Oh bah tiens, les grands esprits se rencontrent. Tu t'es barré, ouais. Voilà. Ah oui, je me suis barré, oui. Ah oui, voilà. Ah, t'es mieux à Nîmes qu'en Bourgogne, toi alors. Ok, oui. J'y retournerai jamais. Bon, bah écoute, il y a Skyrock à Nîmes et en Bourgogne, donc on vous embrasse, les Bourguignons, les Nîmois et tout le monde. Bon, salut Mélissa, bisous à toi. Ciao. Merci. Ciao Mélissa, et t-shirt Skyrock, bien sûr, pour toi, à la maison. Bonjour Romano, dis donc. Bonsoir. Alors, un petit problème avec ton matelas pneumatique et les rames? Non, non, pas du tout, j'étais en réunion vigilance crue. Ah, réunion vigilance crue, tu surveilles les inondations, c'est vrai que ça y est. Romano, il habite à 5 mètres de la Seine. Ouais, il est pas non, loin. Non, pas 5 mètres, non, mais 30 mètres, un peu, mais pas loin. Voilà, 30 mètres de la Seine, ça veut dire que ce sera des premiers inondés. Comme il est tout petit, il flippe parce qu'il a peur que l'eau monte très vite et de se retrouver sous l'eau. Il y a déjà des caves inondées dans et voilà, tu vois, tu l'avais dit hier. Ça, c'est le drame pour la marée, une cave inondée de l'alcool de. Non, mais j'espère que t'as sauvé tes bouteilles. Des grosses pompeuses, Marie. Ah, c'est sympa, ça. J'ai croisé Cédric. pour décorcher les caves. Cédric, ouais, ouais. Romano, il t'invite chez lui pour, je sais pas, faire un truc dans une cave. Ouais, non, ça va aller. Oh ouais, bah écoute, pourquoi pas. Bon, bah t'arrives, Romano, alors. Tu vas arriver à un moment ou à un autre ou pas? Je suis en route, là. Et ouais, vous vivez la crue de la Seine en direct sur Skyrock tous les soirs. C'est la folie, quoi. C'est la folie. On s'allume. Tu dois se faire calmer par un mec. Ceux qui sont dans les bouchons, ou alors sur leur bateau, leur petite barque, comme Romano, d'ailleurs. T'as entendu, Romano? On va passer le nouveau Jules tout à l'heure. Ah non, j'ai pas entendu. Non. Tiens, vas-y, balance un bout du nouveau Jules. Les premières notes. Allez, les premières notes du nouveau Jules, exclu mondial, interplanétaire, attention, intergalactique. Voici le nouveau Jules. On vous le mettra juste après 10h. C'est ça le nouveau Jules. Emotion. Emotion. Ça s'écrit émotion avec un S, ça se prononce emotion, ouais. C'est ce que j'ai compris. Moi, j'ai mal à sortir mes émotions. Jules sur Sky. Tu rêves de thunes de voyage, j'en ai besoin. Je rêve de thunes, ça te plaît ça, Romano, dis donc. Ah bah ouais. C'est le nouveau Jules à écouter sur Sky tout à l'heure. Ah, ça fait du bien. Un nouvel album de Jules qui va s'appeler Emotions aussi. Comme le titre qu'on va écouter tout à l'heure. Ça a l'air bien. Le titre que vous entendez à moi, mais moi j'aime bien Jules. Mais ouais, c'est vrai que ça a l'air d'être pas mal le nouveau Jules. Nouveau Jules à écouter tout de suite. Et puis tiens, une autre exclue qu'on vous présentera demain matin à 6h pile dans le morning. À 6h pile demain, on se réveillera avec le nouveau, le tout nouveau Maître Gims. Ah, la bande originale de Camping. C'est lui qui fait la BO de Camping. Ah ouais. Et donc demain à 6h du mat. Ouais, c'est lui qui fait la BO de Camping. Et on attend pas Patrick. Non, pour l'instant, on attend Romano. Et on n'attend pas Patrick. Par contre, vous n'allez pas attendre longtemps pour le nouveau Maître Gims. C'est demain, si vous voulez l'écouter en premier sur Skyrock. Ce sera demain matin à 6h pile. 6h pile pour se réveiller ensemble avec le nouveau Maître Gims. La BO de Camping à retrouver donc demain. Et Jules, dans une demi-heure à peu près. Yes. Une demi-heure, trois quarts d'heure maximum, on se mettra le nouveau Jules. Ah. Une découverte Skyrock que vous découvrirez d'ailleurs avec nous. On a juste eu le début. Et pour Maître Gims, donc c'est demain matin. Bon, Romano, on attend le bruit de l'eau derrière. D'ailleurs, c'est magnifique. Ouais, c'est clair. C'est pas de l'eau, c'est une moto. C'est une moto, comment ça s'appelle, les motos de... Un scooter des mers. Voilà, c'est ça. C'est une motoneige sur la Seine, non. C'est non. Un scooter des mers. Il ne laisse pas encore. Un scooter de fleuve que tu as juste à côté de toi, Romano. Bon, c'est vrai que Romano, il vient en barque. Mais oui, bah oui, il habite juste à côté de la Seine. Et la radio, il est pas loin, il vient en barque. Mais tu viens en moto ou quoi? Non, mais c'est le mec d'à côté, j'ai la fenêtre ouverte, je suis en train de fumer. T'as une fenêtre sur ta barque, c'est dingue, c'est quand même. Ah bah voilà, au téléphone en train de fumer au volant, bravo. Ah bah bravo, tiens. Magnifique. Champion du monde. Alors, Marie, pas du tout, je suis en kit Bluetooth. Si je suis capable du contraire, c'est pas interdit de fumer dans sa bagnole, hein. Bah, il paraît que t'as pas le droit. Ah, bon, c'est interdit, ouais. Non, mais c'est quoi ça? N'importe quoi. Ah, si, normalement, il faut aller demain sur le volant. Ouais, non, c'est pas interdit. Mais n'importe quoi, ta gueule. Ouais. Tu sais quoi, j'espère que tu vas te faire arrêter, tu vas te manger un PV comme ça, tu verras, c'est vraiment interdit. Tu dis vraiment que tu es de la merde, hein. Ça serait drôle, ça serait la deuxième arrestation par la police en une semaine. Ça serait pas mal. Après, avec SCH tout à l'heure, petit tour avec Romano là maintenant. Petit tour en garde à vue. Bon, on t'attend, Romano, tout de suite, hein. Ah, bah là, je filme, mais à vive allure. Le mec, il se foutait de ma gueule, je te retarde 3 minutes. À vive allure. Qu'est-ce que tu dis, Cédric? Hier, il se foutait de ma gueule parce que je te retarde 3 minutes quand même. Et voilà, il rage. Voilà. Et voilà. Ce qui n'a pas empêché de gagner son clash hier. D'être en rage, c'est vrai. Surtout. Je t'ai pilé, enculé. Ah, de pas lui mettre un gage, il arrive en retard là, l'autre chauve. Ah, si, mais non, c'est pour toi ça. Mais c'est vrai qu'on pourrait y penser aussi pour Romano, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui. Bon, tout de suite, Romano, on t'en trouve. Bon. C'est ça. On vous tous en direct tout au long de la soirée. Vous débarquez au 01 53 40 30 20. Nous, on débarque chez les familles dans un instant. Et on avait Sullivan qui avait une idée. Mais c'est bien en plus parce que bon, 18 ans, ça se fête, c'est important. Sullivan, t'es dans le 59 et toi, tu voulais fêter ton anniversaire avec une star et donc avec un artiste. Et je vous ai demandé avec quel artiste vous aimeriez fêter votre anniversaire. Vous tous, vous toutes. Et j'avais promis de lire les messages. SCH revient beaucoup. C'est pour mauvais garçon qui nous envoie un message là sur le 41 Sky. On a RL aussi qui nous dit que lui aussi il aimerait fêter son anniversaire avec SCH. Necfeu, c'est pour Jordi du 51. Ouais, Necfeu, ça peut être marrant. Hein. Adrien de Nantes, Necfeu, il veut aussi. On se mettra peut-être un petit Necfeu d'ici tout à l'heure. Du MHD. Ah, tu veux faire venir MHD? Et non, on l'a fait venir. C'était pas pour notre anniversaire, c'était pour l'émission. Lundi soir, il était avec nous. Ah ouais. Et pour chanter avec Romano en plus, c'était magnifique. MHD, moi je ferais venir un footballeur qui a une tendinite pour Difool. Merci pour ton message. Je veux la crim. Libérer la crim. Et bah, dès qu'il sera sorti, on lui demandera peut-être. C'est pour Marie en plus. Marie qui a 20 ans et qui nous laisse un message. L'AFF pour mon anniversaire. Oh, la ouais, Funky Family de Marseille. Marseillais. À l'ancienne. Ouais. Miley Cyrus. Ah ouais, toi, tu tapes dans le haut de gamme. Dans le cher. Américain. Oh putain, le haut de gamme total. Regarde, c'est Juanux, 16 ans, qui nous laisse le message. Miley Cyrus ou Romano. Ah, c'est bah, pas oui. beau, ça. Dès qu'il débarque de son bateau, on te mettra en contact avec lui. Romano, t'es invité à l'anniversaire de Juanux. Je vais donner le tarif en arrivant. Oh, ah ouais, non, mais c'est ouais, gratuit quand même pour les auditeurs de Skyrock. Je viendrai. D'accord, elle habite, je sais pas où elle habite, mais elle a 16 ans, donc merci à toi, Juanux, on te fait un gros bisou. Big Flo et Oli pour le Merlu du 94. Ah ouais, bisous d'ailleurs. Toi, t'es un malin parce que t'en fais venir deux pour le ouais, prix d'un. Deux, c'est ouais. pas mal. Pas con. Et pour Oxoa, hashtag Momo, qui nous dit Big Flo et Oli, je les adore. On les salue d'ailleurs, Big Flo et Oli. Ouais, je crois qu'ils sont à La Réunion. Bon, y a pas que des artistes de rap, pas que des artistes de R&B. Il y a aussi des sportifs. Mon rêve, moi, serait de rencontrer Mandanda pour son anniversaire. Buffa, il aimerait bien faire venir Mandanda à la maison. Très bon là. Choix. Wiz Khalifa, ce serait trop bien. Ah ouais, celui de fournit la weed. Ça, c'est quand même assez sympa. Ça, puis les goûts, lui, il a l'air cool. C'est pour Khalifa, 18 ans. T'as déjà la moitié du pseudo. Wiz Khalifa pour ton anniversaire. Blue veut se déguiser en Rihanna. Il prend 5000 euros la soirée. Ah bah, et en plus, il peut même chanter en anglais. Ça, c'est pour ton anniversaire, Sullivan. Que pour toi, ouais. Hein, si t'as pas la vraie Rihanna, hein, on te fait venir Blue. Il se déguise en Rihanna. Trop sexy, tu verras. Il y en a qui veulent faire venir Rihanna, mais plein aussi, j'avais pas vu. Il y a que la famille du 13 qui a 20 ans, lui, veut faire venir Rihanna, mais pas pour chanter. Ah, bon, bah, c'est en étonnant. Gros, en gros, j'imagine. Dans ta chambre, quoi. Ouais. Sénat du 37 veut faire venir Soprano. Tiens, Soprano, il sera avec nous lundi dans l'émission. Il paraît qu'il a une grosse surprise pour nous. Alors, je sais pas, ou un truc à annoncer, ou un truc à nous faire écouter, mais en tout cas, Soprano, lundi dans la radio libre, c'est à pas louper. Dès 21h, il sera avec nous. Il y a trop de Marseillais qui viennent. Ouais, trop de surprises aussi. Ah, il y a beaucoup de Marseillais dans l'émission. Ouais, SCH, Soprano. Oh, on a eu MHD, il est pas de Marseille. Non, mais on a eu Alonso aussi. Karim, le rap français, ouais. Ça vient de Marseille. Hein. Non, bah, ça, c'est sûr. Ça, c'est connu, ça. Justin Timberlake pour Qui danse chez moi, pour Melly. Il y a Poison qui veut Justin Timberlake aussi. Donc, du Mandanda, on nous disait, là. Donc. Ouais. Mandanda. Il n'y a pas tant de joueurs de foot que ça. Hein. T'es déçu, Samy? Bah, non, je vois Verratti, Cristiano Ronaldo, Mandanda. Messi, ouais, Messi, mais toi, par rapport à Rihanna et tout, il y en a moins, quand même. Je sais pas, moi, je ferais venir Zlatan, ouais. Il doit être rigolo, Zlatan, il taclerait tout le monde. Sinon, il parlerait même pas. Aurier, moi. Ouais. À mon anniversaire, il y aurait Samy, je ferais venir Zlatan, ouais. Ouais, bah ouais, tiens. Je vous mettrai à côté l'un de l'autre. Ça serait une bonne soirée. Zlatan, moi, j'ai croisé dans une soirée, ouais, il est cool, tu vois. Il est marrant. Il était dans une soirée, j'étais là, putain, franchement, j'ai halluciné, le mec, il est détente normal. Tisé ou pas? Je me souviens plus. Ah bah alors. Le mec était cool. Non, tu étais là en train de parler, tu rigoles avec lui, normal. Voilà, c'est Zlatan. Ouais, peut-être qu'en privé, le mec est cool. I'm the best. Qui sait pas beau à côté. Bah, tu sais, quand j'ai vu, je me suis dit, ouais, le mec, il va faire gueule froide. C'est comme, tu sais, ce qu'il fait vachement gueule froide. Ouais. C'est une impression qu'il a, tu vois, qu'il donne, tu vois. Mais franchement, le mec, il est cool. Ou alors, tu fais venir les Brésiliens du PSG, ils sont rigolos. Tu ramènes Lucas et Marquinhos. Tu fais venir Lucas et Marquinhos, les mecs te font un sketch toute la soirée. Ça va, ça va. Moi, à la limite, je préfère la meuf de Marquinhos, tu vois. Ça va, moi aussi. Évidemment, toi, tu restes dehors. Ça va, vous imaginez, vous faites un sketch toute la soirée là. Bien mon frère. Bien mon frère, bon anniversaire mon frère. Bien, bien, bien. Ça va, ça va. Ça va. Ça va. Je pense que ça va. Ça va alors. Et t'as l'autre derrière qui fait ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va. Et il ferait une blague à Romano aussi comme ça. Mais chez vous, ça va. Je suis un beau gosse, même comme ça, même sans chez vous. Je suis le plus beau de l'équipe. C'est sûr. Lucas, je le mettrai à côté de Romano, ça ferait la table des chauves. Lucas, Romano à mon anniversaire. Ce serait pas mal. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour Sullivan. Il y a Dylan qui est avec nous, il y a peut-être une idée. Bonjour Sullivan, bonjour Dylan. On est dans les Annes ce soir. Ouais. Donc Sullivan, c'est ton anniversaire. Dylan, t'aimerais faire venir qui pour ton anniversaire, toi? Alors moi, ce serait Nekfeu ou DJ Snake. DJ Snake, ah bah oui. Ah, voilà. DJ, c'est pas con. Ouais, t'as un DJ gratuit, pas cher, ouais, sympa. Ouais. En plus, on les connaît bien tous les deux. Et Nekfeu aussi. Nekfeu, ouais. Bon, d'ailleurs, il y a le dernier DJ Snake qui sort cette nuit à minuit. Oui, dernier DJ Snake. J'ai entendu. Ah, le poste. Ouais, j'ai entendu. J'ai pas trop. Faut que je réécoute. Une meuf qui chante pendant une minute au début, c'est un peu relou. Et après, en fait, DJ Snake, j'aime bien quand ça mixe, moi. Quand ça tabasse, quoi. Ouais, quand ça mixe, que ça tabasse. T'aimes pas la nana qui chante, quoi. Donc, au début, non, je suis pas fan. Bah, on zappe la meuf au début, puis le son après, les coups. Ouais, bah voilà, c'est ça. Bon, bien t'emmerder. Je vais bien t'emmerder quand on va le passer sur Skyrock, mais. Non, mais bon, j'ai écouté une fois et en speed, le DJ Snake. Et le Nekfeu. Tiens, on se mettra Nekfeu. Vous êtes plein à vouloir recevoir Nekfeu chez vous pour votre anniversaire. On se le mettra avant minuit, tiens, promis. Donc n'oubliez pas le nouveau Joule tout à l'heure. Et puis avant minuit, Nekfeu. Ça te fait plaisir qu'on mette Nekfeu, Dylan? Ah ouais, ouais. Allez, on mettra Nekfeu et Escrou. Il va être comédien d'ailleurs, Nekfeu. J'ai vu ça. Ouais, ouais. Face à Catherine Deneuve. Ah ouais, ouais. Il va faire un film bientôt. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah Dylan, la prochaine fois que Nekfeu arrive, on passera à toi. Bah c'est gentil, merci Diffoul. Bouge pas, il y a Naomi qui est au téléphone aussi avec nous. Salut Naomi. Salut. Salut ma chérie. Comment ça va Naomi? Ça va bien, vous? Ça va bien. T'as 21 ans et ça va bien. Peut-être t'as pas l'accent normandais, mais pourtant t'es de Caen. Bon bah écoute. Ouais. Alors t'aimerais faire venir qui pour ton anniversaire, toi? Un gars? Moi, Beyoncé. Ah ouais, meuf, toi. Tu ferais venir Beyoncé pour ton anniversaire? Ah ouais, carrément. Ça va te coûter bonbon, hein. T'as gagné des places pour Beyoncé la semaine dernière sur Sky? Non, même pas. Ah, dommage. Parce que, à la limite, si elle vient pas pour ton anniversaire, ce qui est probable, hein, faut pas non plus. mais si elle vient pas pour ton anniversaire, à la limite, elle vient en concert le 21 juillet. On avait plein de places. On a vous a filé plein de places dans les roulettes de la semaine dernière sur Sky, là. Bon, bah écoute, Naomi, la prochaine fois qu'on donne des nouvelles de Beyoncé, je penserai à toi très fort. Ah, merci. Et pour Sullivan, donc j'ai lancé l'appel pour Gradure. Ou alors, je sais pas, si vous faites de la musique du côté de Dunkerque, dans votre quartier, venez voir Sullivan. Si vous êtes connu. Bah oui, si vous êtes connu, au moins dans votre quartier, au moins par vos potes. Au moins dans votre rue. Tu le fais de quand, ton anniversaire, Sullivan, toi, t'es 18 ans? Le 30 octobre. On a le temps de se préparer. Ah bah oui. Le 30 octobre. Et t'auras donc 18 ans. Bah, le plus important, c'est que tes meilleurs potes qui viennent. Je sais pas, et puis des bonnes meufs aussi, c'est important. Au pire, il y a le prince du hip-hop qui peut venir. Ah, je vais lui demander tout de suite, car tu sais qu'il est sur sa barque en direct avec nous. Allô, prince du hip-hop. Oui, je suis sur mon yacht. Hein. Tu es sur ton yacht. Plus précisément. Voilà, le prince du hip-hop qui suit les inondations. C'est comme sur BFM Télé, les mecs, ils font des reportages, ils ont des bottes en caoutchouc et ils ont de l'eau jusqu'au genou. Ouais, et des parapluies. Bah, Romano, lui, est encore plus fort, lui, il est sur les inondations, sur son bateau. Ah, putain, j'ai envie de faire du bateau sur la Seine. Mais ouais, mais t'as raison, Romano, vas-y, fais-toi plaisir. Non, mais j'ai proposé au Belge, mais il veut pas, il fait la maltringue. Mais bientôt à Paris, on sera tous obligés de circuler en bateau. On salue d'ailleurs tous ceux qui sont inondés, que ce soit ou en région parisienne ou du côté du Loiret aussi. J'ai vu que du côté du Loiret, vous envoyez des photos ce matin dans le morning. C'est chaud du côté d'Orléans. Ouais, c'est la merde. Donc bon courage à vous, parce que bon, au mieux en rigoler, parce que de toute façon on peut rien y faire. À côté de Tours aussi, quand t'es inondé, c'est pas super. Alors, prince du hip-hop, j'ai un contrat pour toi ce soir. Allô, le prince du hip-hop, il s'est jeté dans la Seine. Ah merde. C'est elle a pris son bateau. Qu'est-ce qui se passe? Ça péniche, quoi. On l'a perdu. Il s'est jeté dans la Seine et je l'avais dit, moi, à Orange. Faut mettre des antennes sous l'eau maintenant. Ouais, oui. Comme Paris va être recouvert, et la région parisienne aussi d'ailleurs, et pas que, va être recouvert par l'eau. Il est là. Mettez des antennes sous l'eau. Ah, mais enfin. Romano. Voici donc le prince du hip-hop qui vient d'arriver. Il est en train de tout casser en arrivant, c'est bien. Bon, je t'ai trouvé un contrat, t'es invité à l'anniversaire de Sullivan, là, c'est super. Ah, c'est j'ai entendu. C'est le 30 octobre, c'est ton premier gros contrat de prince du hip-hop. Par contre, ça paye pas. La carrière démarre, ça y est, c'est parti, là. Ouais, mais les stars, elles se font payer. Hein. T'as combien, Sullivan, pour Romano? Ah bah c'est à lui de me proposer, mais pas trop cher non plus. Non, mais ça faut pas lui dire, non, jamais dire à Romano, c'est à lui de proposer, jamais. Ouais. Je le dis, Sullivan, ça va te coûter les yeux de la tête, le machin, là. Et si je lui paye juste la doudoune pour l'abriter du froid, ça passe ou... Oh, une doudoune, mais ça n'est pas quelle marque, une Canada Goose. Ouais, bah évidemment, l'autre qui gratte. Canada Goose à 700 balles. Ah non, ouais, doudoune bien chère. Bon, bah en tout cas, bon anniversaire d'avance, Sullivan. Et je sais pas si on a des gars qui sont dans ton coin, qui veulent, ambiancer. Je sais pas s'il y a des DJ du côté du Nord. Parce que le problème, qu'il y a des rappeurs du côté du Nord. C'est que les vrais stars, elles vont demander de l'oseille, quoi. Ah bah ça, c'est sûr. Il y a des chances. Oui. Bah Beyoncé, je crois que c'est 1 million. Voilà, donc je pense que tu les as pas, Sullivan. Tranquille. Sinon, prête-lui, Romano, il te les rend. Ouais. J'ai pas 1 million. Oh, le mytho. Oh. Non mais non mais t'hallucines. C'est haram de mentir, man. Ouais non mais c'est pas Ram. C'est pas Ram. Ram c'était sur la Seine avec sa barque. Là, bon Sullivan, on te remercie et puis tu reviens quand tu veux, on t'embrasse Sullivan. Il je lâche une dédicace. Vas-y, balance ta dédicace. Déjà je lâche une dédicace à toute l'équipe. Je remercie de m'avoir pris ce soir. Je sais pas chez qui. C'est qui que j'ai eu au téléphone, mais il était vraiment sympa. Soir. C'est moi, ouais. Ah, bah, il était vraiment sympa, je le remercie. Bah, de rien. Pour Samy, allez l'OM. L'OM, putain, bah, j'aurais même pas dû te prendre, gros. Je lâche une grosse dédicace à Quentin Pica, à Emma Pavie, à Alexis Jobert, à Laurie Bosquet, à Ah, ma chérie d'amour, Marine. Ah, bah oui, c'était une chérie, faut pas l'oublier. Ah ouais, oui. Elle passe en dernier, la chérie. Ah, ah, le meilleur pour la fin, on va dire. Bah, on va dire, c'est ça, c'est le meilleur pour la fin. Et on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison. C'est pas encore ton anniversaire, mais t'as déjà un cadeau, Sullivan. C'est parti. C'est beau. On t'envoie ça à Dunkerque. Et grosse dédicace à vous, merci beaucoup. Bah, c'est mec. Salut, Sullivan. Salut. Ciao. Salut. Bon, on va faire le double appel. On va parler également des problèmes des Français, parce que vous le savez, le jeudi, c'est le jour où on va faire un tour sur le net, sur les forums, sur les sites où les gens ils ont des problèmes sexuels et pas que des problèmes sexuels. D'ailleurs aussi des problèmes dans la tête, souvent les deux mélangés. Ah ouais. Du mal. C'est le mix des deux. Le mix des deux est parfois hardcore. Vivement le problème du mois. Bon, on va pas tarder d'ailleurs pour ton problème du mois donc. Ouais. Double appel. Problème du mois. Vous tous et vous toutes en direct de toute la France. Et tu as vu Romano, regarde. Ouais, j'ai vu, j'ai entendu ton cinéma. Ton cinéma. T'as vraiment le corps. Je souffre le martyr. Ah bah, vous attendez que vos amis vous soutiennent. Ah, c'est sûr. Moi, ce que j'ai pensé, en fait, quand j'ai allumé tout à l'heure dans ma voiture, oui. J'ai pas entendu le début de l'émission. Pourquoi t'as pas entendu le début Parce qu'en fait, j'étais en réunion vigie crue. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais Oui, non, mais je te crois, mais bon. C'est... Hier, non, mais, je te attends, disais, non, mais, tu vas voir, tu vas être inondé. Non, mais ce matin, j'ai été voir la scène. Non, mais c'est hallucinant. Non, mais par rapport à hier, ça a doublé, voire triplé de niveau. Qui c'est qui t'annonçait il y a 3 jours que ça allait monter? Tu me disais, mais non. Ouais, t'étais sûr que non. Ça montera pas trop. Là, j'ai des photos. Il essayait de se rassurer. Ben, c'est ça. Mais nous, on savait. Tiens, je dis un bonjour à Rocco, là, qui est inondé. Il est dans le 45. Ah, bah, Montargis et Montargis, Orléans, tout ça. C'est vrai que c'est assez inondé dans le coin. Dans le 77 aussi, pas mal inondé. Oui, alors, donc, tu disais. Eh bien, je ne sais plus. Très bien. Tu disais que tu avais des photos pour te rassurer. Ouais, non, mais oui, Diffoul, j'ai vu tout. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais le médecin, il t'a pris pour un con. Romano, plus je suis malade, plus il rit. Je pense que le jour où je décède, alors là, le fou rire. Je pense qu'il se pisse toute la soirée. Non, parce que je sais très bien que t'en fais 3 tonnes. Non, aujourd'hui, j'en fais pas 3 tonnes, c'est horrible. Non, mais moi, la seule question que j'ai. Ah, il faut expliquer pour ceux qui viennent d'arriver quand même quelle est ma grave maladie que j'ai. J'ai une tendinite aiguë à l'épaule. Aiguë. C'est ça. Mais c'est quoi? C'est une maladie de vieux? Mais non, c'est une maladie sportive. C'est une maladie de vieux. Mais pourquoi? Le médecin, quand il est venu. Mais comment t'as fait ça? T'as quoi, SOS médecin? Ouais. Quand je suis venu, Non, il était sympa. Compétent quand même. Ah bah écoute, moi, franchement, à chaque fois que je les ai appelés, le mec, il m'a fait un diagnostic de merde. Ouais, mais il y en a qui sont compétents. Non, mais véridique. Je dis pas ça pour le. Tu sais, c'est pas gratuit. Une fois, d'ailleurs, si vous l'aviez vécu à l'antenne, j'avais une gastro, le mec arrive chez moi, me dit, ouais, vous avez l'appendicite. Romano, hop, les urgences. Le mec me dit, je lui dis, comment je fais? Il me dit, faut aller à l'hôpital, aux urgences, il faut qu'il vous opère. Voilà. Je vais à l'hôpital, je passe la nuit là-bas, ils me font des examens. Attends, il va à l'hôpital en pleurant, déjà. Ouais, parce que putain, déjà me faire opérer, moi, c'est un truc, ça me fait flipper. Et je vais à l'hôpital, ils me font, échographie, examen et compagnie, et j'ai passé la nuit là-bas. Et ben, j'avais une entorse à la cheville. Ah non, mais j'avais rien du tout. Ils m'ont dit, ah non, mais vous n'avez absolument pas l'appendicite. Voilà. Et le lendemain matin, ils m'ont sorti, et 2-3 fois, je les ai appelés pour des trucs, et les mecs, ils étaient, complètement à côté de la plaque. Mais là, SOS médecin, c'est eux qui sont filés cette espèce d'attel. Non, ça j'ai acheté ça. Mais c'est la pharmacie, le médecin qui t'a dit prends ça. Si. Ah ouais, parce que toi t'aimes prendre des trucs que le médecin ne dit pas aussi. Si, le médecin m'a dit prends ça. En général. Donc j'ai une tendinite comme les sportifs. Hein. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, je fais trop de sport. Ouais, je sais. Ah bah oui, voilà. Tu as de la main gauche, ouais. Donc voilà. Mais j'ai une attelle et donc c'est vrai que de vivre avec une main, c'est pas facile. Ah, c'est chiant. Pour mettre des chaussettes, par exemple, t'y arrives pas. Non, mais si t'enlèves ton bordel là. Ouais. Ça te fait quoi? Mais il aura mal encore. Ça bouge et quand ça bouge dans certaines positions, j'hurle. Bah ouais, c'est donc j'ai décidé de vous épargner ça. Ouais, les hurlements que tu faisais, gros. Ouais, il va nous casser. Les hurlements que je faisais. Non, mais c'est une comédienne. Non, mais ça fait hyper mal. Moi, j'ai eu ça l'été dernier. Romano, je suis handicapé, mais regarde. Aïe. Ah, je me démerde quand même pas avec mon bras droit. Et ça va durer combien de temps? Alors, selon les auditeurs, c'est à vie. Il y en a certains qui me disent ça dure au moins une semaine, d'autres qui m'ont dit 3 jours. Non, mais après t'es fragilisé, c'est ça le problème. Si t'as un coup dessus, ça revient. Tout ça, moi j'ai eu ça, c'était l'été dernier. Il faut pas que je prenne 2 coups dessus, quoi. Et ouais. Mais en tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos messages, c'est gentil. Merci. Vous au moins, vous me comprenez, vous n'êtes pas comme certains. Donc en gros, tu vas nous chauffer de l'équipe. En gros, concrètement, voilà, c'est ça la question. Combien de temps tu comptes nous faire chier? Mais comment? Je dis rien. Je ne plains pas. Non, mais tu plaisantes. J'ai écouté dans ma voiture, mais j'ai écouté quoi? 10 minutes pendant déjà sur les 10 minutes, t'en as parlé au moins 4 fois. Il faut 3 mecs. Pour faire le moindre truc. Tu sais, mettre son casque. Ah, je peux pas mettre mon casque, je peux pas mettre de chaussettes. Non, mais attends, à une main, tu peux mettre un casque. Bah non. Fais-le avec une main. Hein? Vas-y. J'ai qu'une main là-bas. Ouais, je suis pas sûr qu'il arrive. Il a enlevé son casque. Ah ouais, pas mal, putain. Bon, pas mal. Attends, non, mais c'est pas, c'est pas un truc de ouf, tu vois. C'est pas non plus. Ah ouais, j'y arrive. Enfin, pas. Non, mais c'est pas. Ouais, vois, ça c'est faisable. Bah, tu vois, t'y arrives aussi très bien. Mais je vous dis, c'est un comédien. D'ailleurs, pour voir s'il a vraiment mal, je pense qu'avant minuit, je lui mettrai un petit coup. Oh l'enfoiré. Oula. Fais attention, ça. Non, mais c'est un test médical. Si tu le fais mal, il y a son pied qui va partir dans ta gueule. Non, mais sur son pied. Son pied, là, c'est quoi, il va se briser la cheville en me donnant un coup de pied. Il aura un plâtre au genou. Bon, en tout cas, je salue tous ceux qui ont des tendinites et qui nous écrivent depuis tout à l'heure ou qui ont eu des tendinites. Romano, va falloir que tu lui tiennes sa bite pour aller faire pipi. Ouais, t'as raison. Eh ouais, faut quelqu'un pour le frotter dans la douche et tout. Tu veux une couche. Non, mais par exemple, tout à l'heure, pour mettre des chaussettes, impossible de mettre des chaussettes. Bah, n'en mets pas. Bah, en claquette. En tongue. Ah ouais. Claquette. En tongue. Franchement, c'est la saison. C'est la bonne période. Voilà, avec le temps qu'il fait, c'est vraiment super, là. Mais tu sais pas te faire opérer des épaules aussi, je sais pas, c'est à cause de ça, non? Si, peut-être, j'en sais rien. Ah, mais je crois que c'est ça. Ah, faudrait le faire une bonne fois pour toutes. C'est Cédric, j'ai aussi j'ai ma maladie chronique maintenant. Et voilà. Après ta furonclite et ton acnéite aiguë. Chacun son truc. Après ta gastrite aiguë. Après. Ah, juste avant l'émission, j'étais chié. Après la calvitie chronique de Romano. Bah voilà, un nouveau membre de l'équipe qui a une nouvelle maladie. Mais pourquoi tu nous expliques que t'as été chié avant l'émission? Parce que j'ai pas arrivé en retard. J'ai pas compris trop le rapport avec ce que dit cette foule. Eh bien, je le sais pourquoi, dis-le Cédric. Parce que le caca c'est bon, voilà. J'ai une chiacite. Une chiacite. Une chiacite, ouais. Mais là, parce qu'il parlait de la gastro. Bon. Moi, c'est une allergie, mais depuis qu'il pleut, j'en ai plus. Ah bah ouais, c'est vrai, ça c'est bien, ça c'est Caro qui nous envoie le message. Bisous à toi, Caro. Salut, Caro. C'est vrai qu'une allergie, c'est à vie aussi, c'est comme ça que ça marche. Hein. Ouais. Bon, dans un instant, les familles du double appel arrivent. On aura Calice aussi en direct avec nous. Il est à Montpellier. Bonjour, Calice. Salut. Salut, salut. Comment ça va, Calice? Ça va, super, et vous? Bah écoute, moi ça va super, comme tu l'entends. Hein. Tout va bien. La folie. En fait, oui, Calice. Bah ma mère, en fait, elle avait une tendinite. Ah, et elle a chopé comment? Parce qu'en moi, quand même, le truc hallucinant. En fait, elle travaillait en supermarché et du coup, elle faisait de la mise en rayon, du coup, elle portait trop. Ah, c'est quand tu fais trop de sport, c'est comme moi. Elle a mal à certaines périodes, en fait, c'est pour ça que. C'est-à-dire que ça arrive à quand, elle? C'est quand il pleut, quand. Non, je sais pas. Non, ça dépend. Je me suis dit, là, ça fait une semaine qu'il pleut à Paris en non-stop. Ah, bah ça, oui. Peut-être que c'est humide et peut-être que ça. Si, avec l'humidité, ouais. Peut-être que ça me fait du mal. Ah, mais ça joue. Moi, je sais carrément. Sur mon chien, ça joue vachement. Pourquoi ton chien, il a une tendinite comme moi? Non, lui, tu sais, il a de l'arthrose un peu au niveau des pattes arrière. Ah. Et, mais tu sais que les jours où il fait vachement humide, il est vachement plus raide. Il a l'air. Ah ouais. Non, mais carrément, lui, c'est l'arthrose aux pattes arrière. Ouais. Moi, j'ai un problème, mais les pattes arrière, elles sont cassées. Non, ah, ouais. On m'a cassé les pattes arrière. Cassé le train. Est-ce que tu veux des cachets que je donne à mes mettre? Non, c'est bon, je te remercie. Non. Ouais. Pas d'arthrose encore. Donc ta mère, mais ça lui fait mal en hurler ou pas? Ouais, carrément, elle l'a clouée au lit à chaque fois. Ah, c'est ça. Mais moi, tu sais qu'au lit, je suis aussi mal que debout, donc c'est pour ça que je suis venu, tu sais. Ah ouais. Mais t'es couché, t'as aucune position dans laquelle t'es bien. Bah, en fait, c'est pour dormir que ça va être la galère, quoi. Ah, bah, j'ai pas dormi de l'après-midi. Ah, bah, ouais, tu peux pas. Donc, j'espère que je dormirai. Ça y est. Enfin, du violon triste pour m'accompagner. Ah, tiens, là, je vais sortir, tu sais, le truc qu'ils ont dans la rue, là, l'orgue de Barbarie, tu sais, avec la manivelle, là. Les mecs, ils se baladent, là. Et bah, tu feras une bise à ta maman, Calice. Et tu lui dis que. Ok, merci. Totale solidarité avec. Sinon, il y a Blue, il te conseille, tu sais, d'acheter les lits orthopédiques pour les vieux, là. Les lits orthopédiques pour les vieux, c'est ça, ouais. Tu vas être bien là-dedans. Il y a aussi des baignoires avec une porte, hein, j'ai vu ça à la télé aussi. Ouais, il y a ça, ouais. Ce bouton, ça se lève et tout. Ouais, c'est ça, bah, comme dans les lits médicaux, quoi. Ouais, bah, en tout cas, merci. Bon courage, Difool. Difool, tu fais trop de sport, je te l'ai toujours dit. T'es trop musclé, Difool. Voilà. C'est tes muscles qui ont endommagé tes tendons. Très bien. Merci à toi. Moi, j'ai eu une tendinite au genou. Ah, ça peut se faire au genou aussi. Ouais, partout. Bien sûr. Cheville, poignet. Moi, tu peux l'avoir partout, au poignet. Partout. Tous les tendons du corps. Poignet, c'est quand tu te branles trop, non? Poignet, c'est le plus courant en général. La tendinite, c'est vraiment au poignet, tu vois. Bon. C'est le mouvement de la main. Bah, écoute, moi, c'est le mouvement de l'épaule. Ouais. C'est parce que je me branle très fort. Ça va être ça. Très fort de la main gauche. C'est très grand. Tac. Ah, Romano, tu es égoïste. Ah, hey. C'est vrai. C'est Romain qui nous dit, tu es égoïste, Romano, quand même. Difool t'a sauvé la vie il y a 15 jours pour ta Ventoline qui t'a acheté. Hey, c'est vrai, ça, hein. Juste petite précision. Difool ne nous en parle pas. Ça fait 5 minutes qu'il nous fait chier avec son truc. Mais avant ça, il ne nous en parle absolument pas. On est beaucoup. C'est vrai que je t'ajoute dans le problème du mois ou... Non. Mais si vous voulez en reparler avant minuit. Ouais, bon, ça va aller. N'hésitez pas, c'est Radio Libre. Hein. Vous pouvez nous dire absolument tout non, ce que vous voulez. Non, mais je te dis, moi, un conseil que je te donnerais, c'est de retourner voir un autre médecin. Ouais, enfin, je vais pas passer ma vie chez les médecins. Bah, vaut mieux aussi. Bon, de toute façon, écoutez, j'ai pris des cachets, on va voir si jusqu'à minuit ça va. Hein. Faut arrêter l'entraînement avec Booba, on me dit. Bah oui, je me suis entraîné avec Booba, c'est les pompes, les tractions et tout le bordel. T'as quoi comme médoc?

elle est déjà mouillée. Elle est déjà mouillée. Romano, toi tu me suces la bite après que je t'ai enculé. Ouais, mais pas de problème, ouais. Comme ça, elle aura du goût. Oui, bah bien sûr. Difoule. Donc tu rentres le gland d'abord. Ouais, voilà. Cédric. Je suis beau gosse comme un saumon. Marie. Cul. Samy. On verra le jour où on est racheté par les Qataris, on aura une chanson. Momo. Oula, t'as vu ? Et Karim. Salam alaikum. Difoule Radio Libre tous les soirs. 21h minuit sur Skyrock. Et merci à vous tous et à vous toutes d'être là tous les soirs. 21h minuit avec toute l'équipe qui est là. 22h04. Attention, ouais, avant minuit, des places de foot à gagner. Ah, donnez-moi la liste des places de foot que je vois, un petit peu ce qu'on va vous offrir ce soir. Et place de foot pour l'Euro. L'Euro 2016 à gagner, évidemment, c'est sur Skyrock, c'est pour vous. Et c'est 200 places qu'on vous offre tout au long de la semaine avec le Crédit Agricole, 200 places à choper. Et j'ai ma petite liste, qu'est-ce qu'on vous offre ce soir? Oh, gros match à gagner ce soir. Fais-nous rêver. Restez bien là, gros gros match pour vous avant minuit. Ah ouais, on va vous faire rêver ce soir. Ah, il y a moyen alors. Attention, gros match. Allez, je vous le dis, un match des Bleus. Ah ouais, on vous offre un match des Bleus ce soir, avant minuit. Restez bien dans le coin, on fera tourner la roulette. Votre roulette qui tourne toute la journée avec toute l'équipe, du matin, du morning avec nous, jusqu'au soir. Le soiring avec nous. Le soiring, ouais, c'est ça. Ouais. Le morning, le soiring. Les places à gagner, donc des places pour les Bleus, l'équipe de France. Préparez-vous, je donnerai le top tout à l'heure. Avant minuit, de toute façon, ça c'est sûr. Alors, on fait les nouvelles de l'Euro dans un instant. Les nouvelles des Bleus. Nous aurons notre grand journal des Bleus, de l'Euro, de l'équipe de France, de Skyrock. Rock à retrouver dans un instant, les nouvelles de l'Euro, puis les familles du double appel. Allez, on va y aller parce qu'après il va être un petit peu tard. Allez, on y va, c'est parti pour le double appel. Go, go, go. Pourquoi ? C'est vous qui téléphonez, je sais pas pourquoi. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Non, mais c'est des détraqués. Le double appel de Difoule sur Skyrock. Dites donc, soyez un peu poli, monsieur. Ouais, soyez un peu poli. Hein. Il a parlé à Patrick sans le savoir, c'est cool. Soyez un peu poli, monsieur. Ouais, ouais. Et c'est des détraqués, mais bien sûr que oui, c'est nous. C'est nous et les familles du double appel avec les numéros que vous nous avez laissés. Merci à vous, les familles du double appel qu'on doit mettre en contact tout de suite. C'est parti, Samy, on va commencer par qui ? Dominique et Patrick. Dominique et absolument Patrick. Alors je vous rappelle que Patrick est là, Cédric aussi. Ouais. Ils sont tous là ce soir. Salut les filles. Salut Cédric. Salut. Salut Cédric. Salut Patrick. Ah Patrick. Absolument, ouais. Tranquille, il y en a qui a raccroché, rappelle vite. Tranquillement, ouais, avec l'actu à l'air, là. Ah bah, c'est bien, Patrick, ça. Bonjour, vous êtes bien chez Dominique et Nelly. Nous ne sommes pas là pour le moment. Merci de laisser un message, à bientôt. Et ah bah, deuxième famille, au pluriel. Allez, hop là, on bête les deux. On passe à la suite. On y va pour la suite. Alors, attention, qui c'est qu'on appelle maintenant ? Chez Eric et chez Alain. Eric et Alain. Allez. Mise allez, en contact. Allez. On sait dans quelle région on est. Allez, bleu, allez. 18, les deux sont dans le 18. Allez, on est dans le 18. C'est le cher, ça. Et c'est très cher, ouais. Ah, attention, c'est... Ouais, attention, c'est cher. On est dans le cher. Faut les mettre tous les deux en ligne. Ouais. Attention. Alors, on a tous les deux en ligne, on les met en contact et nous, on se tait, on les laisse parler ensemble. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie du 02 48. Désolé, désolé. Ah, au suivant. Il y a l'autre qui est. Et on a appelé une autre. Allô. Oui, allô. Oui, j'écoute. Oui, allô. Oui, j'écoute. Oui, ben c'est moi qui vous écoute, monsieur. Ben, je sais pas, vous m'appelez. Bah, écoutez, je sais pas. Ben, c'est bon. Oui, allô. Hein ? Allô ? Oui, j'écoute. Oui, c'est qui ? Ben, vous m'avez appelé. Ah, non, je vous ai pas appelé. Ah bon ? Ben, écoutez, ça a sonné chez moi. Ah, je suis désolé. Je regrette, au revoir. Oui, allô. Oui, allô. Allô ? Oui, vous êtes qui, vous ? Mais on est combien sur la ligne, là ? Il y a du monde, là, oui. Ah ouais, là, je sais pas, parce qu'on m'a déjà appelé tout à l'heure. Ouais, mais moi, écoutez, j'ai quelqu'un d'assez efféminé qui m'a appelé, qui m'a fait « Salut les filles », je sais pas qui c'est. Ouais. Bah, salut les filles. Ah bah tiens, vous l'avez entendu ? Oui, j'ai entendu. Je sais pas qui est cette personne qui me fait « Salut les filles », avec cette voix efféminée, là. Salut les filles. Bonjour, monsieur, salut les filles. Monsieur ou madame, d'ailleurs ? Je ne sais pas. Bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Ah, au revoir. Ah bah non, faut rester avec nous. Bah oui. Ah bah non, je suis ah bah désolé. Si, faut rester. Vous allez où ? J'avais envie de me caresser la queue, moi. Ah, t'avais envie de te caresser la queue, bah c'est bien. Ah, tu peux me parler un peu le temps que je me branle? Eh ben branle-toi et puis fais-toi du bien. Allez, bonsoir. Ah, merci. Oh, merci, c'est très gentil. J'ai l'autorisation. C'est gentil, tu es content. Non, tu es content. Eh, le double appel, c'est pas comme ça que ça marche. Logiquement, on parle pas. Oui, ben bon, là, il fallait bien. L'autre était barré. Donc, en plus, moi, j'ai qu'une main. C'est que j'ai l'ordinateur avec tous les sons à balancer. Patrick, Cédric, etc., etc. Bon, là, avec une main, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut que tu m'aides, Romano, là. Oui, ben moi, je suis prêt. Tu as pas chopé les joueurs du PSG aussi, parce que les joueurs du PSG peuvent nous rendre service. Ouais, c'est bon, j'ai tout là. T'as la totale, c'est bien. Allô? Oui. Allô? Oui? Qui c'est qui est à l'appareil? Oh, bah, faut savoir, c'est vous qui appelez. C'est bon. Comment? Comment? Allô? Ça va? Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, oui, je vous écoute. Viens, viens, mon frère! Oui, allô? Oui. Comment dirais-je avec un... Allô? Oui. Absolument, oui. À qui vous voulez parler? Oh, tu nous casses les couilles, ceux qui appellent. Oui, allô? Allô? Oui, allô? T'es avec ton copain, là? T'es avec ton copain, là? Mais quel copain? Un Patrick. Allô? Allô? J'ai des godes. Oui, allô? Allô? Qu'est-ce qui me casse les couilles? Absolument, oui. Qu'est-ce que c'est histoire, là? Ils t'ont fait une doublette, non? Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... J'ai pris ma belle boîte, puis j'ai une bonne bite, là, bien... Ah, attends, est parti, la bonne bite de Patrick a été fatale. On l'a rappelé 4 fois, 4 fois. Lui était super. Ah ouais, il était. Ouais. Le mec s'est transformé en chabal à la fin. Et alors, la dernière fois, on est tombé sur le répondeur. Me casse pas les couilles. Oui, c'était. C'était chabal pour. Ah, tu me fais chier. Chabal pour terminer. C'est ça. Allez, ces deux autres là. Ouais. Allô. Oui. Ah. Allô. Allô. Allô. Oui. Allô. Oui. Oui, ben, je sais pas, j'ai un appel. Je réponds. Un appel. Oui. Ah, oh, qui c'est qui t'a donné ça? Ah, oui. Alors, comment vas-tu? Ah, ouais, ça va. Vous voulez parler à Ginette? Ah, ben alors là, ça c'est... Mais dites donc, vous avez la voix presque comme mon frère. Mais je pense que vous vous êtes trompé parce que j'ai pas de Ginette dans ma vie. Bah c'est vous, c'est un appel que je viens de recevoir. Je réponds à un appel. Ben, est-ce que vous avez le numéro pour que je vous dise si c'est bon ou pas? Parce c'est que moi, vous êtes qui d'abord? Hein? Moi, je me présente aussi, si vous voulez. Hein? Ouais, c'est monsieur. Monsieur Bouin. Oui? Ben, moi, c'est madame... Bah, vous savez bien dû reconnaître, je sais pas. Oui. Moi non, je vous ai pas appelé. Ouais. Ah non, bah c'est le téléphone qui s'est trompé, mais c'est le téléphone a sonné, j'ai répondu. Ah bah zut alors. Mais enfin, ça m'a fait plaisir de vous avoir au bout bah, quand même. Aussi. Ah. Et bah puis vous donnerez le bonjour à votre dame. Bon, allez. À la prochaine. Allez, bonsoir. Allez, au revoir. Salut les filles. Salut les filles. Quel bonheur. C'était pas mignon. C'était bonsoir, tellement bonne humeur dans les familles. Tellement content de se parler. Rappelle-les peut-être, Samy, parce que t'es tellement content de se parler les deux là. Un Pachel, bonjour à votre femme. Et c'est Ginette. Enfin, en fait, ils se connaissent absolument pas, mais content. C'est Ginette. Ça fait 10 ans qu'elle a pas eu un coup de fil, alors heureuse. C'est... Ah, dis donc. C'est Ginette. Ouais, il y a pas de Ginette ici. Hein. Vous avez la même voix que mon frère. Ouais. Eh ben voilà, c'est ça le double appel. Ça met du bonheur dans les familles. Se poser plein de questions. On rappelle les deux mêmes. On va essayer de les joindre. Attention. Malheureusement, je crois que ça ne répond pas. Oui. Allô. Allô. Allô. Oui, eh ben. Oui. Eh ben, vous êtes encore sur moi? Oui. Ouais, c'est ça, à quatre pattes. Ah, ben, je sais pas, il faudrait. Il va y avoir une erreur, je vais raccrocher. Ouais, bah c'est pas grave. Ça fait deux fois en deux secondes là. Ben oui, ça. C'est pas grave. Allez, de toute façon, on va. Mais je joue à privé, je réponds pas. Salut les filles. Voilà, merci Cédric. J'ai vidé mes couilles là. Alors qu'est-ce que c'est ce travail là? Moi je viens d'avoir aussi un monsieur que j'ai pas de relation, enfin pas personnelle avec non plus. Et là je vous ai vous, c'est un autre monsieur, vous êtes pas monsieur. Patrick. Patrick qui? Rappelle. Allô? Ah, je pense qu'on a fait un bon match. Monsieur, vous êtes au compte trouble de numéro. Si vous continuez à téléphoner à ce numéro-là, j'appelle la police. Bah non, c'est bizarre votre histoire là. Qu'est-ce qui se passe dans le téléphone? Il est en train d'enculer ou pas là? Eh connard, tu as enculé pas les papous. Bah bien sûr, oui. Pardon? Je suis en train de branler là. Ouais, je suis en train de me branler là, bien comme il faut là. Mais t'es complètement con mon pote, hein. Va te faire sucer la bite, toi, espèce de salope. Eh bien, bah dis donc, champion mon frère. J'ai tout vulgaire, madame. Je dirais même plus. Champion, ma sœur. Exactement. Ouais. Tu as raison. Ouais, va te faire voir chez les papous. Non, va te faire sucer chez les papous. Bon bah ce soir, on va se faire sucer chez les papous. Ouais. D'habitude c'est chez les Grecs, mais ce soir ce sera chez les papous. Oh là, j'ai jamais sucé un papou. J'ai déjà sucé des papas, c'est génial. Oh, casse-toi. Oh, t'es dégueulasse. Voilà, où t'es papouté? Viens me sucer. Oh, Cédric, quelle belle chanson, Cédric. C'était magnifique. Bon, bah écoutez, c'était super ça. Merci les familles du double appel. Ah bah on a eu. C'était du lourd. On a eu notre dose. Ah ouais. Ah merci pour les messages aussi. Il y a Imen du Maroc qui me dit j'en peux plus. Bien joué, j'adore. C'est le message de quelqu'un d'autre, Vienne, qui s'appelle 1346. Salut, j'en pleure du double appel pour Jordi. Caro qui n'en peut plus, qui est MDR. Trop fort le double appel. Mais comment arrivez-vous à nous faire rire comme ça? Mais c'est magnifique ce message. Ouais, bah voilà. C'est magnifique. Salut, je commence à être complètement défoncé, moi, avec mes cachets. Ah, ça y est. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il faut quand même que j'informe les auditeurs qui viennent d'arriver à 22h14 pendant le double appel. Je trouve une musique de merde quand tu parles de ça. Je suis atteint d'une grave maladie. J'ai une tendinite aiguë à l'épaule. Voilà, gauche. Et donc j'ai une attelle. Je ne suis donc je n'ai plus qu'une main pour travailler. Voilà. Et pour faire de la radio, c'est très très compliqué de travailler avec une main. Parce que... Non mais c'est vrai, les ordinateurs, tout ça. Ouais, c'est vrai. Merci d'ailleurs Romano de m'avoir assisté pendant le double appel. Tu as mais été, de rien, tu étais une fois de plus magnifique. Merci. Et exceptionnel. Tu vas avoir une prime. Et t'es quand même une petite saloperie parce que t'arrêtes pas de te foutre de ma gueule depuis que j'ai mon attelle au bras. Non mais je vais te trouver une. Comment ça s'appelle d'ailleurs ce bidule que j'ai? C'est une attelle. Ouais, une attelle, ouais. Mais une attelle. Tout le corps. Ah. Ouais. Tiens, on dirait un truc pour porter les bébés là. Oui, ouais, c'est ça, ce que je disais. Ouais. Non, mais c'est surtout en général, ils te donnent ça, tu sais, c'est quand t'as le bras cassé, quoi. Ouais, ouais. C'est pire que si j'avais le bras cassé. T'es en train de jouir, là. Je vais t'en foutre. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Bras cassés, moi, tu vas voir. Je souffre le martyr, les amis. Cédric, donne un petit coup sur l'épaule de Divoul, tu l'as pas salué ce soir. Ah, c'est vrai, ouais. Bon, alors, on passe à la suite. Il y a Calice qui est avec nous à Montpellier. On a dans un instant le rendez-vous du jeudi soir. Le problème du mois, ouais, avec le sommaire. La présentation des 5 problèmes du mois que j'ai sélectionnés pour vous sur différents sites internet. Magnifique. Et on a Vincent aussi qui nous attend juste derrière. Et puis vous aussi, hein, si vous voulez passer dans l'émission, c'est au 01 53 40 30 20. Puis vous laissez vos messages au 41 759 sur l'appli Skyrock. Ça défile, ça fait plaisir. Et puis on vous retrouvera peut-être avant minuit dans l'émission. Autrement, vous laissez vos messages. Regarde tous les messages que j'ai eu des auditeurs pour ma tendinite. Ah bah tiens, t'en as un là de Forza Jojo. Dis fou, arrête de te plaindre, j'ai joué au rugby avec une tendinite à l'épaule car on n'avait pas de remplaçant. Bah moi, donc attends, le mec je suis là ce soir. Ouais. Pareil, moi, pas de remplaçant, je suis là ce soir, pareil. Ouais. Moi aussi. On lui met son casque, on lui met ses chaussettes. Le match de ce soir, je le fais. Sans aucun problème. Merci à Roxy, merci à Jérémy, merci à Magali. Je viens de mettre la radio en route, Difool. Il faut absolument te bloquer l'épaule. Oui, je sais, mais ça y est, c'est bloqué là. Ne t'inquiète pas. Ah bah elle bouge plus là. Alors, le nouveau Joule, c'est dans 5 minutes là. Dans 5 minutes, H-5 minutes pour écouter le nouveau Joule en exclu sur Skyrock. Ça arrive tout de suite. Juste après toi, Calice. Donc Calice, merci pour ton message avec ta maman qui a aussi une tendinite. Et puis merci de m'avoir annoncé que ça pouvait récidiver toute ma vie, ça va être super. Alors, pourquoi tu nous appelais? Parce que tu nous t'appelais pas que pour ça, toi, en plus. Hein. C'est ça. Bah, en fait, moi, je vous appelais parce que demain, c'est mon conseil de classe et je suis en seconde. Et alors? Et j'ai envie de passer en ES l'année prochaine. ES, économie sociale. C'est ça. Et aussi, en fait, le problème, c'est que j'ai des difficultés en maths. Genre, là, je dois avoir 9, un truc comme ça. Et j'ai fait une économie scientifique, pas économie sociale, si. Non, économie sociale. Ouais, que j'ai fait, moi. Ouais. Ça démate, t'as quand même pas mal de maths, ouais, là. Coef 5. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, Coef 5. Coef 5 et Coef 7, si tu prends option maths. Option, ouais. Donc c'est un peu super important. Ouais, pas prendre. La plus grosse option, sinon, c'est quoi? C'est éco, c'est Coef 7, non, je crois. Ouais, c'est ça, 7. 7 et tu montes à 9 si tu prends l'option éco. Ouais. Ah, bien. Ouais, mais moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai ah un, oui, c'est pour ça que un échec total, mais. C'est ça le truc, en fait. C'est étonnant d'ailleurs que t'aies échoué à économie. Non, mais non, parce que. L'économie dedans, logiquement, ça doit être un truc. Ouais, non, mais en éco, genre, il y avait beaucoup de stats et tout, non? Non, c'est relou le programme des. En seconde, moi j'avais bien aimé parce qu'en seconde, ils t'apprennent genre comment monter une société et tout ça, les différentes formes de société, SARL, ouais. SAS. Et alors par contre, à partir de la première, là, tu fais l'histoire de l'économie, les différents modèles. Ouais, le marxisme, ouais. Le truc. Ouais, c'est ça, le physisme. Et ça c'est un peu relou. C'est un peu. Et en fait, c'est l'histoire de l'économie, quoi. Ah ouais, ouais, magnifique. Alors qu'au final, tu t'en bats un peu les couilles de l'histoire. Non mais il te parle de quoi? Il te parle de la crise de 29. Non mais c'est ça, ouais. Et tu fais le fordisme et tout. Ouais, le fordisme. Le marxisme, oui. Mais c'est qui ces gens? C'est Monsieur Ford, c'est celui qui fait les bagnoles. C'est lui qui a inventé le travail à la chaîne. Ouais, c'est ça. Un modèle de travail, okay. En fait. En fait, oui, travail à la chaîne, et en fait, t'apprends tout ça, quoi. Tu fais l'historique des modèles économiques. Je sais pas, c'est lui qui a inventé ça, moi. Eh ben voilà, tu apprends des choses sur Skyrock. Skyrock, la radio qui rend intelligent. Et c'est qui Marx? C'est celui qui a fait les Mars? Karl Marx. Ouais, c'est ça, Marx et ça repart. Voilà, un Marx et ça repart. Bon, toi, c'est vraiment le truc qui te passionne. Pourquoi t'as envie de faire ça, toi, Calice? Moi j'ai envie de faire ça parce que je veux faire du journalisme plus tard et c'est ça qu'il faut que je fasse. Ouais, sinon il y a elle. Ouais, elle pour journaliste c'est pas mal. Ouais, mais bon, elle c'est trop de l'analyse de texte et tout. C'est. Voilà, y a Jadou qui nous dit je suis délégué en seconde. Si t'as 9 de moyenne, t'inquiète, ça passe tranquille. Parce qu'après j'ai fait des progrès, par exemple en physique je suis passé de 4,5 à 11. Ouais, mais ça ils s'en branlent parce que la physique t'en as plus en première. Ouais, mais de 4,5 à 11, c'est bien. Si, y en a la mais c'est quoi? C'est une option? Non, non, ça reste. Ah ouais? Parce que moi, il n'y en avait pas. Même que. Il y a, à la fin de la première ES, il y a bac de SVT et de physique. Tu vois, Romano, t'aurais peut-être eu physique, t'aurais peut-être eu. Non, j'ai une burne, hein, putain, ça aurait été encore pire. T'aurais peut-être eu. Franchement, j'étais. Au lieu d'avoir 6, t'aurais peut-être eu 5,5. Ah non, mais moi, en physique, j'étais une burne. Ah putain. Tiens, il y a Hugo qui nous dit bah putain, j'ai bien fait de ne pas aller en ES en écoutant ça. Hugo, 15 ans. Salut à toi, Hugo. Demande à Marie de t'aider en maths. Ouais, mais ouais, très sûr. Bonne idée. Il y en a plusieurs d'heures qui nous laissent. Je vais t'aider. Cette magnifique idée. C'est bien connu. C'est vrai, si tu veux des cours de maths, n'hésite pas. Hein. Marie en donne régulièrement. Non, ouais, mais le problème, c'est que moi, je dis, avec deux formats, tu vas être juste. Hein. Ouais, c'est ça le truc. Donc, après, ça dépend. Si t'es passé de 6 au premier trimestre, à 7 au deuxième, à 9 maintenant, ça veut dire qu'il y a une progression, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Ouais, enfin, c'est quand même un gros coef, quoi, donc c'est un peu. Bah, non, mais le problème, c'est que même si toi, ils te laissent passer, c'est que derrière, t'as intérêt à assurer, parce qu'avec 9 de moyenne, coef 5. Ouais, tu peux te planter, ça va. Ouais, mais après, le truc, c'est que j'assure en histoire. T'assures en fait partout, sauf en maths et en physique. Ouais, voilà, les matières scientifiques. Un peu. Bah, quoi qu'en physique, t'es à 11, c'est pas mal, hein. Ouais, bah, j'ai progressé, enfin. Et ça, c'est coef combien, du coup? Comment? La physique, c'est coef combien en première? La physique, je crois, c'est coef 3 ou 4. Ah ouais, donc oui, il faut quand même avoir des notes. Ouais. Sinon, ça peut te planter aussi un peu, ouais. Et ton souci, c'était quoi? C'est que demain, au conseil de classe, t'as peur qu'il te laisse pas passer en ES? Ouais, voilà, s'ils voient qu'avec la progression que j'ai faite et tout, même si j'ai pas de super notes dans les matières scientifiques, ils vont me laisser passer en ES. T'es pas délégué, toi? Non. Non, parce qu'à la limite, si t'es délégué, tu peux te défendre toi-même, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, ouais. Et le délégué. Ça va vraiment bien avec les délégués, donc. Bah, faut leur dire, bah, regardez, il a progressé, tout ça, c'est vraiment ce qu'il a envie de faire. En plus, regardez, il est passé de 4,5 à 11 en physique. Ça montre que c'est vraiment un gros feignant qui n'en branlait pas une, mais que maintenant, il commence à bosser. Non, mais le problème, c'est des arguments qui déchirent. Oui, mais eux, ils vont pas regarder que la progression. Ils vont regarder, c'est-à-dire que t'as eu 4,5 et 11 sur la moyenne annuelle. Ouais, voilà, c'est ça que je me suis dit. Ça fait pas gros, quoi. C'est-à-dire que ça fait du 7,5, quoi. Et toi, à la base, Romano, t'avais quoi comme objectif quand t'es allé en ES? Ah, en effet, quel était ton objectif? Je crois qu'à l'époque, son objectif, c'était de doigter la gothique. C'était Po qui pue. Ah, doigter qui pue. En première, je doigtais Po qui pue et je la tringlais à tout va. Il la tringlait. Donc ton objectif, c'était de tringler et de doigter Po qui pue. Non, parce que moi, je savais que je voulais faire de la radio et ES, j'avais fait ça, parce que je savais pas, l'économie, ça me plaisait plutôt, tu vois. Bah, ça, je sais. Mais j'étais extrêmement déçu sur le programme de première et de terminale. C'est là que t'as inventé les conseils pas chers? C'est là. Ah, magnifique. Quelle belle invention. Ah, mais l'idée, elle a fusé dans sa tête. Non, mais tu vois, j'étais super déçu, tu sais, qu'on a fait les premiers cours d'économie en première et que j'ai vu. Lui, il pensait qu'on allait lui expliquer comment escroquer les gens. Non, mais pas comment comment siphonner un véhicule quand il n'y a pas d'essence. Non, mais au final, tu vois, en discutant avec des potes, je regrette parce que j'aurais dû faire première STT. Et voilà. J'ai fait ça STT, c'était nul. Tu serais retrouvé dans la classe de Cédric, ça aurait été mignon. Non, parce qu'on n'était pas dans le même bahut. Seconde STT. Ah, vous serez mis en couple, peut-être. Ah ouais, peut-être. Non, tu sais que j'ai regretté de pas avoir pris ça, parce que, putain, franchement, j'étais tellement déçu du programme d'économie. tout à chier. Donc pour être journaliste, est-ce que c'est bien de faire ES? Bon, toi, tu penses que oui. Tiens, j'ai eu. Ah tiens, regarde, j'ai fait un bac ES. Nanou et elle l'a eu et avec 5 en maths. Ah bah tu vois. Eh ben. 7 de moyenne en A, maths, et je passe en STI 2D. C'est qui nous envoie le message avec 7 de moyenne? C'est Eliane, 15 ans. Salut Eliane. Non mais bon, après passer, ouais, pourquoi pas. Mais comme disait Romano, après tu vas galérer quoi. Parce que c'est un gros coef, ça peut te plomber ton année. Hein. Ouais, mais après je peux me rattraper parce que je me dis j'assure en français, en histoire, en économie et tout. Donc. Non mais déjà, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes option. T'as quoi comme dans ton bahut comme option à part économie et maths renforcés? Alors là. Déjà, toi, il faut pas que tu prennes l'option maths, parce que ça va tout monter le coef de 2. Oh là, moi, je voudrais l'option vite électrique. Oui, mais c'est parce que dans ma voiture, il y a pas les vite électriques. J'ai une manouvelle. Ouais, j'ai la manouvelle pour baisser les vite électriques. Oh là, c'est pas facile avec la manouvelle. Option vite électrique, je suis pas sûr, Cédric, quand ES, ça existe. Non, mais tu peux t'en sortir, oui, effectivement. Si t'as 15 en éco et que t'as 6 en maths, avec les coef, oui, t'auras la moyenne. Ouais. Mais bon, est-ce que tu te sens capable d'avoir 15 en écho? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Bon, bah écoute, pourquoi pas. Regarde Amandine qui nous dit de toute façon. En maths, vraiment, même avec des cours et tout, franchement, je comprends rien. Non, mais moi, je comprenais rien non plus en maths. Moi aussi, je comprends rien. Il y a Marie, par contre, est la meilleure en maths de l'équipe. Hein, quand même. Bah, bien évidemment, j'ai la bosse des maths. Ouais, ça va de soi. Ouais. T'inquiète. Les maths en ES, c'est easy. C'est pas la première qui dit ça. C'est Amandine, 18 ans, qui nous laisse le message. Et les autres, ils nous disaient que. Ça, moi, j'ai pas trouvé. Hein. C'était plus facile quand tu passais en ES que les années précédentes. En truc général. Ok. Ouais. Non, t'as pas trouvé. Ah, mais moi, les maths, je sais que j'avais du mal, mais en. Et pire que Marie? Je sais que j'ai quand même faire 2 plus 2, tu vois. Romano, 3 plus 4. 7. Ah ouais, ça va. Romano, 4 x 4. 16. 18. Non, 16, Marie. Eh merde. 16 sur 4. Trompé, pas de beaucoup. Hein. J'avais un chiffre de bon, le 1. Mais moi, je sais qu'en première, en maths, c'est là où j'ai décroché complet. Hein. Première, ça s'écrit avec un 2. Merde. T'es trompé. Pas de beaucoup, alors. Tu vas mettre n'importe quoi. Prépa HEC. Je suis passé par ES, les maths. J'étais vraiment mauvais dans les matières scientifiques et j'ai 2-3 conseils à donner. Ça s'est bien passé pour Xavier. Non mais c'est tu vois, il y en a plein qui ont quand même galéré en maths avant et qui en ES en sont à peu près sortis. Non mais prépa HEC, ça veut dire que il devait avoir des notes à côté, mis à part les matières scientifiques. Parce que prépa déjà là pour rentrer en prépa, il faut avoir un. C'est certain. Il faut un sacré dossier quoi. Jérém du 5-7, je suis en première ES et la physique SVT c'est coef 1,5. Oh c'est que dalle. Ah ouais. Coef 2, tiens on nous dit physique et SVT coef 2 en première. Ça c'est papa de Difoul. Bonjour papa. 17 ans, il est jeune. Mais on est très jeune dans la famille, on est toujours assez très jeune. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Calice? C'est bon, merci, là j'ai eu les conseils. Ah, t'as vu ce qu'il te faut? Ah, bon, non, mais demande au délégué de te vendre. Bien. Ok. Par contre, je voulais juste dire un truc. La progression, tout ça. Toi, que t'es meilleur au troisième trimestre qu'au deuxième, que t'as progressé en physique. Ouais, sont là pour ça devrait le faire. Bah oui, c'est un peu tes avocats quoi. C'est ça. Demande à tes avocats de te défendre. Hein. C'est un peu ce rôle là. Bon, sinon tu voulais rajouter un truc, Alice? Ouais, en fait au début, la première fois que j'ai appelé, j'ai eu Cédric au standard. Et t'as fait qu'est-ce qu'il Ouais, on va prendre ton numéro, je sais pas quoi, et il m'a raccroché. Oh, ouais. Quelle pute. attends la fin de l'histoire, Romano. Vas-y après. Alors que Karim, au contraire, super gentil et tout. Bah, un conseil, moi, que je te donnerais, entre amis. Hein. Vraiment, bah oui, vive la team Romano. Merci. Voilà, tu as toi-même compris, c'est très bien. Très bien. Est-ce que Cédric t'a fait? Salut les filles! Non. Voilà, bouge ta gueule, vas-y, ton numéro, Est-ce que quand il a raccroché, il a fait? Non. Oh là, vas-y, raccroche, sinon je vais te mettre une voilée. C'est peut-être parce qu'il était de mauvaise humeur ou qu'il avait une petite chaise. D'ailleurs, s'il ne te parle pas actuellement, c'est qu'il est sorti du studio en courant, il avait la tête toute rouge. Je pense qu'il est en train de se vider. Je pense aussi. Ah, certainement. C'est possible. Bon, en tout cas, Calice, on va t'envoyer ton t-shirt Skyrock. T'es au courant pour la suite, hein. Et puis, demain, laisse-nous un message. Demain soir, on est là. Ouais. Et laisse-nous un message pour nous dire si ça s'est bien passé, si tu passes, comment ça a roulé l'histoire. D'accord. Ok. Je vous dirai ça. Et après, je crois que même s'ils sont pas d'accord, tu as le droit de faire appel avec tes parents. Hein. Ouais, je sais. Ouais. Tiens, il y a Pete qui envoie encore un message. Tiens, on va se quitter sur un message positif. Les maths, c'est pas le plus important. Je suis en ES, j'ai 4,5 de moyenne, mais je cartonne dans tout le reste et donc tout va bien. T'as 4,5, c'est vrai qu'il faut cartonner dans tout le reste, mais si tu y arrives, c'est bien. C'est Pete 91, 18 ans qui nous envoie le message. Les maths en ES, c'est easy. Tous les terminales ES sont 17 en maths. Ah bah, easy pour Sarah, 17 ans. Moi, c'était pas le cas. Hein. T'es peut-être plus bête que la moyenne. Ouais, ou alors le bac. Ou alors le bac est plus facile qu'à l'époque. Eh ouais, parce que c'est pas tout jeune tout ça. Ben oui. Oui, tu voulais savoir un truc. Tu vois, vu que je t'ai donné des conseils avec ma mère et tout, si je fais un petit virement à Romano et que je pourrais avoir un petit maillot de l'équipe de France ou quoi? Ouais, virement 200 balles, tu fais. Maillot de l'équipe de France, ça va être compliqué, mais le t-shirt Skyrock, c'est avec plaisir. Ok. Bon, on t'envoie ça, Calice. Et puis, tiens-nous courant pour demain soir. On te donnera des nouvelles demain soir. Ok, c'est bon. Et écoute, souvent, on en fait gagner des maillots. Oui. Mais on organise des jeux. Non, mais je me suis fait engueuler parce qu'on en faisait trop gagner. Oui, voilà. Donc maintenant, c'est réservé aux jeux. Ouais. On aura, par contre, les places de foot pour l'équipe de France à vous filer avant minuit. Ah, ça, c'est sûr. Promis, ouais. Juré. Un match de l'équipe de France à gagner, c'est ce soir dans la Radio Libre et avant minuit sur Sky. Et attention, le nouveau Jul, il arrive. Écoute bien ça, Calice. Tu me diras ce que t'en penses aussi. Pareil, vous laissez vos messages pour Jul. Le nouveau Jul, on va le mettre tout de suite. Et puis juste après, tiens, une histoire de police, une histoire une histoire de daron très très très très énervé, mais vous allez comprendre pourquoi. Et du sexe. Où ça, du sexe? Bah dans le problème du mois. Et bah oui, dans le problème du mois. Et de l'émotion maintenant sur Skyrock. Emotions, c'est le son de Jul, le tout nouveau. On l'écoute et vous nous dites ce que vous en pensez. C'est parti. Tous les matins, les plus grosses stars sont dans le morning de Difool sur Skyrock. Ouais, Skyrock. C'est Sopram Baba. Je suis Bart Simpson, vous êtes qui vous? Yeah, c'est Black M. Bonjour, c'est Zlatan. Pascal, c'était mon vrai prénom. Et ouais, c'est Pascal le grand frère qui va remettre de l'ordre chez les familles. Il file chez Nicolas ce matin. Il est énervé, Pascal le grand frère. C'est qui? Pascal, c'était mon vrai prénom. Pascal, j'imagine c'est lui. C'est vrai qu'il y a une époque on m'appelait le grand frère. Moi je reconnais pas votre voix, alors je regarde votre émission tout le temps, si c'est vraiment vous, je reconnais pas du tout votre voix. C'est lui. Tu crois que ça me fait plaisir ce que je te fais là? Non mais c'est lui. Elle est fan. Mais c'est lui. Écoutez-moi, tu vois bien que c'est du n'importe quoi. Comment il a su qu'il y avait des problèmes entre toi et moi? Ah bah ouais, hein, comment il a su? Le réveil de Star, c'est à 6h10, 7h50, 8h50 dans le morning de Difool sur Skyrock. The morning show. J'adore. Et si j'avais le pouvoir de faire revenir votre fils? Une porte sépare le monde des vivants de celui des morts. Oliva, c'est toi? Un avertissement sacré, ne jamais l'ouvrir. Il faut que je parte maintenant. Produit par Alexandre Aja, réalisateur de La Colline à des yeux et Piranha 3D. Non, ne les laissez jamais sortir. Non. The Door, actuellement au cinéma. Avec Skyrock. Pendant l'Euro, il y aura 552 footballeurs. Et ils joueront tous dans la même équipe. Cette équipe sera partout. Dans votre kiosque, sur votre bureau et même dans votre poche. Cette équipe... c'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site. L'équipe. Partageons le sport. Et ne manquez pas notre guide spécial Euro 2016. Le journal, plus le magazine, plus le guide de l'Euro l'équipe, c'est samedi. Hey, les nouvelles baskets en rouge, t'en penses quoi? J'avoue, elles sont stylées. Je te jure, j'arrive pas à me décider. Poste ta photo sur Yax, tu vas savoir direct si t'as le swag. Ah ouais, bonne idée. Je fais ça direct. Ça y est, c'est posté. Regarde, y a déjà plein de commentaires. Je t'ai dit, en rouge, elle déchire. Merci, le peuple Yax. Yax. Yax, l'appli qui répond à toutes tes questions. Je venais de passer le permis, j'avais plus une thune. Pour me payer une caisse, il m'en restait plus une. Une pièce pour la vidange, s'il vous plaît. Elle l'a déjà bien roulée, même si elle fait pas son âge. Les 200-300 bornes, j'ai encore au garage. Merci. Jeune conducteur, permis de malheur. Fini la galère. Avec les avantages jeuneconducteur.s, profitez de 30% de remise sur votre première révision et de moins 15% sur les produits.s. Pas de stress, y'a .s. Voir conditions sur .s.fr. Crédit Agricole, partenaire national de l'UEFA Euro 2016, offre 200 places sur Skyrock. Pour assister à l'un des matchs de l'Euro 2016. Écoute Skyrock à tout moment et gagne tes places de foot. 200 places pour l'Euro 2016. Crédit Agricole, partenaire national de l'UEFA Euro 2016. Merci Sky. Eh oui, merci Sky pour le nouveau Jul. Ah bah ouais, il est là le nouveau Jul. On le découvre ensemble. Nouveau Jul, exclu, total, mondial, interplanétaire, intergalactique. C'est sur Skyrock, ça s'appelle Emotions. La radio libre de Difool, tous les soirs, 21h minuit sur Skyrock. Allez, écoutez bien, puis dites-nous ce que vous en pensez. Mes emotions. Je roule en bolide 4 motions. Du mal à sortir mes émotions. Je roule en bolide 4 motions. Je rêve de thunes de voyage. J'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le bagage. On va changer de paysage. Tête dans la lune puis sur terre. Je vois les oiseaux s'envoler. On dit souvent que c'est les gens plus bas de terre qui seraient prêts à tout donner. Je suis trop fort de caractère. Comme mes potes qu'on incarcère. Pour le stress j'y mets du mien. Faut que je les lisonne. J'envoie des sons pour venir sans la mort. Je me vois partir sous quoi râler. Je fais ce que je peux pour mes potos, et ils font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment je peux sauter, je prends la vie comme un tournoi. Tu veux t'évader, partir de là, alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes, je fais que ta fille comme un chinois. J'envoie des sons pour venir dans la mort. Je me vois partir sous le sol, nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul, je suis parano. Faut pas qu'on me laisse seul, même par amour. La mise est fraîche, je suis parano. Elle a fait des mèches, je suis parano. Parano, parano. Du mal à sortir mes émotions. Je roule en bolide 4 motion. Du mal à sortir mes émotions. Sur Skyrock, c'est un extrait de l'album. L'album s'appelle Emotions et le titre s'appelle Emotions. C'est pas facile à comprendre. Si, ça va. Émotion. Allez, oui, c'est parti. 21h minuit, la radio libre de Tifoul. Seulement sur Skyrock. C'est parti, il est lancé le nouveau Joule sur Skyrock. De la bombe, le nouveau Joule. Mais c'est quoi le titre? Emotions. Émotion avec un S. C'est le SDM qui nous laisse un message. Encore une bombe. Le poteau qui nous laisse un message. Le nouveau Joule, une bombe. On kiffe, y a rien à dire pour Julie. Salut à toi, Julie. Le footeux, c'est du lourd. Un son comme ça, ça sent l'été dans la voiture. C'est Joule. Adéane, c'est du rap ça. Oui, c'est du rap ça, c'est Joule. Joule et nouvel album qui sera bientôt à découvrir sur Skyrock. Restez bien dans le coin. Et il viendra peut-être nous rendre une petite visite dans la radio libre. On le voit nulle part, on l'entend nulle part, Joule. Seulement sur Skyrock. Et quand tu viens nous voir, ça nous fait toujours plaisir. Ouais. J'aimerais bien faire à nouveau un duo avec lui. Hein. Bah, tu peux faire le nouveau là, le nouveau Emotions. Premier extrait de l'album, trop bien. Ah, pour putain, Clem. Moi j'aurais bien fait Wesh Alors, moi. Wesh Alors. Ah, putain, j'adore celui-là. Si moi. Tu veux. Énorme le son, tu lui demanderas. Oui, j'adore oui. Ce son, Joule. À fond chez 14 ans de la Haute-Vienne. Joule, c'est le meilleur et déchire tout pour Mazirox. Trop bon le nouveau Joule. Son album, il va tout péter. Non, mais c'est moche. Ah, t'aimes pas toi. C'est Lily. Lily, 26 ans, qui nous laisse un message. Le Cous du 66, 18 ans. Papa, papa, papa, de la frappe. Non, il a fait, en fait, c'est papa, papa. Et je lis le message exactement parce que je dois respecter les messages que vous nous envoyez. Palala, de la frappe. Team Joule, il a niqué le rap team. Joule, d'or et de platine. Merci, le Cous du 66. Salut à toi. Trop bon le nouveau Joule pour Saboune. Je vais pas vous lire tous les messages parce qu'il y en a un paquet, mais un truc grave, là. Joule, super Joule. Ça fait toujours plaisir de le retrouver. Ah, il me fait délirer ce son. C'est Joule, un des sons de l'année. Ah, parfait pour cet été. Voilà les messages qui défilent. Voilà. Trop bien le nouveau Joule. J'aime pas. C'est qui? Le message de la pâtissière voyageuse du 94. Et c'était la première fois que vous l'entendiez sur Skyrock ce soir. Pas mal pour l'été, Joule. Le message de Vince. Je préfère Romano que Joule. Oh, c'est gentil, t'as vu ça? Ah bah c'est mignon. Oh mais mignon comme tout. C'est mignon. Eh bien, on a déjà fait des, on a déjà rappé ensemble avec Joule. Bah, bien sûr que t'as rappé avec Joule. J'avais fait Dans ma paranoïa. Et j'avais pas fait un deuxième d'ailleurs. Mais avec qui tu n'as pas rappé surtout, Mal? C'est vrai. Pose-moi la question, je vais te répondre. Eh ouais. Non, c'est marrant parce que c'est partagé pour Joule. T'as ceux qui adorent. Ouais, et puis il y en a qui aiment pas du tout. T'en as qui aiment pas là. Regardez par exemple Waze, 16 ans. Parce qu'on lit tous les messages. Hein. Waze, 16 ans, qui nous dit ouais, je saigne des oreilles. Très bien. Papa, trop bon. Là, c'est vraiment un papa, là. C'est Ticket de Caisse qui nous envoie un message. Bonjour, le Ticket de Caisse. Trop bon le son de Joule. Le son de l'année pour 9-5. Joule, il me donne la trique pour Alexis. En tout cas, c'était le tout nouveau. Nouveau Joule sur Skyrock qui s'appelle Emotions. On a d'autres choses à vous faire écouter, à vous faire découvrir. Demain matin, 6h, soyez là dans le morning. Faut se lever tôt pour découvrir en exclu sur Skyrock le nouveau Maître Gims. Il y a un nouveau Black M que vous découvrirez en exclu aussi sur Skyrock. Putain, mais il y a que d'exclus, man. Et puis, une surprise de Soprano. Alors je sais pas si c'est un son ou si c'est autre chose. En tout cas Soprano sera avec nous lundi soir dans la Radio Libre en direct dès 21h. Et dès 21h il a un truc à nous dire ou un truc à nous faire écouter. En tout cas il nous a promis une surprise, le Sopra. Ouais. Donc ça nous fait plaisir qu'il vienne nous voir. Soprano qui prépare un album. C'est peut-être un extrait de l'album, on verra. Faut être là lundi soir. Soprano possible. À retrouver sur Skyrock. Tiens, pour la suite, il y a Vincent qui nous attend à Béziers. Il y a le problème du mois aussi. Qu'on va faire? On va le faire moins tard que la semaine dernière. La semaine dernière, on avait attaqué un peu trop tard pour le problème. Ouais, c'est mois. Vrai qu'on a, oui, il était quasiment 11h30. Ouais. On avait une soirée très très chargée, un peu comme Marie, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, bah, d'accord, je te remercie. Ou comme Romano, le samedi soir, le dimanche soir, le samedi midi, le samedi matin. Ah ouais. Le dimanche matin. Ah ouais. Le samedi dans la nuit. Et parfois un peu en semaine. Donc, chargé la semaine dernière, mais cette semaine on va s'y mettre un petit peu plus tôt pour notre problème du mois. Je ne vous parle pas bien sûr de ma grave maladie qui Non. Oh putain, il a Non. Vous voulez pas que j'en parle? J'ai une tendinite. Ah, je m'en fous, j'ai trouvé de l'orgue de barbarie. J'ai une tendinite. Ah, vas-y, attends, fais voir, on va. J'ai un bras qui est complètement paralysé. Vas-y, on va essayer avec le son du poule. Ouais, regardez. Et j'ai le bras en écharpe. D'ailleurs, il y a des filles qui ont vu. Il y a une photo qui est passée de moi avec le bras en écharpe. Oui, bah oui, oui. Ah, ouais, sur les réseaux. Ouais. Ah, parce que j'avais un message d'une fille. J'ai oublié ton prénom. Excuse-moi. J'ai oublié ton pseudo. C'était pas un prénom, c'était un pseudo, mais je me rappelle plus. Qui disait que j'étais très sexy avec mon bras en écharpe. Ah bah putain, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah ouais, qu'est-ce que je suis sexy. Vas-y, mets la musique, dit foule. Mais elle y est la musique, Romano. Vas-y, balance. Ah, elle y est pas là. Mais si, elle y est. Elle y est. Vas-y, parle, dit foule. Plein que je parle. Plein toi. Mais j'ai mal au bras. Pourquoi tu mets cette musique? Alors qu'est-ce qui t'arrive, dit foule? J'ai mal au bras. Vas-y, confie-toi. Qu'est-ce qui t'arrive à chez moi? J'ai une tendinite chronique, un peu comme ton acnéite chronique, Cédric. Sauf que moi, c'est au bras et toi, c'est sur l'ensemble du corps. Non, même pas. Si, t'en as sur le cul. Non, sur le cul. Non, j'en peux plus, moi. Coupez la musique. Pourquoi? C'est trop. Ah, là, t'as des guitares sur le cul, là. Ah, excuse-moi, Romano. Je voulais pas te dégoûter. Oh là là. Je te dégoûte pas avec mon bras en écharpe. Tu me trouves sexy aussi? Bah sexy non, je pense mais que limite il bande là, Romano. Non, pas non plus. Non mais, ah, non mais c'est vrai. Non mais t'es moins dégoûtant que Cédric. Ah merci, c'est très gentil. Quel suceur celui-là. C'est moins dégoûtant quand même. Hein. Je dois être très très beau alors. Ah ben. Je dois être magnifique. Ouais, il a dit moins dégoûtant. Gros. Oui bah c'est ça. Bah moins dégoûtant. Comme Cédric hein. Ouais, est. Tu dégoûtes un peu. Sexy baby. Bah, je suis sexy. Voilà, je suis au top du dégu. Bah, c'est ce que je dis. Ah, c'est gentil, merci. T'es sexy, baby. Voilà, je te dégute. Non, ça va. Mais je pense que ça va aussi. T'as chié ta race, toi? Ça va. T'as chié, là? Ah ouais, j'ai chié ma race, ouais. Ah, c'est pour ça qu'il était sorti tout à l'heure. Ah ouais, je suis parti. Il y a un auditeur qui nous a dit que tu répondais mal au standard. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est Calice. Ouais, Calice, ouais. On l'a eu juste avant. Il est tombé sur Karim, il a trouvé ça très bien. Et puis il était tombé sur toi et il a trouvé que tu étais. Tu m'as dit, bon, non, vas-y, je te rappelle. Bah, d'ailleurs, il est là, Calice. Tiens, Calice. Ouais. Tiens, il est revenu. Il est revenu, Cédric. Tu peux lui dire en face maintenant. Ouais, Calice, qu'est-ce qui se passe, ma gueule? Ouais. Bah, je sais pas, tu m'as raccroché au nez comme ça. Non, j'ai dit, on te rappelait. Regarde, on t'a rappelé. Ouais, mais c'est pas toi qui l'as non. fait. Et alors. C'était quand que t'as appelé? Parce que c'était pas ce soir. Non, il a appelé tout à l'heure. Si, je me souviens, je l'ai au standard. Va te faire enculer, voilà, j'avais oublié de te dire ça. Voilà, vas-y. Va te faire mettre. Non, c'est avec son conseil de classe. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Voilà, va te faire sucer par un buc. Non, ce soir, on se faisait sucer par des papous. Je sais pas si tu te rappelles du double appel, c'était les papous qui se faisaient. Voilà, moi, c'est les papus. Les papus. Bon, bah, Calice, on te repasse Karim. Je vais juste faire une dédicace. Vas-y, fais péter. Bah, dédicace au poteau Kélian. Il va se reconnaître. Et puis à la Team Romano. Ah bah big up à toi. Merci mon pote. Demain il y a la belle dans le clash. Demain soir le clash de la drague en live sur Skyrock avec la belle de la semaine. Une victoire pour Cédric par 51%. Lundi, une victoire pour Romano par 55% hier. Ouais. Et demain, c'est vous. Vous et vous seul qui déciderez de l'avenir de nos deux clashers. Ouais. Merci Calice, raccroche pas. Salut, on se fait les nouvelles footballistiques. Avant de vous offrir le match de l'équipe de France de ce soir. Allez. Un match des Bleus à gagner pour aller les voir à l'Euro. Vous savez qu'on a tous les matchs de l'Euro à vous filer. On a la finale, on a les demi-finales. On a tous les matchs des Bleus. On a tous les matchs dans tous les stades de France. Et ce soir, les Bleus à aller voir quelque part en France. Ce sera pour vous, restez bien dans le coin. Je vous donnerai le top tout à l'heure avant minuit. C'est promis, craché, juré. Non, mais le fais pas en vrai. Et trop tard, Marie. Dégueulasse. Désolé. On fait le journal des Bleus de la Coupe d'Europe Euro 2016 sur Skyrock, tout ça. Allez, c'est parti. Allez, jingle. L'Euro 2016. Journal des Bleus. Oui. Wouh. Samy Skyrock. Le journal des Bleus. Je m'en remets pas ton jingle. Génial. Alors, quelles sont les nouvelles des Bleus aujourd'hui? Que s'est-il passé? Alors, ils se font toujours chier en Autriche? Ouais, ça va. Écoute, aujourd'hui, ils avaient le sourire. Et il y avait presque quelques rayons de soleil, tu vois. Oh, en Autriche, le voir pour une fois, juste pour la photo de l'équipe de France ce matin. Eh, c'est là-bas qu'il faut aller. Donc c'est énorme, tu vois. Est-ce que comment on l'avait appelée hier, Lisa Rebeu, c'est ça? Lisa Rebeu est avec Lisa nous. Lisa Rebeu. Oui, c'est oui, toi. Oui, bonsoir, oui. Tu as un mix entre Lisa Razou et Franck Lebeu. Ouais, c'est ça, ouais. Tu es Lisa Rebeu. Donc, Lisa Rebeu. Oui, une question. Oui. Que... Non, c'était pour savoir est-ce que ça se passe bien en Autriche, tout ça. Ah, je sais pas, moi j'ai pas de nouvelles. Ah, Samy a tout. Ah bon, tiens, je vais te les donner. Mais ils se barrent demain, du coup. Ouais, c'est ça, demain. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Demain, et en fait, ils vont direct à Metz, ils s'entraîneront demain l'après-midi au stade Saint-Symphorien de Metz. Oui, parce qu'ils jouent samedi à Metz. C'est ça, ouais. On dit pas Metz, Samy, on dit Metz. Ouais, mais Marseille, on dit Metz. On met ça. On met et y a un T. Ouais, on dit Metz ça, et on prononce le T. Sinon, il n'y avait pas de T, tu dis Metz. Metz. Bon, bref, Metz. Donc ce matin, donc ils ont fait la photo, machin, tranquille, photo de classe là. Mmh. Après il y a Patrick... Elle est là la photo, tiens, on va vous la mettre sur les réseaux, c'est voilà. pour aller la mater. Il pleut pas. Hein. Voilà, Didier Deschamps il s'est trompé, il s'est habillé en blanc au lieu de s'habiller en bleu. Ouais, c'est pour changer un peu, tu vois. Tous les autres ils sont en bleu, Didier Deschamps. Je me suis trompé de couleur. Et la photo du dessus, c'est quoi? Ils sont en costard, je vois. Non, c'est la photo de l'équipe d'Italie. C'est les Italiens. Ouais, ils sont tous en costard. On dirait des prisonniers. On dirait des mafieux. Ouais, mais ils font beau. Je trouve que ça fait beau gosse, moi. On voit que les têtes et les mains qui sortent. Non, mais regarde, il y a un daron au milieu avec des lunettes de soleil. On dirait un de ce mafieux. Bon, bah on va vous mettre les deux photos. Les Italiens et les Français. Ah, ils ont la classe, les Italiens en costard. T'as vu un peu? Ah, bon, après, c'est des footballeurs. Pourquoi ils sont en costard? Parce qu'ils ont la classe, les Italiens. Ouais, pas les Belges. Ils vont jouer comme ça. Pourquoi quand ils arrivent au stade, ils sont en costard? Ouais, c'est le truc officiel. Ouais, c'est vrai. Bon. Pourquoi pas? Alors. Bon, alors ce matin, Patrice Evra, il arrive à l'entraînement. Bon délire après la photo. On lui a demandé de choisir les deux joueurs les plus techniques du groupe. Pour faire un battle, un concours de jungle, tu vois. Donc pour faire des paris entre eux, tout ça. Donc il a choisi, selon lui, les deux joueurs les plus techniques, c'était Pogba et Griezmann. Ouais. Donc ils se sont mis face à face. Ils ont commencé à faire un concours de jungle et de gestes techniques, tu vois. Ah, qui c'est qui a gagné d'après tout vous? Tout le monde qui l'est chauffé. Ah, oui, donc d'après vous, qui c'est qui a gagné? Alors Pogba, Griezmann ou Pogba? Alors Cédric, tu dis Griezmann. Griezmann. Moi je dis Pogba parce qu'il est vraiment technique de fou. Romano. Allez, Pogba. Pogba. Pogba aussi, Pogba. Allez. Eh ben non, match nul, ils ont arrêté les deux en même temps. Ah, ils sont bons. Autrement, ils seraient encore en train de jongler, peut-être. Mais bon, selon Evra, quand même, le plus technique, c'est pas Pogba, c'est Griezmann. C'est ce qu'il avait dit, tu vois. Ouais. Bon, okay. Après, là, ils ont fait un concours, il y a égalité. Donc après, ils se sont entraînés tranquilles. Didier Deschamps, il a fait bosser la défense. Donc normalement, c'était pas un luxe. Ouais, ouais, mais tu sais, comme en fait, il y a des blessés et tout, c'est un peu le point faible de l'équipe de France, la défense. Oui, ça, mais... Donc là, il a bien insisté dessus. Normalement, samedi, ça va être la même défense qui a joué lundi. Ah merde. Rami et Koscielny. Non, mais justement, en fait, il aurait dû faire tourner, tu vois, s'il y avait tous les joueurs. Ah oui, mais il veut travailler les automatismes pour bien faire des réglages. Donc là samedi normalement ça va être la même défense Koscielny, Rami. Et en milieu de terrain ça devrait être Kabay qui devrait être essayé à la place de Lassana Diarra. Très bien. Ah oui, Lassana Diarra qui n'est plus là, ouais. On l'a annoncé cette semaine. Là il est parti. À la place de Diarra, ça veut dire que genre si ça va être Kabay le titulaire? Non, là c'est, le match samedi contre l'Écosse, il va essayer Kabay en milieu défensif, ouais. Tu vois. Après moi je continue à penser que pour l'Euro, le titulaire ça va être N'Golo Kanté. Ah ouais, j'espère quand même. Je pense. Ouais. Et l'Euro c'est dans une semaine. Ah ça approche, c'est parti là. Dans 7 jours, on sera la veille du démarrage de l'Euro. C'est ça. Et dans 8 jours, on sera en train de commenter le match de l'Euro, la fin du match de l'Euro en direct sur Skyrock. Si on n'est pas complètement inondé. Je suis pas complètement bourré. Ouais, bien sûr, c'est pas garanti. Ça, c'est autre chose. Pas complètement pété, on commentera le match. Autrement, exactement. Démerdez-vous. Voilà. Voilà. Bon, sinon, il y a eu le classement FIFA aujourd'hui qui a été donné. On monte. Bonne nouvelle pour la France qui gagne 4 places. Mais quand même, on est barre. Hein. Je pensais que. Tu vois. On est quoi? On est 18e, 19e? 17e. 17e. Ah oui, Romano, je sais que ça te choque un peu. On est que 17e de classement. C'est Romain Rebeu, s'il te plaît. Les trois premiers, tu connais pas? Ouais, non. Argentine, Belgique, Colombie. Argentine, Belgique, Colombie, les trois premiers. Non, je sais pas, je dis Roland. C'est dégueulasse, arrête de regarder Cédric. Oh, Marie, c'est pas gentil. Ça va... En général, c'est comme ça que ça t'arrive. Hein. Ah bah ouais, t'as vu, elle a raison, Marie. Tu vas faire ça toute la soirée? C'est quoi ce mot? Non, mais j'ai un peu envie de vomir. Ah non. Bah, attends, regarde, ça y est, un deuxième. Arrête. Ça va bien. Ouais, il faut que j'arrête de regarder. Alors. Et on vous met sur les réseaux la vidéo du concours de jongle de Pogba et Griezmann. Ah, là, en plus, j'ai pas vu ça. Ouais, je l'ai pris et je vais la mettre. Cédric, t'as pas envie de chier? Non. Si tu commences à être rougeau vachement là. Ah ouais? Ouais, ça va être rougeau. Non, ça va, j'ai un peu mal au ventre, mais ça va. Ah, ça va pas tarder. Ça va pousser un peu. Ah, je suis sûr, c'est que non, mais voilà. je sais pourquoi j'ai ça. J'ai l'air de petit ventre. Non, ce midi, j'ai mangé un brutus. J'ai de la merde. Et le mec, t'as dit, je dis, ouais, je fais pas épicé. Et le mec, il m'a mis un truc épicé. Et je voulais pas le jeter parce que j'avais trop la dalle. Hein, et j'ai bouffé, ça m'a fait mal au ventre. Et je commence à. Et voilà. Je me suis réveillé en plein milieu de ma sieste et j'ai senti que j'avais. Moi, j'étais dans de la merde partout dans mon lit. Non, j'ai fait un peu, je fais le prochain, à mon avis, je vais chier quoi. Oh non, je me suis retenu. J'ai fait le deuxième, effectivement, j'ai chié dans mon lit. Non, je me suis retenu jusqu'à la radio. Voilà, j'ai tenté le tout pour le tout, j'ai fait qui tout double. Tu préfères moi avec ma grave maladie, ma tendinite aiguë, ou alors Cédric avec sa maladie à lui. Non, non, mais la Cédric, chasse chronique. Ouais, c'est vrai que c'est pas une maladie, c'est Cédric qui a été croisé avec un porc. T'as la gueule, toi. Pourquoi ça chie souvent les porcs? L'homme porc. Tu parles, toi. L'homme porc. Bon, t'es prêt pour le problème du mois? Ouais, vas-y. Ah, ouais. C'est fini les foot? Ouais, ça y est, c'est terminé. Ah, on a fini les nouvelles footballistiques. Bah, jingle de fin. Et puis, tiens, on prend Vincent et on fait le problème du mois juste derrière. L'Euro 2016. Journal des Bleus. Wouh! Wouh! Samy sur Skyrock. Merci pour le Journal des Bleus. Et bonjour à Vincent. Salut Vincent. De Béziers. Salut Vincent. Salut. Ça va Vincent? Pas trop. Qu'est-ce qui t'arrive? Toi aussi, t'as une tendinite à l'épaule. Oh non, non. T'as une tendinite à l'épaule, mon pauvre. Tu dois souffrir le martyr, c'est très très. C'est reparti. Eh, n'empêche que vous savez que c'est un des trucs douloureux, mais ah, mais c'est super douloureux, surtout que c'est chiant. Parce c'est que pas dans quelle Marie, position. Non, mais bah si, mais non, c'est mais vrai. Fait pas trop, Marie aussi. Quoi, vous avez j'arrête de parler de ma tendinite? Ouais, on va parler à Vincent, nous. J'en ai parlé quoi de 30 secondes tout à l'heure. Parle-en avec Marie, elle a l'air passionnée. Bah non, mais j'ai eu ça aussi, donc je sais. Une tendinite au cul. Non, c'était à l'épaule. J'utilisais trop mes muscles du cul. Ah ouais, mais Marie, c'est ça, trop de sodomie. Ah, et oh. Alors, Vincent, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ouais, en fait, genre, j'ai un problème, parce que, genre, j'étais devant le collège, mais tu vois, il n'y avait pas cours. Et genre, il y a un petit, il est venu, genre, en cinquième, il est venu, et genre, il a voulu fumer sur ma garo. Donc, genre, je l'ai laissé fumer. Fume ta cigarette, s'il te plaît. Et donc, genre, après, il y a des mecs, genre, ils nous ont vus, et genre, ils m'ont poucave à son grand frère. Et alors, t'as fait fumer un petit, il y a des gars qui t'ont vu, qui ont balancé au grand. Au grand ref, ouais. Grand ref, ouais. Voilà. Et genre, le grand frère, il l'a dit à sa mère. Ouais. Et genre sa mère elle a commencé à péter un câble et elle est allée voir la CPE et elle l'a dit à la CPE. Oh. Alors là c'est poucave sur poucave. Ah ouais putain. Ah, ouais grave, c'est abusé. Il y a que ça. Ah ouais, tu vas me dire, t'es à Béziers, c'est la ville de Robert Ménard, c'est normal, on dénonce c'est maintenant. Pas c'est pas ça. Ça, maintenant, ah bah ça, on dénonce. Parce que, ouais, au final, toi, tu Robert Ménard à faire retourner Béziers. Mais ouais, moi, j'y suis pour rien, ça, le truc. Ouais, c'est vrai. Le petit qui est venu et qui m'a demandé. Ouais, tu c'est vois. Pas toi qui lui a dit, vas-y, fume, sinon je te tape, quoi. Ouais, voilà. Non, mais quand tu dis petit, il a quel âge? Cinquième. Mais je sais pas, il a il est en cinquième, il a 12-13 ans. Ouais, j'aurais dit non direct. Ouais, moi aussi, moi, attention, moi je dis toujours non. Moi, quand on me taque une clope et que j'ai l'impression que le mec est trop petit en face, je lui dis non. Ah, bah, moi, même s'il est grand. Oui, c'est vrai que moi. C'est le genre de mec qui dit non, j'en ai pas, mais il y a un tabac juste là en face. Ouais, mais j'ai déjà fait. Hein. Ah, ça fout la haine, ça, gros. Bah, j'ai déjà fait, moi aussi, je fume pas, donc je dis au mec à chaque fois. Voilà, pas, je fume pas, mais par contre, je suis bien dessus, c'est. Non, j'ai pas de clope, mais j'ai une petite pipe. Va chez le mec en face, il en vend. Voilà, petite pipe. Il va te dépanner, lui aussi. Ouais, en fait, c'est un juste qui t'arrive, parce que t'as voulu être sympa avec le petit. Ouais, voilà. Et au final, genre, tu t'es balancé par ma mère du petit. Là, elle est convoquée. Bah, genre, pourquoi demain, ma mère, elle est convoquée. Bah, c'est toi, genre, ouais. Là, ma mère, je sais pas encore. Je réponse, ça va être pour mes notes ou quoi. Mais pourquoi tu dis pas ça, pourquoi t'as pas dit au bahut, c'est lui qui est venu me gratter une cigarette, je l'ai fait tirer une natte dessus? Mais parce que de base, genre, le bahut, ils savent pas que je fume. Parce que genre, je fume, mais genre un peu plus loin que le bahut. Genre, personne sait que je fume. Est-ce que ta mère, elle sait que et tu fumes? Ta mère, ouais. Non. Ah merde, parce qu'autrement, t'aurais pu dire à ta mère, ouais, voilà ce qui m'arrive, tu expliquais l'histoire telle qu'elle s'était déroulée. Là, t'es mal. Et puis, ouais, donc ta mère, elle sait pas que tu fumes. Ah, mais là, ça va être la double déchirure. Putain. Ah ouais. Et si elle sait que tu fumes, comment elle réagit, ta daronne? Elle va m'enculer. Ah d'accord, merde. Mais un sec ou. Je crois que là, c'est un sec. Oh, moi, j'aime bien quand il y a des graviers, moi. Je préfère, c'est mieux. Chacun son truc. Et ouais, mais c'est vrai que c'est injuste qui t'arrive. T'as voulu être sympa. Ça te dégoûte d'être sympa, ça, tiens. Moi, ouais, voilà. Tu vois, comme quoi. Bah, tu vois, moi, je suis bien content de pas l'être. Ouais. Sur les cigarettes, en tout cas. Alors, je vais devenir comme c'est... Romano, je vais devenir un gros radeau. Non, mais tu sais, moi, non, mais en plus, j'aime pas, tu sais, quand c'est des petits, tu vois, je me dis, ouais. Pareil. Ah, voilà. Vaut mieux qu'il fume pas. T'as, ouais. 12 piges, t'as pas envie de lui dire, vas-y, tiens, je te finis une clope, tu sais. T'as pas un wesh. Ouais, mais voilà, moi j'ai commencé comme eux, tu vois, je commence à taxer les gens, donc voilà. Ouais, t'as voulu être gentil. Toi, t'as voulu être sympa, ouais. Trop con. Et voilà. Ah bah, c'est vrai, c'est bon, trop bon, trop con. Rest in peace, man, nous dit Joker sur SMS. Et puis il y a Nana29, alors qu'il est sans pitié. Oui. Bien fait pour ta gueule, quelle idée de faire fumer un petit de 12 ans. Faut réfléchir dans ta petite. Non, mais en plus, toi, t'y es pour rien. C'est pas, tu l'as pas menacé, c'est lui. Oui, tu l'as pas dit, vas-y, fume. Ouais, sinon, je te mets une baffe. Bah ouais. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Faut tout nier. Tiens, Nanou qui nous envoie un message. C'est pas la seule d'ailleurs de dire faut tout nier. Tu dis que c'est pas vrai, c'est le message de Ecos. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Non, mais c'est vrai que le nier, ça revient souvent. Il y en a plein qui disent, ouais, c'est ta parole contre la sienne. Il y a aucune preuve que tu l'as fait fumer. Bah oui, c'est vrai. Bah ouais, mais nier comme qui? Nier comme Cédric. Ah. Qui c'est qui envoie ce message? Tu as, Difool, tu as un grand nier. J'ai un grand nier. c'est très très drôle. Eh ben, il s'est bien fait baiser, nous dit Merwan KRM, 15 ans, là, à l'instant. C'est pas pour résumer, ouais. Non, mais c'est clair, toi, tu vas bien te faire niquer. Déjà, ta mère, elle va apprendre que tu fumes. Ça va être le premier problème. Deuxième problème, ça va être l'histoire, ouais. Genre, t'as fait fumer un petit. Voilà. Et demain, il va nous appeler, il aura plus de Chico. Salut, les gars, je t'appelle parce que j'ai grave. La gueule en biais. Tiens, il y a Tyrone qui te respecte parce que tu es au collège et tu as une grosse voix. Et il trouve ça. Ah, viril. Non, mais c'est vrai que t'as une grosse voix. Ouais. C'est bien. T'as une grosse bite aussi ? Non, arrête, dégueulasse. J'adore les grosses bites. T'es malade ? Si t'arrêtes de fumer, je te fais une pipe. Non, mais. qu'est-ce que. Putain, je sais pas quoi te dire, Vincent. Qu'est-ce que tu peux faire ? T'es dans la merde. Ta mère est pas au courant que tu fumes. Elle va être au courant demain avec le CPE. Elle peut pas louper le rendez-vous demain. Y a pas des inondations à Béziers ? Non, y a pas d'inondations. Non, non. Merde. Il fait beau. Ouais, ouais, ouais. Parce que bon, il y a des. Moi, c'est vrai que c'était, ça réglait le problème. Ouais, ouais. T'expliques. Ça le repoussait. Non, mais sinon, tu dis, moi, j'ai rien fait. Je suis ouais, mais faut nier. Hein, ouais. Le petit, c'est un mytho. Ouais, ouais, Tupac nous dit faut nier, y a pas le choix. Hein. Ah là, t'as pas le choix, ouais. Bah, de toute façon, sinon, tu te fais dérouiller la gueule, donc. Ouais, mais le petit va se faire enculer comme moi, en fait. C'est parce que, genre, le petit, s'est fait enculer comme moi. Ah bah le petit ouais, mais ça, après ça c'est son problème. C'est son problème, c'est pas le tien là. Ouais, ouais. Voilà, après je m'en bats les couilles. Mais c'est vrai que c'est, le petit aussi c'est triste pour lui parce que ouais, c'est con. Ouais. Il a été balancé, il a rien balancé le petit, il s'est fait capter par les autres et les ouais, autres. Ouais, voilà. C'est vrai, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah ouais. Ou sinon c'est peut-être un mal pour un bien, comme ça ta mère elle saura que tu fumes, elle t'enculera une fois et après elle parlera plus avec après, toi par rapport à ça, ouais. Ouais, ah bah là, t'as la misère, t'as tranquille. Ouais, quoi, après, il y a des parents, c'est pas pour autant qu'ils te voient en train de fumer qu'ils acceptent que tu fumes. Hein. Ah ouais. Ouais, ouais, ça c'est clair. Ça peut te dérouiller la gueule à chaque fois que t'en fumeras. Chaque jour. T'as fumé, bam, dans ta gueule. Enculé, bah. Tous les jours. Alors, il y a Nassim qui a une idée qui est pas mal. Salut à toi, Nassim. Tu peux dire que tu as fait fumer une cigarette au petit parce que d'habitude, il fume du shit et tu voulais pas qu'il fume du shit, en gros. Hein. Mais ça se fait ouais, mais. Skin. Non, ouais, mais. Tu dans la merde. Non, mais en plus, tu sous-entends que toi aussi, tu fumes du shit. Moi, je te dis. Ouais, voilà. Non, non. Et après, le petit, il va arriver à faire, ouais, non, c'est pas vrai et tout. Faut que je me fais enculer deux fois, ouais. T'es un madman, il veut savoir à quelle heure c'est ton rendez-vous avec la CPE. C'est demain à 9h, je crois. 9h pile. Ah, ouais, mais toi, tu seras pas. Toi, tu seras en cours et ta mère, elle sera avec la CPE. Non, non, non, moi, je dois aller avec eux. Moi, non, mais ouais, parce que généralement, ils vont te sortir de cours pour aller dans le bureau. Hein. Ouais. Ouais. Ou alors, ce que tu peux dire, une idée comme ça qui me vient, qui doit être géniale, parce que malgré ma maladie et malgré tous les cachets que je prends à cause d'une tendinite aiguë que j'ai aujourd'hui. Vas-y, donne ton idée, je te dirai si ça a attaqué le cerveau ou pas. Alors, mon idée géniale, c'est de dire que t'étais avec des potes, qu'il y a une cigarette qui tournait comme ça, t'as tiré dessus, puis le petit qui a demandé, et puis voilà. Ouais, ouais, c'est-à-dire qu'il faut pas faire trop de mythos, parce qu'elle va te dire, tu me prends vraiment. Non, mais tu dis genre, c'est pas moi qui fume, quoi. Enfin, c'est un truc qui tournait comme ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. J'ai tiré dessus avec des potes. C'était pas la mienne, quoi. Ouais. Ouais, bon. Bon, écoutez. Si elle a des doutes, elle peut. Non, mais pourquoi pas. C'est bon. Ça se tente. Ah, non, mais. Tu peux essayer. Mais il faut pas sortir un trop gros mytho, parce que ça énerve encore plus. Mmh. T'as l'impression ouais. Que ouais. Moi, perso, je nierais. Tu nierais totalement, tu dirais c'est faux. Ah ouais, je dirais ouais. Ouais. Tu dirais, tu crierais à l'injustice. Au scandale. Je dirais ouais, moi, je sais pas, je le connais pas, ce mec. C'est un ouf. Je traîne pas avec les petites cinquièmes. Ouais, ouais, ouais. Voilà, je dirais ouais, le mec, je sais pas, il a craqué. Ouais, il confond avec un autre. Ouais. Non, mais en plus, lui, il a rien balancé, donc. Faudrait peut-être que tu vois le petit, que vous fassiez une espèce de stratagème ensemble. Ouais, mais le petit, il est déjà venu me voir, mais je sais pas, c'est chaud, genre, j'ai même pas compris ce qu'il m'a dit. Ah, merde. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Genre, je sais pas, genre, il a dit comme quoi il avait des potes à moi, que mon pote, genre, il avait une garoué chronique, genre, il a craché la fumée sur lui, que genre, ça a fait comme si lui fumait ou je sais pas quoi, qu'il y a des gens qui sont passés. Non, trop ouais. Non mais il m'a dit, c'est un con, le gamin. Non, mais. Non, mais ouais, lui, c'est trop compliqué ce qu'il a dit. Non, mais lui, en fait, il a essayé de trouver une combine. Une autre version. Non, mais lui, il a essayé de trouver une combine pour s'en sortir, mais sa combine, elle a chié, quoi. Tu sais, genre, on m'a craché de la fumée de au visage, on m'a vu à ce moment-là, c'était la fumée, elle me venait dessus, ça ne sortait pas de ma bouche. Bah voilà, c'est les excuses de merde. Non, mais en même temps, tant mieux pour toi qu'il raconte de la merde. Parce que, toi, si t'es crédible, lui, il va passer pour le mytho. Ouais, ouais, bravo. J'imagine le pauvre petit cinquième, là, qui a dû réfléchir toute la nuit à se dire, mais comment je vais faire pour En même temps, c'est son frère qui t'a foutu dans la merde. Hein. Ouais, ouais. Et lui aussi, d'ailleurs. Bah, ah ouais, aussi, il doit le détester. C'est pour ça que ça me fait de la peine, ouais. Ah oui, mais bon, attends. Moi, j'en reviens, comme je disais l'autre fois, à choisir qui doit se prendre une baffe, lui ou toi. Perso, moi, ça sera lui. C'est vrai que vu comme ça, ouais, c'est pas faux. Bon, tu voudrais qu'on fasse quoi? Ah, mais de toute façon, si moi je me fais enculer, moi après j'encule lui et son grand frère. Ça, c'est... Ouais, super, c'est génial, ça va pas te sortir de la merde. Vous voulez pas m'enculer aussi? Non, mais n'importe quoi. Si éventuellement il reste une place. Ouais. Ah, écoutez, si vous avez une petite place pour Marie. Dans l'enculade là. Non, mais n'importe quoi. Écoute, Marie, l'appel est lancé. C'est super. On attend. Vous pouvez laisser des messages pour la Marie. Voilà, il n'y a pas une tub à sucer. N'hésitez pas, du calme. Ouais. Calmez-vous les filles. Je sais pas ce que vous avez, mais on va se calmer là, tout de suite là. Bon, Vincent, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse en plus pour toi? Bah, je peux trouver une combine pour essayer de moins me faire niquer au moins. Alors, si une combine que vous avez, qu'on n'a pas donnée à l'antenne pour l'instant, une combine qui déchire, 41759, skyrock.fm et 01 53 40 30 20. Et il y avait une méthode dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai, parce qu'il y a plusieurs messages qui ont dit ça, notamment la princesse qui dit, on n'y a pas pensé, dire la vérité, dis la vérité à ta mère, ça passera mieux. Bah, tu te feras corriger quand même. Oui, mais bon. Ouais, mais au moins tu vas. C'est vrai que t'as pas fait non plus, t'as rien fait. Non, mais attends, il y a des parents, ils pètent un câble, hein, quand ils apprennent que leur. Ah ouais, non, mais en fait, genre, moi, le truc, c'est que genre, j'ai ma grande sœur, genre, elle a fumé avant moi, et genre, elle s'est pris une teutard, mon pote, mais elle a volé pendant 3 mètres. Ouais, voilà. Bon, merci. Change de méthode. Donc, merci pour les messages, les méthodes honnêtes, notamment la princesse que je viens de vous lire, mais également Ritsa. Bonjour Ritsa. Non, mais c'est surtout quand là il y avait Entorse. On n'apprend pas la méthode honnête. Entorse du pou là qui disait il faut. Moi j'ai une tendinite aiguë, Romano, en parlant d'entorse. Et tu nous fais chier. T'es une casse-couillite aussi. Non. Très aiguë. J'ai une tendinite. Là, ce qu'il disait, c'est que quand tu vas parler à c'est qui CPE, la CPE. Ouais. Et tu sais, il faut que tu sois super calme et que t'aies l'air super crédible. Il faut que tu sois sérieux. Tu sais, comme ça, tu t'énerves ou machin. Ouais, comme ça, ça appuie ce que tu vas dire. Ouais, surtout si le petit dit n'importe quoi à côté. La fumée. Non, mais lui, il va dire de la merde. Ouais, bah lui, c'est pas dépendant. Ça a l'air bien parti pour qu'il te sorte une merde. Mais c'est pas possible. Ouais, la fumée, elle est venue sur moi. En fait, elle partait. De la vapeur. Il y avait une machine à fumer. Bon, bah écoute, tiens-nous au courant, Vincent. Écoute bien Sky, hein. Et puis on en reparle d'ici deux heures. T'as qu'à dire que la cigarette était en chocolat. Hey. Gros bazar dans le Calbar qui nous écoute. Nouvel bien auditeur sûr, de Skyrock, 18 ans. Bonjour, gros bazar dans le Calbar. Hey, t'as vu aussi Toshi 54? Romano, coupe lui le bras, dit Foul, il devient chiant avec sa tendinite. Comme ça, on n'en parle plus. Toshi, je t'aimais bien jusqu'à maintenant. Ouais, c'est vrai, Toshi, infidèle. Ouais, je t'aime moins. Donc, ça va l'air d'un coup. Car je souffre. Oui, je souffre le martyr. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Bah t'es con Cédric, j'arrête pas de dire que j'ai une tendinite depuis le début de l'émission. Ça y est, tu t'en rends compte depuis le temps que je t'ai dit qu'il est con. Bah, non mais ce gars. Il casse les couilles avec son truc. Ah toi aussi t'es comme Romano? Ah, mais tu as pas demain j'aurai appelé à voter pour Cédric parce que Romano il me fait chier depuis le début de l'émission. Eh bien demain, votez Difool pour le clash de la drague. Parce qu'il a une tendinite. Ah, voilà. Votez pas Cédric, et votez pas Romano. Merci 555 qui me demande comment va mon ulcère. Bah écoute, je survis et je fais pas chier le monde. Ah il nous a fait chier son ulcère, j'imaginais pas. Bon merci. Merci Vincent, bon courage pour demain, reste à l'écoute et on en parle d'ici minuit. Pour les témoignages et pour tout le reste. Bon, ça roule Vincent. Qu'est-ce que t'as dit comme merde, on t'a pas entendu. Il y a pas moyen d'avoir un maillot. Fais chier, si, on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison. Pour les maillots de foot, il y en a le matin et puis parfois le soir quand on fait des jeux. Je vous le rappelle. Et sinon, tu connais ce son, écoute bien. Ouais, Panda. Ah, Panda. La chanson préférée de Fiat. Panda. C'est le son qu'on va écouter tout de suite. On écoute Designer. C'est lui qui chante Panda, Designer. Vos places de foot pour un match de l'équipe de France avant minuit, l'Euro 2016, c'est évidemment sur Skyrock, car on est premier sur le foot, bien sûr. Et on est premier sur le problème du mois. Le problème du mois arrive dans un instant sur Skyrock. Crédit Agricole, partenaire national de l'UEFA Euro 2016, offre 200 places sur Skyrock pour assister à l'un des matchs de l'Euro 2016. Écoute Skyrock à tout moment et gagne tes places de foot. 200 places, 200 places pour l'Euro 2016. Crédit Agricole, partenaire national de l'UEFA Euro 2016. Merci Sky. Je venais de passer le permis, j'avais plus une thune. Pour me payer une caisse, il m'en restait plus une. Une pièce pour la vidange, s'il vous plaît. Elle l'a déjà bien roulée, même si elle fait pas son âge. Tous les 200-300 bornes, j'ai Roca au garage. Merci. Jeune conducteur, permis de malheur. Fini la galère. Avec les avantages jeuneconducteur.s, profitez de 30% de remise sur votre première révision et de moins 15% sur les produits .s. Pas de stress, y'a .s. Voir conditions sur .s.fr. Bienvenue sur Smax. Tu as créé ton profil avec une belle photo de toi. Niveau 1, franchi, tu as reçu un Smax. Smax à ton tour, vite. Niveau 2, franchi, tu viens d'obtenir un double Smax. Niveau 3, franchi, délivre la princesse de son célibat. Envoie-lui un message. PS, sois original si tu veux avoir une réponse. Sur Smax, c'est toujours toi le winner. Télécharge Smax. S-M-A-X. Breakdown. Skyrock.

Enfin, j'ai pas de. À peu près, quoi. Bah, c'est au moins la quatrième fois. On a filé France-Roumanie aussi. Ouais, lundi matin, on avait filé France-Roumanie. Ouais, c'est bien à l'écoute de Skyrock. Vos places de foot à gagner. Je vous donnerai le top tout à l'heure. Je veux trop jouer, nous dit Valentin RNB. Bonjour, Valentin RNB, 17 ans. Je veux le gagner pour Nono. Eh bien, je vous donne le top. Laissez pas vos numéros tout de suite. Je vous donnerai le top tout à l'heure. On tira au sort, tout simplement. C'est Marie et ses mains innocentes. Ouais, innocentes. Complètement innocentes. Hey. Bah quoi, elle s'en tapait la mouille. Elle en a fait des choses avec ses mains. Ça va, tout va bien. Marie qui tira tout à l'heure là. Bonne chance pour France-Albanie. C'est le match de la soirée dans la Radio Libre tous les jours et dans toutes les émissions de Skyrock. Il y a des matchs à choper. Hein. Ouais. Restez bien dans le coin, du matin, du morning, jusqu'au soir, la Radio Libre. Et on a aussi des places pour le Portugal. Mais oui, Morgane, on a affiné aussi cette semaine des places pour le Portugal. Portugal. Et le match, il est à Marseille pour Ophélie, là, qui nous demande Marseille. Tiens. Au Stade Vélodrome. C'est ça. Voilà. Bon, on fait le problème du mois. Allez, on y va tout de suite. Il est déjà 11h08. Déjà, t'as vu, le temps passe vite. On va y aller là, vite alors. Alors voici le sommaire du problème du mois du jeudi soir sur Skyrock. Allez, c'est parti, problème du mois, on y va, en avant, c'est parti. En avant, Guingamp. Allez, c'est ça. Allez. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ce soir, Romano? Eh bien, je vous propose, au menu. Pour commencer, c'est Léa. Léa, alors il y a 5 problèmes du mois qui va nous présenter rapidement comme ça. Bon, elle, je vais récupérer sur Doctissimo. Elle. Voilà, récupérer sur le net des forums, des trucs, des gens qui ont des soucis. Et donc, parmi les 5, il faut en choisir un, parce que les problèmes sont tellement lourds qu'on peut pas tout gérer en une soirée. Eh bien, vous choisirez celui que vous préférez. On va commencer par Léa. Que lui arrive-t-il à cette brave Léa? Eh bien, Léa, 22 ans, elle habite à Avignon. Oui. Et en fait, c'est un peu la reine de Snapchat. La Snapchat, elle y va. Alors, ce qu'elle fait, c'est que... Je sais pas si t'as vu, t'as pas vu les mails, Romano, parce que t'étais adressé aussi, le mec qui se branle sur Snapchat. Non, je l'ai pas vu. C'est un auditeur de Skyrock. J'ai pas regardé. Il se demande s'il devient pas accro parce qu'il se branle sur Snapchat et il a peur parce qu'il monte sa bite aussi, tout ça. Ah, mais dis donc, non, mais attends, c'est un truc de ouf, mais c'est sa sœur, Léa. C'est pas vrai. Bah, parce que c'est un peu le même genre de problème. Dis. Bah, en fait, c'est qu'au début, elle montrait sa poitrine et tout ça, ça l'excitait plutôt de voir qu'il y avait des mecs qui la regardaient, tout ça. Quoi. Je l'ai retrouvé, c'est Mehdi. Et alors, le problème qu'il y a, c'est que maintenant, elle a commencé à s'enfoncer des objets dans le vagin. Bon, Mehdi, par contre, sur son mail, il dit pas qu'il s'enfonce des objets dans le vagin. Et dans le cul d'ailleurs. Et le problème qu'il y a, c'est que maintenant il y a des mecs qui la lâchent plus, tu sais, elle est harcelée sur Snapchat par des mecs parce que donc elle se dit elle voudrait se retirer mais elle n'y arrive pas, elle est devenue complètement accro. Ah ouais. Mais elle peut plus s'en empêcher, c'est devenu obsessionnel, mais elle en a marre de se faire traquer, donc elle aimerait savoir s'il y avait une solution. Très bien, donc elle fait du sexe sur Snapchat. Ouais, bon, elle y va pas à moitié non plus, hein. Les objets, bon, je rentrerai dans les détails si vous choisissez cette charmante demoiselle. Évidemment. C'est marrant parce que Mehdi nous disait que tous les jours il était obligé de se branler et il arrivait plus qu'à se branler avec Snapchat, même les sites de cul genre Pornhub, YouPorn et tout le reste. Ça marche plus. Lui, il lui faut du Snapchat, du live. Quand t'as dit ça, je croyais qu'il t'avait envoyé des vidéos, en fait. Non, je suis pas sur Snapchat, voyant le mail de Mehdi, je pense que je vais y mettre. Snapchat. C'est quoi son Snap? Il y a plein de messages, c'est ce que je vois, ouais. Mais il y a pas. C'est déjà dit, c'est pas marqué. Ah ouais, Amstel. Tiens, regarde. Nono. Il y a Jules. Il y a Poto. Il y a Jao. Il y a Jules du 02 aussi. C'est quoi son Snap? Très bien. Bon. C'est le problème du mois numéro 1, celui-ci? Ouais, problème du mois numéro 1, c'est la première, donc c'est Léa, 22 ans d'Avignon. Eh ben, il y a Mike Tyson qui propose une idée. Tiens, Mike Tyson qui nous dit, elle a juste à les bloquer, putain de merde. Elle mais ça l'excite de se voir mater. C'est ça qui l'excite. Ouais, elle exhibe. C'est devenu une drogue. Elle exhibe de Snapchat. Snapchat. Alors, la deuxième, là, on monte un peu en âge, hein. C'est Patricia, 48 ans, de Rennes. Ah oui, on monte en âge. Elle a écrit au forum psychologie, rubrique libertinage. Alors, elle passe son temps dans les sauna libertins. Très bien. Et ce qu'elle fait, son délire, c'est de se faire bander les yeux et de sucer plusieurs bites en même temps. J'adore. Ah non, dégueulasse. Et elle a connu l'orgasme direct sans stimulation. C'est-à-dire que la dernière fois qu'elle y allait, plusieurs hommes ont éjaculé sur sa poitrine. Ouais. Et à chaque éjaculation, son clitoris durcissait. Elle a même cru qu'il allait exploser à un moment donné. On appelle ça une explosion de foufoune. Et ben limite en avoir mal à... Qu'est-ce que t'as dit, foule? J'ai mal au bras. Oh putain. Non, mais arrête ta comédie. Non, mais là, enlève pas. Mais ne l'enlève pas. J'ai mal. Mais allonge-toi. Oh putain, mais je peux pas. Il y a pas. Non, mais il a. Bah, on peut aller chercher le canapé. Oh putain, comment c'est mis ce truc carrément? Bah, voilà. Là, comme ça colle. Voilà. Bon, ça y est, je me suis remis mon nez. Alors, tu disais, Romano, mon pauvre foule est très, très, très, très, très malade. Et puis Marie qui en fait 3 tonnes. Merci Marie. Derrière elle, merci Marie. Elle est gentille avec moi. Et voilà. T'es les bourrés, elle va te dire. C'est la tosse de l'or. Non, mais tu allais pas serrer derrière. Attends, j'ai le tort un peu. T'imagines. J'ai dit que j'avais une tendinite. Tu veux qu'on te ramène le canapé, gros? Tu vois, non, mais il y a des plaintes. Hein. Jules du 02, silence la comédienne, dit Foul. Ouais, ta gueule, je t'ai vu là. Le SDM, dit Foul, coupe-toi le bras, ça ira mieux. Ouais, ne meurs pas, dit Foul. Il y a quand même des gens gentils. Merci à toi. Ah, bon. Ah. Bon, vas-y, tournez. Bon, l'hôtel suce des bites à la chaîne. Ah ouais, l'hôtel suce des bites, on lui jouit sur les seins et elle a la mal au qui est au bord de l'explosion. Ouais. Ça lui fait extrêmement mal, le problème quand elle rentre chez elle. Le problème quand elle rentre chez elle, c'est qu'elle se sent sale. Mmh. Mais en même temps, normal, elle est pleine de foutre. Bah ouais, elle est pleine de jute, donc. L'hôtel s'est fait gicler sur les seins et elle se demande qu'est-ce qui est pas propre, ça c'est sûr. Et donc, elle se sent sale. Très sale. Mais une petite question, Romano. Pourquoi t'as coupé le micro de Cédric? Mais je l'ai pas coupé, il est éteint parce qu'il parle pas. Sale comment? Sale comme Romano. Cédric, bien sûr. Bizarre, mon micro il a coupé. Ouais. T'as vu ça? Ouais, c'est chelou. C'est bizarre, c'est bizarre. Donc elle se sent sale avec du foot plein les seins. Okay, ouais, d'accord. C'est ça. Et en fait, elle aimerait retrouver la sensation avec son clito au bord de l'explosion chez elle, mais elle n'y arrive pas. D'accord. Alors elle se pose beaucoup de questions. Elle ne sait plus trop. Elle se trouve sale. Bah, faudrait qu'elle se lave. Elle a pensé à prendre une petite douche. Elle se trouve sale. Un petit bain. C'est vrai. Elle se trouve sale. Elle dit Foul, t'es une tapette en fait. Mais qu'est-ce que c'est que ces messages? Vous avez aucune compassion pour quelqu'un qui souffre le martyre? Non, j'ai pas l'impression. Bon, alors on passe à la suite. Vous avez eu... Le problème du mois continue malgré tout. Alors Muriel de Nice, oui. Elle a écrit comment? Elle a écrit au forum. Elle a écrit au forum. Aufeminin.com, rubrique orgasme. Une rubrique orgasme. Bah ouais. Sur aufeminin.com. Bah il y a des forums, ouais. Il y a des forums de discussion. Orgasme. Bah ouais, tu peux parler de tes problèmes d'orgasme. Ok. Raconter tes expériences, tout ouais. Ça. Et là, alors, elle a découvert la dernière fois là, qu'elle a baisé, elle a eu un orgasme comme jamais elle en a eu. Un orgasme, elle avait l'impression de déborder. Ah, ça a commencé à dégouliner de sa chatte, oh. Mais comme. Oh. Effectivement, il y avait un débordement. Comme. C'est les inondations. C'est ça, pareil, c'est ça. Elle était avant-gardiste, Muriel. Oui. Muriel a eu un débordement de vaginal. C'est-à-dire un débordement de mouille, ça a coulé, mais tac. Et là, à un moment donné, ça a giclé d'un coup fort. Le truc, c'est un scénario de film d'horreur. Et elle a même... donc, maintenant, ça se reproduit régulièrement. Alors, le problème, c'est qu'elle a même... parce que l'autre fois, ça lui est arrivé, ça débordait, mais elle a l'impression qu'elle pissait. Elle a vérifié que c'était pas jaune. Bah, non, mais elle a senti et elle trouvait que ça pue un peu la pisse. Mais l'hôtel se pisse dessus. L'hôtel croit qu'elle a un orgasme de faux. En fait, elle fait juste de elle pisse. Oh. Alors, elle se demande si elle est fontaine ou si elle est incontinente. Peut-être les deux. Ouais, c'est une bonne question qu'elle se pose. Gros. Fontaine, elle est fontaine. Ou incontinente. Non, mais quand t'es fontaine, ça pue la pisse. Bah, je pense pas. Je bah, rien, parce moi, que la mumule. Putain, je suis jamais tombé sur une femme fontaine. Ah, je suis désolé pour les femmes fontaines qui nous écoutent. Moi, ça me dégoûte. Bah, on avait vu des images. Moi, tu sais, un jet. Écoute, moi, je m'en passe, moi aussi. Ah, moi, ouais. Prendre un jet, tu sais, ça me. T'imagines, tu l'allèges comme ça et pfff. Ah, je pense que. Non, mais tu sais, si j'ai la bouche ouverte et que genre, je me prends comme une buccale, quoi. Je pense que je dégueule, hein, moi. Ah, non, je t'assure. Et si c'est comme dans les films de cul, tu sais, là, c'est vraiment. Ah, ce qu'on avait vu, dans les films geysers, de cul, hein. T'as l'impression qu'en fait, il y a une personne qui a un jet à la main, il couvre le robinet, tu vois. C'est... Ouais, c'est Et t'as un truc qui part, mais. Ouais, c'est un peu trop pour moi, là. Oh. Tiens, mon ex avait eu ça pendant l'acte. Elle en avait eu peur. Ah, ouais, je pense que les filles, ça doit vous faire peur si ça vous arrive. Et ça sent pas plus que la normale. Bon, ça sent la mouille, en fait. Non, mais il y a Dove qui dit quand une femme est fontaine, il a souvent des traces d'urine avec la cyprine. Oh, elle lâche tout. L'hôte, elle nous fait un cocktail explosif, quoi. Et le problème. Ah, tiens, regarde, et Macronard qui dit elle kiffe tellement que son sphincter urinaire, c'est-à-dire le truc où il passe le pipi, se relâche. Ah ouais, donc elle pisse, ouais. Mmh. Ah, elle pisse. Elle se pisse dessus. Elle pisse la mumu. Elle se pisse dessus. Oh, putain, et ouais, j'ai oublié de vous dire, son mec était un peu dégoûté parce que lui, justement, on en parlait, il s'est pris une giclée dans la gueule, le mec s'en est pas remis. Et donc, elle se demande si ça peut se réguler. Donc, oui, est-ce qu'elle est incontinente? Est-ce qu'elle. Qu'elle mette un robinet? Ouais, c'est vrai. Un petit robinet. Bien sûr, ouais. Ben voilà, un petit peu de plomberie. Il y a Zanzat de Cherbourg, il est excité, un jet de cyprine, c'est super excitant. BDD de 59, moi j'adore aussi, tu vois. Mmh. Ah. Et on nous dit aussi si la nana mouille le sol, j'adore. C'est un hamster. Ouais. Ah bah là, a priori, la Muriel, elle mouille le sol. Hein. T'as rempli une piscine. Oh là, elle mouille. Non. Tu parles comme Cédric, c'est gentil. Ah, c'est pour lui rendre hommage. Non mais c'est bien. Je suis pas mort. Hein, bah non, bah heureusement. Non mais non mais oui, non mais tu te rends hommage sans être mort. Je suis là, gros. Ouais, non, mais je sais que t'es vivant, ouais. Bel et bien vivant. Ouais. Et le... Oh là là. Moi, par contre, je sais pas combien de temps ça va durer, tout ça. Mais si, ça va aller, t'inquiète. Ouais, oui. Mais t'as pris tes cachetons? Bah oui, j'en ai repris, là. Mais non, mais ça sert à rien de reprendre sans cesse. Mais si. Si, ça va le foncer. Ouais, prends peut-être la boîte, ouais. Vas-y, tape, prends la boîte. Déjà, ça met 20 minutes, hein. Tiens, Zob Zob du 33 qui se plaint. Qu'est-ce que c'est la protestation? Entre l'autre qui bug, l'autre qui a plus de bras, l'alcoolo, le gros boutonneux, et ben, quelle équipe? Ouais, ouais. En fait, ouais, c'est vrai, il y a personne de normal. Non, non, non. Non, ouais. Personne de normal. Il y a pas grand monde. Et tiens, pour Romain, on mettra le nouveau Joule pour se dire au revoir tout à l'heure à minuit pour ceux qui l'auraient pas entendu. Le nouveau Joule. Emotion. Qu'on vous a passé dans l'émission. Bon, problème du mois pour numéro 3. C'est géré, Muriel, Denise, Fontaine ou Incontinente? C'est sa question. Oui. Parce que ça sort, mais à tout va, quoi. Lola de la Bourboule. Lola de la Bourboule. Quoi, la Bourboule, c'est la ville, hein? Oui, c'est une ville. Ouais, c'est les vieux, ils vont là-bas faire des bains. C'est des cures à la Bourboule. Ouais, les cures. Vous l'avez mieux envoyé, moi. Bon, mais pourquoi t'es vieux? Non, parce que, tu sais, pour l'asthme. Ah. Ah, j'ai jamais voulu y aller. Bon, ah, non, non, j'ai jamais voulu. Tu serais éclaté, hein, Robert, Ginette. Non, mais ouais. Non, parce que le médecin, le pneumologue, il m'avait dit, je me souviens, j'étais chez mes parents, mais genre, peut-être l'année de mes 17 ou 18 ans, quoi. À 18 ans, vous le tombez là-bas? Non, mais ouais, il fait à ma mère, il fait, ouais, ce serait bien de lui faire faire une cure, la Bourboule, c'est très bien. Tu sais, j'ai regardé ma mère. Il y a des gens chauves comme lui, il va se sentir complètement à l'aise. Non, mais en plus, j'avais prévu des vacances, tu sais, genre, au bord de la mer avec des potes. Et tu sais, j'ai regardé. Tu te retrouves à la Bourboule. Et j'ai regardé ma mère, tu sais, genre, non, pitié. Mais c'est où la Bourboule? C'est dans 63, non? C'est en Auvergne, après, je crois. C'est dans ces coins-là, je crois. C'est dans 63, là-bas. Dites-nous si vous êtes du coin. Je sais pas. La Bourboule. La Bourboule. La Bourboule. C'est la Bourboule. Oui. Wow, bah, j'adore c'est... les grosses Bourboules, moi. Bah, va à la Bourboule. Ouais, super. Tu vas tâter de la boule. Merci, non, tu vas tâter de la boule de vieux, c'était là. C'est sympa, non, non. La bite flétrie, quoi. Attends, mais j'ai même poussé, moi. Hélice, quoi. C'est en Auvergne, Marie. 63, t'es sûr? Je crois. C'est trois fois qu'on dit. Alors, mais on n'était pas sûr. Alors, donc, Lola avait décidé de faire de l'escorting. Autrement dit, de faire la pupute. Ouais. Ouais. D'accord. Bon, le problème, c'est que le premier client sur lequel elle est tombée, le mec voulait lui faire caca dessus. Oh. Et est-ce qu'il lui a dit... Le caca, c'est bon. Je sais pas s'il lui a dit ça, mais en tout cas, il était très intéressé. Bon, elle, en fait, elle avait demandé à être payée avant, donc le mec lui a filé l'argent et elle s'est barrée en courant. Donc maintenant, la meuf est un peu terrorisée. Elle s'est dit, est-ce que le mec peut porter plainte? Est-ce que je peux avoir des problèmes? Est-ce qu'il peut me retrouver? Elle a très très peur et elle se dit, est-ce que je dois recommencer? Est-ce que tous les clients des escortes sont aussi dingues? Elle se demande. Si elle doit réessayer ou pas. Moi, je dirais bien de laisser tomber. Personnellement, j'ai une petite idée, mais j'attendrai pour la donner le problème du mois vainqueur. Si c'est le numéro 4, je vous dirais Lola de la Bourboule. Ta super idée. De l'escorting et le monsieur qui veut faire caca dessus. Ouais, c'est ça. Voilà. Mauvaise expérience. Et le problème du mois numéro 5, le dernier, et après on vote. Alors, c'est Stéphanie, 55 ans, de Paris. Elle est créée au forum Palais de la Soumission. Mmh. Et elle, en fait, elle regarde, on avait parlé avec Caris, le gapping. Ah ouais, alors gapping. Tiens, c'est que moi, je suis défoncé. Hein. Je suis sur le cachet que je prends. Il avait raison, le docteur. C'est... Parce que vous savez que j'ai une tendance. Me parler. Ouais. Ah, vous êtes au courant. Aïe, Romano, pourquoi t'as fait ça? Ah, j'ai les nerfs qui lâchent. Ah. Donc le gapping, bah moi je savais pas ce que c'était. Il a fallu qu'on fasse l'émission avec Caris pour qu'il m'explique qu'est-ce que c'est avec le gapping. Alors c'est pas aller chabiller ses gaps, hein. Non, pas du tout. Non, c'est le fait de se dilater à l'extrême l'anus. J'adore. Oh. Vous savez que l'autre jour, j'ai rentré une roue de vélo dedans. Ah ouais? Ah, au moins, pas mal, non. Ah bah dis donc, t'as un sacré trou du cul. Eh oui, monsieur Robédo. Alors là, je dis bravo. Et merci, monsieur Robédo. Bon alors, la Stéphanie, là, elle a regardé beaucoup de galeries photos de gapping. Elle s'est dit, tiens, pourquoi je n'essaierai pas? Alors, elle est extrêmement choquée parce qu'elle n'arrive pas à faire comme sur les photos ou les vidéos qu'elle a vues. Elle se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas des montages? Ou des effets spéciaux. Bah, pour avoir un trou du cul comme ça, il faut qu'il y ait eu un démontage juste avant. Ouais, mais un montage vidéo, tu vois, ou un montage photo, quoi. Uh-huh. Genre, on a greffé un faux trou du cul à la bonne femme qui est en photo. Alors, parce qu'elle, elle a investi quand même des plugs, du poppers. Et elle n'arrive pas à atteindre les diamètres aussi grands que sur les vidéos. Mais elle veut quoi comme diamètre? Bah, elle veut un truc balèze, genre. Elle veut un CD? Bah, un peu plus gros, ouais. Plus gros. Plus gros qu'un CD? Non, plus gros qu'une canette, genre un cul de bouteille d'eau, tu vois. Ah ouais, quand même. Ouais. Et pour le moment, elle n'y arrive pas. Pour le moment, elle arrive à faire 3-4 cm, mais ça ne lui convient pas. Ah, alors, Stéphanie n'est pas contente. Alors, elle aimerait trouver des solutions. Est-ce que ça existe réellement ou est-ce que c'est des montages? Et surtout, avoir une technique pour se dilater le cul à l'extrême, mais sans se faire mal. C'est son but dans la vie. Elle voudrait faire ça devant son mari pour l'exciter terriblement. Très bonne idée. Slater. Ouais. Ben, oh. Magnifique, je lui donnerai des conseils. Bon. Mais Marie, tu penses que ton anus s'est dilaté comment jusqu'au maximum? Ah non, non, mais pas beaucoup. Hein. Non, mais en god, t'es déjà mis un truc comment? Par exemple, comme une canette. Comme une canette dans le cul. Non, mais ça va pas, non, t'es bras. Malade. Non, mais le god bras qu'on t'a offert, t'as passé. Non, non, le sexe de mon mec, mais pas un truc énorme. Je pense que moi, j'ai mal. Une petite bite, ton mec. Non, non, mais je parle en règle générale de mon mec dans la vie, quoi. Non, mais une canette. Avant. Ça passe. T'es malade ou quoi? Non, mais au diamètre de canette, quoi. Ah non, jamais de la vie. Non. Ah non, jamais de la vie. Même pas les petites? Ah non, jamais de la vie. Ah, les petites, Marie, si, les petites. Ça, c'est des avions, par exemple. Ouais. Les petites canettes, c'est gros. Les 25 centilitres. C'est gros, non, non, non. Les mecs, ils ont des petites bites, Marie, alors. Putain, ouais, mais attends. C'est ça, hein, une canette, une petite canette, à peu près. Ouais. C'est pas. Et Karim, il est en train de sortir sa bite et il montre à Marie. Non, mais c'est bon, arrête de me sortir ton gigot, là. Non, mais par exemple, ma ventoline, t'arriverais à te la mettre dans le cul, sans problème. Bah, ouais, non, mais ça, c'est petit. Ouais, bah attends, c'est moi qui l'ai payé, la ventoline. Non, pas celle-là. Ah, pardon. Bon, bah, t'en fais ce que tu veux. Bon, bah, voilà, là, on arrive au bout du sommaire. On a les 5. Ah, bah oui, on a les 5. Donc là, maintenant, ça va être à vous de voter. Ah oui, 1, 2, 3, 4 ou 5, c'est vrai. C'est bon, il faut voter, vous choisissez et on attaque direct. On attaque, donc parmi les 5 problèmes du mois, vous avez Léa qui est fan de Snapchat. Ouais, c'est ça, exhibe sur Snapchat. En 1, le problème du mois numéro 2. L'autre, c'est l'autre qui suce à la chaîne dans les saunas libertins. Oui, oui, qui se fait asperger, qui se trouve sale, c'est Patricia. Le 3, c'est Muriel. Femme fontaine ou femme pipi? C'est la question. Ou les deux? En 4, Lola, l'escorting qui a viré caca. Ouais, c'est ça, donc elle a été un peu dégoûtée. Le mec voulait lui chier dessus. Ouais, c'est ça, ouais. Normal. Et le 5, c'est Stéphanie et le gapping. Le gapping pour le problème du mois numéro 5. Anus dilaté à l'extrême. Et là, moi, je prends l'autre avec Snapchat. Bah, moi, je dis top vote. Donc, Cédric, je note un vote le pour numéro toi, 1. Pour Léa. Le numéro 1. Toi qui es bien sur Snapchat, tu t'es déjà exhibé? Non, jamais je ferais ça. Pourquoi? Non, parce que je sais qu'elle peut faire des captures d'écran. Non, mais c'est ça qui est rigolo, Cédric. Mais t'es fou, les dossiers. Ça peut être des dossiers à vie, cousin. Non, jamais de la vie. Donc, Cédric. Jamais je montrais ma bite ou autre chose. Ah, bah, Snapchat te remercie. Snapchat, oui. De rien. Te remercie. Et les gens qui te suivent aussi, ouais. Tu votes pour quoi, Marie, toi? Peut-être le 1, ouais. Le 1, Snapchat a du succès pour l'instant. Ouais. Je vois les messages qui défilent. Le 5 également. Parce le gapping. Plein, sein, ouais, l'escorting et le caca, moi j'aime bien le 4. Hein. Ah, okay. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Je salue Bonas qui nous a laissé un message qui vote pour le problème du et mois. Et pour répondre encore une fois, je n'ai 4, pas 5. Le Snapchat de Léa. Non, voilà, il y a plein dommage. De messages, voilà. mais je ne l'ai pas. Pour les 100, les 150 qui l'ont demandé. Oui, oui, au moins. Samy, tu prends lequel? Ouais, je prends un peu de gapping, moi. Ah, le gapping. Toi. Karim. Je prendrais comme Samy le gapping ou ouais. Snapchat, je sais pas. Bah, faut choisir. Encore. Je te dirai après. Moi je prends l'autre avec le caca, moi. Bah, moi, tu vois, je prendrais. Aujourd'hui, tu vois, je prendrais pas le 5, je prendrais l'autre là qui se pisse dessus et a des gels. Ah non. Ah ouais, c'est vrai, on l'a oublié, elle. Moi aussi, ouais. Eh, c'est vrai qu'il est difficile le problème le du 3, mois là. Ce soir parce qu'ils sont super tes problèmes du mois, Romano. Merci, Diffoul. Je sais pas si c'est les cachets que je prends parce que j'espère que ta tendinite va s'améliorer. Merci. Va guérir, même. Des trucs qui devaient me droguer, m'a dit le médecin que je vais être drogué. Je sais pas ce que ça va donner demain matin, le morning, mais enfin, bon, ça va être chaud. Hein. Ouais, bah bon. Déjà, tu serais bien que tu viennes. Oui, déjà. Bon, on vote et puis juste après vous pourrez vous inscrire pour la roulette. Je vous donnerai le top avant minuit. Avant minuit, vous gagnez France-Albanie. C'est le gros match de ce soir. L'Euro 2016 à gagner évidemment sur Skyrock et Afrotrap avec MHD. C'est tout de suite sur Sky. Tous les matins, les plus grosses stars sont dans le morning de Diffoul sur Skyrock. Salut, c'est Maître Gims. Bonjour, c'est Zlatan. Je suis président de la République. Je suis Bart Simpson, vous êtes qui vous? C'est le Pakistanais à l'appareil. Yeah, yeah, yeah, c'est Black M. Eh oui, Black M de la section d'assaut. Et Black M réveille Claude et la famille ce matin. 1-2-1-2 ici, le big Black M en personne, l'éternel insatisfait. Qui? Black M. Vous avez fini de m'emmerder? Viens m'attraper sur la roulette. Eh, hey, t'en veux pas? Ouais, tu me fais chier. Non, c'est très gentil. Non, on parle pas comme ça, Black M. Oh. Le réveil de star, c'est à 6h10, 7h50, 8h50 dans le morning de Diffoul sur Skyrock. The morning show! Pendant l'Euro, il y aura 552 footballeurs et ils joueront tous dans la même équipe. Cette équipe sera partout, dans votre kiosque, sur votre bureau et même dans votre poche. Cette équipe, c'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site. L'équipe, partageons le sport. Et ne manquez pas notre guide spécial Euro 2016. Le journal, plus le magazine, plus le guide de l'Euro l'équipe. c'est samedi. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Zotor. Et si j'avais le pouvoir de faire revenir votre fils? Une porte sépare le monde des vivants de celui des morts. Oliver, c'est toi. Un avertissement sacré, ne jamais l'ouvrir. Il faut que je parte maintenant. Produit par Alexandre Aja, réalisateur de La Colline à des yeux et Piranha 3D. Maman, ne les laissez jamais sortir. The Door, actuellement au cinéma. Avec Skyrock. Crédit Agricole, partenaire national de l'UEFA Euro 2016, offre 200 places sur Skyrock. Pour assister à l'un des matchs de l'Euro 2016. Écoute Skyrock à tout moment et gagne tes places de foot. 200 places, 200 places pour l'Euro 2016. Crédit Agricole, partenaire national de l'UEFA Euro 2016. Merci Sky. Tous les soirs, 10 full radio libre. 0153 40 30 20. Et un front trap party 5. On va MHD sur Skyrock. Les bâtards qui partent par intérêt. On paraît tout penser mes blagues. Après que marcher, il est tout derrière. Qui veut la bagarre? Envie ta tenue, mon gars, place au combat. On chie pas de fatigue, paye j'en caisse. Mon banc qui va gérer mes vêtements. MHD, ça tue pour les mecs de la heure. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hein, mon ami, c'est bon l'enfant, aïe, tu peux bouger ta vie. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Mbalé. Faut que les jaloux, j'y vois ma vie. À 11h, je dis ça avant même. Gardez, appétit. On se marche la boule à du Brésil. Imbécile, plus par loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gardez appétit. Tout ça n'est qu'éphémère, pas les prix si je te plais pas. Me mépriser mes gars sont mes playbacks. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moule. Ouais, est-ce que bête, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Bon, j'ai pas quitté le texte, la rue, la vraie. Avec du lard, connais pas la porte. On se dit l'air que c'est moi qui le passe. Ça passe, tu passes, on sait que tu ne passes pas. J'ai plus de l'air quand la ligne est restreinte. Ngadje, appétit, quand je me marche la boule à du Brésil. Imbécile, je veux parler d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Ngadje, appétit. Quand je me marche la boule à du Brésil. Imbécile, je veux parler d'ici. J'oublie les galères et les soucis. C'est 1h minuit, la radio libre de Tifoul, seulement sur Skyrock. Eh ouais, sur Skyrock jusqu'à minuit, bon appétit, on est en train de faire un petit McDo là. Ouais, ça. T'en as pas la bouche d'ailleurs. Vous allez goûter les doubles fiches au McDo, ils sont super bons. Ah, pas goûté. C'est pas de la pub, hein. Je dis, on n'a pas NOP McDo, on n'est pas payé par McDo. Non, mais c'est. S'ils veulent nous payer, c'est avec plaisir. Alors, McDo, c'est... bien sûr, si vous avez envie de faire une bonne action, une bonne action pour ce mois de juin, n'hésitez pas. Mais le double fiche, c'est très bon. Bah, là, j'ai mangé un bout là. Ouais, du bien. Ouais, c'est pas mauvais, ouais. T'as vu, il est pas mal, hein. Ouais. La sauce, elle est meilleure qu'avant, je trouve. Ouais, mais je trouve. Alors, juste un petit défaut. Justement, je trouve que ça manque un petit peu de sauce dans tout cas dans celui-là. Oui, parce que Romano il a payé pour avoir de la sauce, il est demandé d'avoir beaucoup, s'il vous plaît. Double sauce pour le double fiche la prochaine fois. Non mais pas mal, hein. Pas mal, mais je te dis, un tout petit peu de sauce en plus, ça aurait été parfait. Tiens, on peut faire un sondage à la con, un sondage express. C'est quoi que vous préférez quand vous allez au McDo, tiens, par exemple? Ah, moi je prends Big Mac. Moi c'est la boîte, ouais, moi la boîte de vin et le double fiche. McDo, ah, les nuggets aussi, ouais. Ah oui, c'est vrai, Cédric, mais c'est bien, mais bien sûr, on oublie, je pose la question alors qu'on en a déjà parlé dans l'émission. Mais que je suis bête, des nuggets, Cédric, Des hamburgers peut-être, non? Tu me comprends. Putain, t'es dégueulasse ouais, quand tu bouffes Romano, il a de la sauce partout. Oh là, je comprends, mais j'arrive plus à parler. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai ça, mais je t'ai arrêté. Ah ouais, non, mais là, ouais, t'en as plein la bouche. Parle pas, j'ouvre pleine. Bah, Romano, t'as dit quoi, toi? Cravelotte, c'est gratuit, bouffe à tout va. Ah bah, il s'en fout plein la gueule, t'as vu ça un peu? Ah ouais, mais quand c'est gratuit. Non, j'ai pas eu le temps de manger. Là, j'étais avec la mairie de Paris pour Vigicru, là. Et moi, les Big Mac, je prends jamais de Big Mac. Ah ouais, j'aime bien, putain, c'est bon. C'est ce qui marque le mieux au McDo, c'est ça, putain, le plus. J'adore, moi. Si vous bossez au McDo, vous devez en servir un paquet des Big Mac. Ça débite, ouais. Bon. Oh ouais. Oh ouais. Ah, le mot à pas dire. Il y a le Royal Bacon pour le boulanger, double cheese et nuggets, filet au fish, team arabe, nous dit Loulou Neymar. Pareil, ouais. Ah ouais, c'est vrai que les rebeux, vous avez pas grand chose. Quoique aussi. À part le bacon. Et puis il y a aussi le wrap aussi. Ouais, le wrap au chèvre. Ouais. Ça dépend, il y en a qui mangent pas. Ah ouais, c'est. Il y a le wrap. Et puis il y a ceux qui mangent pas halal. Non, non, pour ceux qui mangent halal. Poulet bacon, je confonds. Le double quarter pounder McDo USA. J'avais bouffé ça moi aussi, là. C'est Ashmong de Boston qui nous laisse le message. Salut Boston. J'aime bien, on a plein de messages des États-Unis, ça fait plaisir. Hey. Moi, c'est un double fist fucking. Vous avez déjà goûté un double fist fucking? Non, mais on m'a dit que. Génial. Bon, on m'a dit que c'était un peu violent. Mais ouais, je pense que ça doit faire mal. Ça passe. Eh bien, écoute, ouais. ça pique, on dirait que c'est assez épicé. Ouais. Le CBO de McDo pour Enjoy, le Big Mac. Ah oui, il y a plein de Big Mac. C'est comme ton Romano, à Blue Fire qui est le Big Mac, là. Moi, tout ce qui m'a déçu chez Big Mac, chez McDo, c'est les frapper. C'est les frappés marshmallow là. Ça, ah, marshmallow, je sais pas, j'ai jamais goûté. Ça, j'ai goûté la première fois, j'ai pas kiffé. Et je vous conseille le Very Parfait chocolat. Ah, ça, c'est lourd ça. Trop bon. Ça. Ah ouais, ça, Very Parfait chocolat. Bon, vous avez goûté le nouveau truc là, le. Non. Le Ice Squeeze là. Ouais. Non, pas encore. Non. C'est quoi ça? C'est la glace comme le Mr. Freeze, non? Ah ouais, ouais, le Yeti là. Le truc que tu pousses là. Ouais, c'est le pousse-pousse là. Ouais, comment ça s'appelle les glaces là? Calipo. Calipo. Calipo, viens. C'est comme les glaces Calipo en fait. C'est un tube en carton et t'as la glace dedans et t'appuies dessus au fur et à mesure pour que ça sorte. Eh, vous aimez bien, c'est un calipo en fait. Ouais, c'est ça, ouais, c'est du pouce. Un calipo, c'est un glaçon à la base. Bah là, c'est la même, c'est quoi, je crois, le CBO. Le CBO, c'est. Il y a du. C'est du poulet pané. Ah, c'est chicken bacon oignon. Bon, bacon oignon, ouais, c'est ça. Ah ouais. D'habitude, c'est normal. Bah, Karim, il adore surtout le bacon. Le bacon, ah ouais. Moi, j'aimais bien aussi, là, cause 280, il est plus là. Non, ouais, c'est le quand on me dit le 250, moi, j'aime bien le 250. Ah, ça a baissé. Non, mais là, ils ont fait. Non, 280, pardon, 280, c'est. Là, tu sais, chez McDo, ils ont fait un nouveau sandwich, c'est comme le Quick and Toast chez McDo, là. Chez Quick. Ils ont fait le grill chicken and bacon. C'est la même chose, c'est-à-dire que chez Quick en fait. Et la concurrence, vous avez vu, ça a du bon parce qu'il y a Burger King qui arrive et je trouve que le McDo, ils se sont améliorés, c'est vachement. Le McBaguette, ils ont arrêté ça. Ouais, ils l'ont arrêté, ouais. Ah, ils ont arrêté. C'est fini, McBaguette. Ouais, ouais. En Italie, il y a le McBeat. Ouais, le McBeat, ouais. C'est des boules. J'adore. Des boules. D'ailleurs, des foules, chaque fois qu'ils vont en Italie, ils me ramènent des McBeat. Mais il y a quoi dans les boules? Ah, des sperquettes du sperme. À ton avis, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est ça, il y a quoi? Du fromage. Ouais, fromage, ouais. Ah, ça s'appelle McBeat. Ils font des bagels, ouais, maintenant. C'est du McBeat. Bon, bah écoutez, bon appétit. Ça m'avait bien fait rire quand j'avais été les dernières. Ah oui, j'imagine. Je veux un McBeat. Ah, j'ai goûté, c'est pas mauvais en plus. Bon, en tout cas, ça m'a ouvert l'appétit, tout ça. Bon appétit à vous. Tiens, bon app. Je suis pas le seul. Daddy Fou, tu me donnes faim. Eh ben écoute, merci. Ouais, c'est vrai, quand on parle c'est Max de ça, qui nous laisse le message. Et tiens, il y a Team Samy là qui a goûté le nouvel truc, la nouvelle glace là. Alors le Ice Squeeze là, comment c'est le nom déjà? Ice Squeeze a priori. C'est la même glace que pour les McFlurry, mais en moins pratique pour manger. Ah voilà, bah ouais. D'accord. Je disais, ouais, c'est pas un glaçon. Ah, c'est pas comme les Calipo. Et pas mal de succès aussi pour le wrap chèvre depuis tout à l'heure. Ouais, c'est bon, hein, le wrap chèvre. Et il y a un truc qu'ils ont enlevé, il y en a qui regrettent, moi aussi, c'est le chausson aux pommes. C'est Sarah de Philadelphia qui a 25 ans qui nous laisse le message. Ça prenait souvent, ouais, mais ça. Il y a plus de 20 ans. Non, c'est à 15 ans, 10 ans. Non, ouais. Oh, il y a longtemps que les enlevés. 10, 15 ans de chaussons au McDo. Je crois que je suis seul mec, j'ai jamais pris un dessert au McDo, quoi. Pareil. Chaussons aux pommes, t'as jamais goûté un dessert? Jamais pris. Brûlant, hein. Very parfait, je te conseille. Ouais, mais je sais, mais déjà, je suis pas, à la base, je suis pas dessert. C'est sucré, ouais, moi, pareil. Tu sais que le chausson aux pommes, ils l'ont enlevé qu'en France, hein. Tu l'as de partout, hein, ouais. En Italie, bah. Tu l'as pas en Italie, parce qu'il y a plein de pays où il y est. C'est vrai qu'en France, ils l'ont enlevé, ouais, il y a une quinzaine d'années. J'ai jamais vu, moi. Dans une boîte en carton. Ouais, en rectangle. Ah, mais si, je me souviens, mais. 15-20 ans. Ouais. Ah oui, mais ouais, si, ça j'avais déjà goûté. Ouais, quand il était bon. Hein. Le truc qui était super avec ça, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont enlevé, c'est que tu pouvais t'ébouillanter la gueule. Ouais, c'est ça, c'était brûlant. Ouais. C'est-à-dire qu'autour c'était froid, mais alors dedans le machin c'était. Non, mais je pense qu'ils ont arrêté si ça marchait pas. Ah bah pourtant j'en prenais tout le temps. Oui, mais d'accord, mais si t'étais le seul, bon. On va regarder. C'est ça con. Fait léger pour toute la France. Bon. Non, mais tu sais, tous les trucs qu'ils arrêtent, c'est que ça marche pas. Le McBaguette, ça devait pas être le bon. C'est vrai que tu vas pour McDo pour manger un McBaguette, quoi. Non, en général, non. Non. Alors, ça venait du sud, ça. C'était un mec du sud, ouais, de Marseille, gros. C'était qui a inventé le McMagazine. Il l'avait proposé à McDo National, il l'avait mis pour le tester en France et après le faire dans le monde entier, mais finalement ils l'ont fait qu'en France. Ouais, voilà, et ça a pas marché. Mathieu, on va aller dans le sud. Je vois qu'il y a Idriss qui nous attend à Aix-en-Provence. Et puis on va aller dans le sud aussi, puisqu'on va vous offrir votre match de foot. C'est France-Albanie à gagner. Ouais. Évidemment sur Skyrock, tous les matchs de l'Euro. On vous offre vos places, les places Crédit Agricole à gagner. Donc dans, allez, il est quoi, 23h36, dans moins d'une demi-heure. Vous ferez tourner la roulette avec nous. Et je vais pas tarder à vous donner le top. Il y a des réactions pour ton problème du mois, Romano. T'as regardé un peu? Bah, là, on en est au vote. Là. Bah ouais, on n'a pas encore choisi. Ah oui, Pour chaque réaction, là, c'est assez limité. T'as été médias qui t'ont. Chuté, bah, il faut vite les résultats parce qu'on va être à la bourre alors. Alors les Romain, oui, il s'appelle Romain. Oui, il s'appelle Romain. Du coup, je te rassure. Le mec est complètement foncé avec ses médocs, il ne sait plus. Ah, tu peux rappeler pourquoi d'ailleurs, parce que des auditeurs sont arrivés depuis tout à l'heure. Romano, peux-tu rappeler pourquoi je prends des médicaments? Ah, certainement pas. certainement pas. Pourquoi? Tu nous as assez fait chier là. Pourquoi? Moi, je dirai pas. Bon, les résultats du problème du monde, on vous les donne. On prend Idriss, là, parce qu'il nous attend depuis tout à l'heure. Idriss, en speed, à Aix-en-Provence. Salut Idriss. Comment on va? Comment on va? Et toi, ça va bien, Idriss? Moyen, hein. Moi aussi, je me suis fait une tendinite comme un footballeur, pareil. Et voilà. Non, j'aimerais bien avoir ta tendinite. Viens, on échange de problèmes, si tu veux. Attends, je t'assure, ça fait mal, hein. Ah ouais, à ce point? Non, mais le problème d'Idriss. Ouais, mais... C'est quoi, Idriss? Qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, voilà. Comme j'ai expliqué à Cédric, comme ça, j'ai un petit souci, c'est que voilà, j'ai. Dans Cédric le passé, a compris ce que tu lui as raconté ou pas? Ouais, t'inquiète, j'ai compris. J'ai fait des bêtises. Non, il a compris. Ah, étonnant. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtises? J'ai fait des vols. Ah, qu'est-ce que t'as volé, toi? Je pose la question comme si c'était normal. C'est pas normal, mais qu'est-ce que t'as volé? C'est à force de côtoyer Romano, j'ai l'impression que ça devient normal de voler maintenant. J'ai fait quelques cambriolages, voilà, bref. Ah, t'as cambriolé chez les gens? Ouais, bref. Mais tu t'es jamais dit, c'est quand même de la merde ce que je fais, parce que je vais chez les gens, ça pourrait être ma mère, elle se ferait cambrioler. Si. Et en fait. C'est traumatisant un cambriolage. Pour les gens. En fait, ils m'ont attrapé une fois. Ouais, en plus, ils m'ont attrapé une fois en flagrant délit, j'ai fait 48 heures de garde à vue. Ah oui, en plus, t'es un cambrioleur de merde. Non, mais attends. Pour te faire choper, c'est que t'es un cambrioleur de merde. J'étais débutant, en gros. Ah, t'as un apprentissage. Ouais, donc voilà, donc je me suis attrapé une fois, j'ai fait 48 heures de garde à vue, etc. Ils m'ont déféré au parquet, ils m'ont ressorti sous contrôle judiciaire, j'ai été jugé, j'ai pris 6 mois de sursis. Okay. 6 mois d'emprisonnement. Donc maintenant, il faut plus déconner. Non, ensuite, j'en ai refait, je me suis refait attraper. Et tu t'es pas dit, putain, j'ai du sursis, maintenant je me calme, ça t'a pas servi de, ouais, je sais pas, mais, des clics, ouais, ou... ça m'a dit ça quelques temps, mais après. Mais genre, après, dans les apparts ou les maisons que tu cambriolais, tu piquais quoi, par exemple? Ah, de tout, ouais, de tout. Quand je te dis de tout, c'est tout ce qui peut se revendre bien, tout simplement. Et c'est le premier cambriolage, comment t'es arrivé à faire un premier cambriolage? T'étais tout seul de Batman? Ouais, j'étais seul. Et comment ça s'est passé dans ta tête? Tu étais avec quel âge? J'avais 19 ans, 20 ans. Tu t'habillais en noir comme dans les films avec une cagoule? Et comment t'es préparé? Non, je n'étais pas, visage découvert. Mais tu faisais comment? Si t'embarquais une télé, t'avais une caisse, t'avais quoi? Non. Si j'avais un gros truc, je le cachais quelque part, j'attendais le lendemain ou le soir tard dans la nuit, j'allais en voiture et je récupérais. D'accord. Ouais, tu vidais la maison, tu cachais le bordel, dans un petit buisson, un petit bosquet pas loin. Mais tu sais que c'est arrivé, là, on me racontait, là, dans un immeuble, là, ça arrivait, les gens, en fait, c'était des gens qui étaient quasiment jamais là. Un jour, il y a des mecs qui sont arrivés, c'était des cambrioleurs, ils ont sorti, ils se sont barrés avec les canapés et tout, hein. Et en fait, les gens de l'immeuble croyaient que c'était un déménagement. C'est pour ça que je ils question. Ont laissé faire. Ouais. Vous voulez qu'on vous aide? Non, mais limite ça, tu vois, les gens, il y a des gens qui disaient, il y a une dame, et genre, elle leur a tenu la porte, quoi. Ah, mais j'ai un pote à moi, pareil, dans le 5. Ouais, mais ça arrive souvent. Dans un immeuble, pendant l'été, les mecs sont avec un camion de déménagement. Ouais, mais pareil. Tu sais, ils ont bloqué les portes, ils ont fait. Et tout, ils ont pris leur temps. Et sauf que c'était des voleurs, Les mecs étaient barrés en vacances et mon pote, il voit le truc, il dit putain, mais c'est chelou. Tu étais pas au courant qu'il déménageait et tout, on croyait qu'il déménageait. En fait, ah, mais c'est ça, mais a priori, ça arrive régulièrement. Et toi, tu. Ouais, et en fait, comme je vous ai expliqué, en fait, après, je me suis refait attraper une deuxième fois. Ouais, toujours tout seul, toi. Jamais avec des potes. Seul. Et je me suis attrapé une deuxième fois, pardon. J'ai fait 72 heures de garde à vue. Ils m'ont redéféré au parquet. Jugement. Je me suis refait juger, ils m'ont ressorti en contrôle judiciaire, ils m'ont mis en mise en examen puisqu'ils avaient passé de preuves, ils n'avaient rien trouvé. Donc, mais quand on se fait rechoper, qu'on avait pris du sourcils ont... Non, les sourcils n'ont pas touché, en fait. Les sourcils n'ont pas touché. Et moi, mon avocat, en fait, il m'a dit que les sourcils, en fait, ils vont pas le toucher. Ils vont attendre de te faire rentrer en prison. S'ils arrivent à te faire rentrer en prison, ils vont te faire rentrer en prison. Mmh. Et par exemple, je prends ma peine, je prends 6 mois de prison. Au dernier mois, ils vont faire tomber le sourcil que j'avais. Donc ça veut dire qu'il me reste un mois, ils vont me refaire tomber les 6 mois de sourcil que j'avais et je repars encore une fois pour 7 mois. Ah ok, ouais. Ouais ok, puis j'ai... Donc, ah, c'est cumulé, ouais, c'est cumulé une autre peine. Voilà, voilà, donc je me suis refait attraper, etc. et tout. Là, je suis en contrôle judiciaire. Et il y a 2 jours... Mais ça, alors attends, une question con, ça veut dire quoi, contrôle judiciaire? Tu dois pointer au commissariat. Je dois pointer toutes les semaines dans un commissariat. D'accord. J'ai pas le droit de quitter Aix-en-Provence. Ça veut dire, même si je dois aller sur Marseille, je dois appeler la juge d'instruction pour lui dire. Tu préviennes de tous tes déplacements, quoi. Voilà. En fait, au lieu de me placer en détention provisoire, donc en mandat dépôt, ils ont voulu, en fait, le mandat dépôt, en fait, il était pas approprié. C'était pas une peine, voilà, qui était appropriée à moi. Donc, ils m'ont placé en contrôle judiciaire parce que comme je travaille, etc. Ah, c'est mieux pour toi. Donc, du coup. Bah, oui. Ouais, ouais. Autrement, tu perds ton taf. Bah, c'est mieux que t'es en prison. Voilà. Et vous savez que vous bossez dans une boîte, vous allez en prison, ils ont le droit de vous foutre dehors. Bah, c'est normal. Ah ouais, voilà. Donc, bah, mais tu perds tout, t'imagines. Bah, ouais, donc, voilà. Donc, là, je suis en contrôle judiciaire en attendant mon procès, en attendant les enquêtes. En fait, ils font des ils sont en train de chercher des preuves, etc. Mais bon, ils ont rien. Mmh. Et le truc, c'est qu'en fait, là, il y a 2 jours, moi, j'étais en soirée. Je suis rentré chez moi vers, là, je crois, 7h du matin. Je travaillais pas le lendemain. Mmh. Je rentre chez moi. Ma soeur, elle vient, elle me dit, voilà. Idriss, tu t'en as dit. C'est pas grave, j'ai des prénoms. Donc, elle me dit, la police sont venus à 6h à la maison. Ils te cherchaient. Ah oui. Moi, je commence à gamberger. Ils ont fait quoi? Ils m'ont dit, ils ont perquisitionné ta chambre. Moi, j'arrive dans ma chambre, le bordel. Oh le bordel, mais c'est bordel, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Ouais, en fait, j'ai acheté des trucs que tu avais à la maison. Et le truc, ils ont rien trouvé. Et en fait, ils m'ont laissé une convocation. La convocation, moi, je me suis pas présenté. Ah, t'as déconné. Ils m'ont appelé. Je me suis pas présenté. Mais le truc, c'est pourquoi, en fait? J'ai pas peur de la police, hein. J'ai pas peur de la justice. J'ai pas peur. Vrai, ouais. Mais le truc, c'est que, ce qui me rend fou, c'est la garde à vue. C'est une angoisse. Déjà, t'as déconné parce que t'es pas allé à la convoc, ils t'ont appelé, ils vont te mettre une fiche de recherche. Donc là, tu vas aller rechercher. Et en fait, moi, là, ce que je gamberge, en fait, c'est que, dans ma tête, je me dis, est-ce que je dois y aller? Bah oui. Et voir ce qu'ils veulent, peut-être que, c'est rien. Ah bah, de toute façon, comme disait Karim, au bout d'un moment, si tu vas pas, ils vont venir te chercher. Hein. C'est-à-dire, tu ne vas pas au rendez-vous. Mais ça y est, déjà, t'as déjà une fiche, je te le dis tout de suite, gros. Parce que quand tu vas pas à un rendez-vous, que t'es convoqué, en plus, ils sont venus pour une perquise et qu'ils te convoquent après et tu vas pas, t'as une fiche de recherche, gros. Donc, fiche de recherche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se fait contrôler. Ils te pètent, voilà. Non, ouais, mais carrément, ils peuvent aller te chercher. Ouais, ils peuvent aller te chercher, mais genre, si t'es dans la rue, ils viennent, contrôlent comme ça, par hasard. Ah oui, bien sûr. Ils voient que t'as une fiche, ils t'emmènent direct. Ou sinon, un jour, ils vont décider, un matin, ils vont dire, tiens, on va aller te chercher. Mais c'est ce qu'ils ont fait, déjà. Ils ont été chez lui. Oui, mais le problème, c'est que non, mais là, vu que tu es pas allé, ils vont venir te chercher, là. Mais est-ce que tu peux pas aller les voir en leur disant, ouais, ta sœur, elle t'a prévenu aujourd'hui, tu l'as su maintenant, tu l'as pas su avant, et voilà. Franchement, je voudrais savoir si, voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui ont... Ils sont venus quand, aujourd'hui? Ils sont venus? Il y a deux jours. Toi, je me demande de... Ta sœur, elle a dû halluciner de voir arriver les keufs à 6h du matin. Parce qu'en plus, ils te réveillent en sursaut et tout. En plus, ils sont venus en mode cow-boy. Ils diraient que c'était merci, mais ils sont venus, ils ont tapé police. Non, mais ça veut dire que faut pas déconner, parce que ça veut dire qu'actuellement ils enquêtent sur toi, ils cherchent des preuves pour te faire tomber. Ouais, ils viennent chez toi, c'est qu'ils ont quelque chose en général. Et en plus, ils peuvent trouver. À 6h du matin, les mecs, ils veulent faire une perquise. C'est jamais gratuit, quoi. Et moi, ils me l'ont déjà fait, ça, une fois. Ça remonte, hein. Mmh. Ils me l'ont déjà fait. Bon, j'étais là et tout, et j'ai fait 24 heures de garde à vue, je suis ressorti. Mais pourquoi tu t'es pas arrêté de voler? Non, mais je me suis arrêté, justement, en fait. Mais pourquoi t'as depuis recommencé? Depuis la deuxième fois où je me suis fait arrêter, je me suis arrêté, j'ai assez bon. Depuis que je suis en contrôle judiciaire, j'ai assez bon. C'est fini, j'ai un travail, etc. Bah oui. C'est fini, j'arrête. Mais le truc, c'est qu'en fait, il me ressort des affaires. De l'époque. Qui remontent, en fait. C'est pas des affaires que j'ai faites, récemment. Ouais, mais c'est bon, après, c'est remonte. Ouais, ça, c'est plutôt positif pour toi, mais Et du coup, pourquoi j'appelle Skyrock? Pour savoir si, voilà, s'il y aurait pas des personnes qui ont été dans le même cas que moi, comment faire, ou s'il y a pas des... Moi, je veux pas te foutre en balle, mais je pense que t'es dans la merde. Ouais, mais de toute façon, faut te rendre, gros. Faut que tu y ailles. Mais après, moi, je te conseille. C'est pas au truc américain. Rendez-vous. Non, mais non, je te conseille de bien manger avant d'y aller. Ouais, moi. Déjà, de bien manger avant d'y aller. Prendre une bonne douche. De faire la garde à vue, de prendre une bonne douche et d'y aller lundi. Tu vas dans la merde. D'y aller lundi parce que si tu vas demain et qu'ils te mettent genre 72 heures de garde à vue, le dimanche, il n'y a pas de proc, il n'y a pas de juge, il n'y a personne. Donc tu vas faire une journée en plus. Si, il y a des procs et tout, mais c'est ce qu'il faut galérer. Non, en fait, le dimanche, moi, comme ils m'ont expliqué. Si par exemple je vais demain, le week-end il n'y a pas de jugement. Donc ça veut dire le week-end en fait c'est enfermé deux jours dans une prison et te ramène lundi te faire juger en fait. Écoute, moi j'irai le plus vite possible, mais enfin d'après ce que tu nous dis, vaut mieux y aller lundi. Ouais, vas-y lundi, c'est mieux. Ah, genre le vendredi, ouais, mais après, est-ce que c'est pas non plus négatif, tu vois, de faire attendre encore. Là, ça fait deux jours, est-ce que les mecs d'attendre encore jusqu'à lundi, est-ce que ça va pas faire long, les mecs vont dire je fais une il a déjà une fiche. Non, mais t'appelles le plus derrière. Après le truc, c'est que la police, voilà, ils peuvent pas venir perquisitionner comme ça chez moi. Moi, mon avocat, il m'a dit, s'ils viennent perquisitionner, c'est ou un juge d'instruction ou un procureur qui a donné l'ordre. Ils peuvent pas venir comme ça. De se dire, voilà. Donc, ça veut dire, en fait, tant que le juge ne lui dit pas, vous allez me le chercher à la maison, personne ne viendra. Mais, non, mais le problème, c'est qu'ils vont le dire, c'est que le mec, il va le dire à un moment ou à un autre. Juge. Je m'en doutais bien. Le truc que tu peux faire, c'est pour les faire traîner un peu, c'est que tu les appelles, tu leur dis, voilà. Ouais, moi, je pense qu'il faut pas trop s'amuser. Mais tu les appelles. En fait, quand t'appelles, tu sais, au commissariat, t'appelles, tu sais, le mec qui t'a convoqué, l'OPJ, tu dis, voilà, écoutez, j'ai un déplacement familial, je rentre lundi. Il a pas le droit de partir, d'Aix. Ah oui, mais tu dis, j'ai un truc familial. Tu dis, j'ai eu un truc familial et tout machin. Ouais, mais le mec, il est pas forcément, tu es au courant, tu vois. Logiquement, si. Ah, ils sont pas au courant de tout, des fois, ils savent pas. Tu dis, voilà, écoutez, j'ai eu un déplacement et tout machin, je rentre lundi matin. Tu dis, lundi matin à 9h, je suis au commissariat, je viens vous voir. Ouais, mais si le. Parce que c'est ça que le vendredi, quand tu vas le vendredi, en général, les mecs, ils te mettent en garde à vue. Non, mais est-ce que le keuf, il va appeler le juge, lui. Il va dire, ouais, le mec, il m'a contacté, il me dit qu'il part en déplacement. Le juge, ici, il dit, ouais, mais le mec, il a pas à se déplacer. Ah. Vous allez le chercher direct. Ah, mais il dit qu'il a un truc familial. Pour raison familiale, je pense que. Bah, mais ouais, les mecs, s'en battent les couilles. Je vais leur inventer une histoire de fou, moi. Oui, mais faut, à mon avis, au bout d'un moment, faut arrêter d'inventer des conneries. Ah, ouais. Bah, tiens, on va non, mais. Parce que t'en as suffisamment fait. Ouais, surtout s'ils sont sur ton dos. Non, mais après, j'en sais rien. Peut-être que la méthode de Cédric, elle est bien. Moi, j'aurais juste que. Moi, tu les appelles, tu leur dis que tu viens. Après, ils vont demander un justificatif. Cédric nous dit en taux 94X. Ah, bah, tu trouves un justificatif. Mais puis forcément, le keuf, il va appeler direct le juge, il va dire le mec. Ah, j'ai une idée. Tu dis que t'as une tendinite au bras. Ah, ça y est. Allez, c'est reparti. T'as une tendinite au bras. Tu peux pas venir avant lundi. Tu peux pas venir avant lundi. T'es bloqué. Là, ils vont me dire, viens en garde à vue, il y a des médecins en garde à vue. Ah, mais tiens, si tu les appelles, ça va les calmer, parce que si tu les appelles pas, les mecs, tu sais, ils vont te chercher, tu vois. Et ton avocat, il veut. Il t'a dit quoi? Mon avocat, en fait. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand elle m'a appelé. Parce qu'à la limite, je suis ce que dit ton avocat. L'OPJ, en fait, quand elle m'a appelé. J'ai répondu, etc. Elle m'a dit, faut que vous veniez, je dois vous voir. J'ai dit, bon, par contre, voilà, si je viens, dites-moi, est-ce que vous allez me placer en garde à vue ou pas? Comme ça, au moins, voilà, que je vais pas en jean, en mode beau gosse. Ça te dit jamais, ça. En mode beau gosse. Elle m'a dit, non, t'inquiète pas, il n'y a pas de nouvelles victimes, donc je te place pas en garde à vue. Non. Et après, en fait, elle m'a dit, à part si on a un nouveau truc, faut qu'on regarde. Et là, dans ma tête. Qui t'a dit ça? L'OPJ. Non, mais ça, de toute façon, je te dis un truc, l'OPJ, jamais officier va dire que t'es en garde judiciaire. À vue. Bien joué, mais bien vu, Romano. À la fois que j'étais en garde à vue, poteau, il nous a dit quoi? T'es au commissariat? OPJ. TF1. TF1. Télévision française. 1. Ouais. Alors, j'avais pas compris. Il m'a évolué tant que ça. Non, mais la fois que moi, j'étais convoqué, pour une connerie à la con, c'est l'OPJ, il me dit, ouais, non, t'inquiète, y a pas de garde à vue, on est arrivé, les trois en garde à vue, mon pote. Donc, je te dis déjà. Ah, toi, si tu une galère comment, toi? T'as fait quoi, Cédric? Non, mais c'est mon pote, il avait dragué des meufs dans la rue, c'était passé pour un keuf, ce con. Ah oui, tu nous as raconté. Ah ouais, mais lui, frère, il est taré, lui. Ah, mais lui, c'est un ouf. En même temps, excuse-moi, mais faire des cambriolages, c'est pas, c'est guère mieux. Non, mais attends, moi, je vais en garde à vue pour des vrais faits. Lui, il est parti en garde à vue pour rien, c'était prêt. Ah, mais c'est une garde à vue. Ouais, mais bon, ouais, et puis c'est pas une fierté de. Et puis c'est bizarre, tu vas passer pour un flic pour draguer des nanas, quoi. Oui, mais je sais pas, là, c'est tellement des galériens que. Ah, je sais pas ce qui lui est arrivé dans sa tête, le mec, qui s'est arrêté, c'est mieux. À côté des meufs, il leur dit, ouais, bonjour police, contrôle d'identité, donnez votre numéro de téléphone. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il. Il était bourré, là. Ouais, il était un peu bourré. Non, mais quand t'en regardes, non, mais pourquoi toi, tu lui as pas dit, mais ferme ta gueule. Et je l'ai vu après, moi. Ah, après. Alors, je croyais que t'étais à côté comme un couillon. Bon, t'es toujours dans les bons coups, Cédric. Ah, putain, Cédric. Non, je l'ai rejoint après, c'est pour ça que je suis sorti, moi. Toujours dans les meilleurs coups. Le mec, à ce moment-là, moi, je lui dis, mais ferme ta gueule, tu sais. Parce que les meufs, quand elles ont porté plainte, elles ont dit, moi, elles m'ont pas reconnu. Elles m'ont dit que j'étais pas dans. Bon, tiens, on va vous demander à vous si vous êtes, je sais pas, dans la police, avocat, vous avez été confronté à ce genre de truc, qu'est-ce que vous donneriez qu'on conseille à Idriss? Quand est-ce qu'il doit y aller? Parce que tu vas pas rester fugitif toute ta vie. Ah, mais non, mais c'est très bien que je vais y aller. Bah tu vois, je m'en fous. C'est bon, j'ai déjà fait des 72 heures de garde à vue, c'est pas 24 heures ou 48 heures qui vont me faire mal. Et on nous dit qu'il y a des jugements le week-end. Enfin bon, t'as sûrement mieux à faire le week-end, voyez. Le week-end, faut tremper le biscuit, gros, j'ai envie de te gérer. Eh ben oui. Donc si, oui. Tu te prends de la prison, tu te prends moins le biscuit, ou alors tu le prends pas dans un cul. C'est vrai que comme il y en a qui disent, à un moment donné, t'as fait une connerie, c'est maintenant il faut assumer. Non mais t'aurais dû arrêter tout de suite après. Franchement, c'est quoi? Je t'explique, hein. J'assume complètement. Si je dois rentrer en prison, je rentre en prison. Ouais, mais bon, c'est pas une vie, quoi. 27 ans, t'as mieux à faire dans ta vie. T'as autre chose à foutre, ouais, que des tantôles. Imagine ta sœur qui voit une descente de keuf à 10h du matin. T'as tes parents qui vont venir te voir en prison, c'est quand même pas. Non, mais surtout que t'as repris une vie normale, manifestement. Et sinon. Non, mais là, il était temps que tu te calmes, oui. Il y a Anto, je lance un appel il y a un instant. Anto qui nous dit, c'est mon boulot d'e-foule. Le mieux, c'est qu'il. D'ailleurs, c'est quoi ton boulot? T'es keuf? Peut-être. Le mieux, c'est qu'il se rende au commissariat. Des fois, les juges ont juste des papiers à notifier au mec. C'est tout. Donc, ah, mais c'est faire une garde à vue pour notifier des papiers? Non, mais c'est faire il aura peut-être. Une perquise, ouais, c'est ça, ouais. Ah, je sais pas. Ouais. C'est moi, il y a du qui m'achète. Bon, écoutez, dites-nous pour Idriss. Il y a un message de Dude 59. Mon cousin a une fiche de recherche. Il ne s'est jamais présenté. Il n'a jamais été. Puis il a fini par se faire griller et hop, en prison. Ah bah oui. Bah ouais, forcément. Non, mais à un moment donné, tu les prends pour des cons. Voilà. Parce que là, c'est un peu ça. Si tu joues au chat et à la souris. Non, Romano. Quand tu joues avec le feu, tu te brûles. Non, mais c'est vrai. C'est triste. Tu sais que t'es recherché le jour où ils te chopent. Le truc, c'est que moi, je suis sous contrôle judiciaire. Ça veut dire en fait. En plus, ouais. Toi, tu t'es mis dans une merde. Il va falloir que t'ailles pointer. Donc, quand tu vas pointer, ils vont t'arrêter direct. Bon, appelez-nous pour Idriss. 41-759 skyrock.fm. Ça, c'est pour les messages. Et le 01-53-40-30-20 pour nous appeler. Attention, je lance. Le problème du mois, on le fera demain, du coup. Ouais, on va le lire aujourd'hui, on fera demain. Ah, comme ça. C'est déjà très tard. J'ai les résultats du problème du mois. Peut-être, il est pas content, il est vexé parce que j'avais dit qu'on le ferait. Ah non, mais bon, on s'est occupé d'Idriss, c'était quand même important. Je suis malade, Romain. Tu comptes nous faire chier, pardon. Demain matin. Ça y est, ça va. Faire chier pareil ou pas? Estime-toi heureux si j'arrive à. Il va pas dormir. Si j'arrive à surmonter la douleur. Demain matin, le truc qui va être marrant, c'est avec son bras cassé, il va essayer de se faire un café. Il va pas y aller parce que Jay n'arrive pas à faire fonctionner la machine à café. Parce que Cédric, il a acheté une machine, elle est toute pourrie. Je sens que le mec, il va être de mauvaise humeur dès 6h10, quoi. Mais Karim va t'aider. Soyez à l'heure demain matin à 6h, vous allez voir. Moi, je suis Cédric qui fera le café à Difool. Ouais. Mettra ses doigts sales dedans pour te le touiller. Je tue. Ouais, bien sûr. Lui, demain. Ouais, bah ouais. C'est un café, tiens, Difool. Je tue. Je lance le top pour Idriss. Mais également, attention, le top pour la roulette. On va faire tourner la roulette sur Skyrock. Vous le savez, les places pour l'Euro à gagner. Ouais. Et on va jouer pour le match de cette soirée. Je vous l'ai annoncé, c'est France-Albanie. C'est le match qui aura lieu à Marseille. C'est quel jour? 15 juin, je crois. Ouais, 15 juin, c'est ça, ouais. 15 juin à Marseille, c'est France-Albanie. Vous voulez vos places, inscrivez-vous. On prend pas forcément le premier, c'est Marie qui tire au sort. Tirage au sort. Donc vous laissez vite vos messages. J'avais quoi, 5 minutes. Et on fait tourner la roulette juste après. Tous les matchs de l'Euro, tous les matchs de l'équipe de France, la finale avec l'équipe de France, bien sûr. Bien sûr. Et tout le reste à choper, c'est sur Skyrock, c'est pour vous. Et puis je vous donne les résultats du problème du mois. On peut y aller tout de suite. Allez, c'est parti. Les résultats du problème du mois. Il y avait 5 problèmes du mois magnifiques ce soir. Félicitations Romano pour ce choix. Surtout félicitations aux internautes qui ont écrit leur magnifique mail. Oui, Léa, Patricia, Muriel, Lola, Stéphanie. Alors vous avez choisi. Tiens, on démarre par la fin. Ouais, c'est vrai, ouais. J'avais pas fait gaffe, tu vois. Les filles, vous avez beaucoup de problèmes du mois. Oh merde. Alors, celui qui arrive dernier, c'est Muriel avec son orgasme et se demande si elle est fontaine ou incontinente. Ah, dommage. Dommage pour Muriel, 13% des voix. Celui qui arrive deuxième, c'est le sauna libertin avec Patricia qui se fait éjaculer dessus, qui se trouve sale. Ouais, deuxième en partant de la fin. Quatrième. Oui, l'avant-dernier. Celui qui arrive troisième, c'est le problème du mois de Stéphanie qui veut se faire dilater l'anus. Le gapping. Celui qui arrive second avec 21% des voix, c'est le problème du mois de... Oh, dommage. Dommage. C'est l'escorte qui est tombé sur un mec qui voulait lui faire caca dessus. Je la remettrai un de ces quatre. Merci Romano. Le caca, c'est bon. Cédric, je la remettrai. Pour toi. Ah, merci. Et celle qui arrive première avec 34% des voix, largement en tête, Léa et Snapchat. La mignonnaise. Eh bien, Léa et son Snapchat, c'est parti. Tu nous lis le problème du mois et donc vous réagissez. Vous pouvez nous laisser des messages dès ce soir et on en reparlera demain. Donc si vous avez déjà fait des trucs de cul sur Snapchat, pourrait nous raconter tout ça demain. Non, mais une meuf sans faire exprès, elle l'a envoyé, moi. De quoi? C'est-à-dire qu'elle voulait envoyer, elle voulait envoyer sa chatte et ses seins à un mec. Elle t'a envoyé à toi? Tu, ouais, elle me l'a envoyé à moi. Bonne surprise, ça, c'est pas elle a essayé de me bloquer, elle a essayé de tout faire. Tu sais, je vois, je fais, putain, je la trouve plus dans mes amis. Et en fait, le message, il apparaissait quand même. Tu la connaissais, la meuf? Bah ouais, c'est une meuf que je connaissais, ouais. Ah merde. Et sans faire exprès, elle m'a envoyé ça. Je fais, mais t'as des soucis, toi. Elle était toute gênée, ça. C'est quoi? Imagine, Romano, t'envoies ta bite, un jour, tu veux l'envoyer à Cariole et t'envoies ta bite à, je sais pas, Cédric. Non, mais tu vois, la meuf, Et elle mettait son doigt dans sa chatte, tu vois. Et je gosse, je me disais, je fais, ouais, c'est un problème. Je crois que tu t'es trompé de personne. Oh putain, la honte de la meuf. Ah ouais, immonde. Mais entre temps, c'est la meuf, elle avait essayé de me bloquer tous les côtés. Mais en fait, le message, quand il est envoyé, quoi qu'il se passe, tu le reçois. Tard, c'est fini. Ouais. C'est comme les SMS. Une fois que tu l'envoies, le truc, il part. C'est parti, ça arrive. Ah ouais. Ah putain, je me suis. Branlé, ouais. Régalé l'œil. Branlé, tu t'es branlé, je suis sûr. C'est branlé, oui. Non, non, non. Tu t'es branlé sur ta pote. Tu l'as pas gardé la vidéo, vas-y, regarde. Mais tu peux pas la garder. Ah ouais, c'est vrai. Tu peux pas, tu la regardes une fois après. Ah, j'avais la haine, putain. Et tu sais, je voulais pas la regarder une deuxième fois parce qu'elle allait voir quand tu la regardes une deuxième fois. Ça faisait trop le mec, genre, qui avait la dalle, quoi. Bah, de toute façon, évidemment, tu l'as vu une fois, autant la regarder plusieurs. Hein. Bah non, mais je voulais la regarder une deuxième fois, c'est pour la filmer avec un autre téléphone. Surtout, c'est gratuit. Bah non, mais c'est clair. Ah bah attends. Donc, si vous avez des stories comme ça sur Snapchat. C'est branlé, ouais. C'est branlé sur sa pote. Ah. Donc, vous avez des stories comme ça, vous pouvez témoigner pour le problème du mois. Bon, tu nous lis tout de suite. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, musica. Musica. Léa, 22h d'Avignon, donc elle a écrit à Doctissimo, rubrique addiction sexuelle. Bonjour. Bonjour, moi c'est Léa, j'ai 22 ans, je suis d'Avignon et je suis complètement accro à l'application Snapchat. Snapchat. J'envoie, j'échange des vidéos et photos via Snapchat. Snapchat. Et j'aimerais vraiment arrêter car ça devient complètement addictif et j'ai peur pour mon image. Au début je le faisais rarement, puis ensuite de plus en plus, quand je m'ennuyais ou pour penser à d'autres choses. Puis maintenant je le fais régulièrement. Au début je postais des vidéos en parlant, me filmant tout habillé. Et j'ai commencé à me dénuder peu à peu. Au début je montrais un peu mon décolleté. Puis au fur et à mesure, le décolleté s'est de plus en plus ouvert. J'ai montré complètement ma poitrine. Ensuite je me caresse. Attention si vous êtes sur Snap souvent, hein. Ouais, ça peut. Vous commencez à habiller, vous pouvez terminer Ouais, putain, Le cul à l'air, hein. Au début je filmais seulement ma poitrine et j'ai commencé à me la caresser. Et j'ai vu que beaucoup de personnes adoraient ça. J'ai changé au maximum. Les hommes étaient tout foufou. Les hommes étaient tout foufou. Ils m'en demandaient toujours plus. Et moi, devant autant de succès, je leur en donnais encore plus. J'ai commencé à me dévêtir complètement, à me montrer nu, ensuite à me caresser le vagin avec mes doigts. Et depuis quelques temps, je m'enfonce régulièrement des objets dans le vagin. Oh bah. Puis moi, j'imagine les mecs qui doivent être là. Juste pour se taper un délire. Allez, mais quoi? Une canette? Allez, une canette et l'autre. Allez hop. J'ai déjà mis, par exemple, une brosse à dents. Ouais. Elle s'est brossée la chatte. Dans quel sens? Ça, elle précise pas. Ouais, je mange, j'imagine. J'ai déjà enfilé un bout de mon téléphone portable. Mais tout en snappant ou pas? Tout en snappant, je ne sais pas, c'est pas de précision. Ça va pas être agréable. J'ai également utilisé la souris de mon ordinateur que je me suis introduit en partie dans le vagin. C'était tellement bon. Jamais j'ai eu autant de retours positifs. La folie. Non. Les garçons en échange m'envoyaient des vidéos d'eux en train de se masturber. Aussi bien le sexe que l'anus. Ah ouais, les mecs, ça les mettait dans cet état. Je pense que t'es ravagé, t'attires des ravagés, hein, au bout d'un moment. Qui se ressemble. Ça semble. Ouais. Mais depuis quelque temps, j'ai envie de tout arrêter. Car malgré tous les messages encourageants, j'y reçois énormément de messages d'insultes. D'ailleurs, j'ai certains de mes amis qui sont tombés dessus. Et je dois bien te avouer que je ne savais plus où me mettre quand ils m'en ont parlé. T'aurais honte, Marie, si on te trouvait avec une souris dans la chatte sur Snapchat. Ah ouais, non, mais tu m'étonnes. Et que je sais pas, que certains de tes amis, par exemple, je ne sais pas, Samy, par exemple. Voilà, tiens, viens, Marie. Non, mais j'aurais plus que honte. Cool, Marie. Oh, là, de moi, tiens, je vais te dire, Marie, ça m'étonnerait qu'à moitié. Romano, lui, il serait moins choqué. Non mais venant de toi, je sais pas. Moi faire un truc sur le net déjà, non. Bah non, mais pas. Même en photo. Non mais je me dirais, je sais pas, t'as été piraté ou un truc. C'est pas sur le net, téléphone. Ouais, bon, enfin bon, enfin t'envoies le truc, non, mais je ferais jamais un truc pareil. Ah si, moi ça, comme Romano, ça me surprendrait pas. Ah non, mais tu vois, voilà, c'est genre à mon chat, ce que je t'ai envoyé ma chatte. Non mais ouais, tiens, ouais. Ouais, ça va, sinon toi, tu passes un bon week-end, c'est un peu normal. Je me dirais, ouais, fait l'envie de se faire sauter. Non, mais je pourrais plus vous regarder dans les yeux. Ah ouais? Bon, pour... ça nous dérangerait pas. Marie, son mari, t'as du mal à le regarder dans les yeux parce que tu bigles, t'as bu. Ouais, je bigle. Mais là, tu vois, par exemple, j'ai déjà vu la bite de Karim. Ah bon? En vidéo. Ah oui, parce que tu m'avais montré des trucs. Ah, je croyais que c'était en vrai, j'allais. Non, bah, non, en vrai, si, tu m'as sorti le gigot la dernière fois, mais ça va, il y avait le caleçon au-dessus. Ah. Mais j'ai déjà vu, ça va, je peux te regarder dans les yeux, il n'y a pas de souci. Alors, tu la trouves comment, ma bite? Bah écoute, ça avait l'air d'aller, la nana en tout cas avait l'air contente. Ah bah, je peux te faire pareil si tu veux. Non, c'est bon, c'est la méthode de drague. Pas mal ta méthode de drague, Karim. En tout cas, avec Marie, ça marche. Oui, non, pas du tout, non. Bon, on a été où dans ton problème du mois? Eh ben moi je... Ah oui, donc là, bon, je subis énormément d'insultes. Ah, l'autre se fait insulter après. Je ne sais plus où j'en suis. J'ai peur qu'on me reconnaisse dans la rue. Même comme ça, par les hasard. Les mecs vont lui demander des autographes bientôt. Vous imaginez la réaction? Que je me fasse traiter de tous les noms dans la rue? Ou alors que le mec soit fou, hystérique de moi et qu'il se jette sur moi? Je ne sais plus quoi faire. Dois-je arrêter? Je ne peux pas, pourtant, je suis complètement drogué à ce truc. Je m'en rends compte, mais je n'arrive pas à m'en séparer. Qu'est-ce que je dois faire? Auriez-vous des conseils pour sortir de ce cercle vicieux et réussir à quitter enfin Snapchat? Snapchat. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont complètement barjots avec ça. Ah ouais, c'est vrai. Ça rend accro. Hein. T'as des mecs qui mettent toute leur vie. Ouais. Dès qu'ils se réveillent, ils se mettent. Ouais, ils sortent de la douche. Vous êtes peut-être comme ça. D'ailleurs, dites-nous. Alors, racontez-nous. Comment, qu'est-ce que vous faites avec Snapchat? Est-ce que vous avez déjà fait du cul sur Snapchat? Est-ce, est-ce que vous avez déjà envoyé un truc par erreur trompé, comme Cédric? Ouais. Genre. Il y a un mec moi qui m'envoie à chaque fois quand il dégainque d'une meuf. Attends, je vais voir si je retrouve son blaze. Très bien, bah tu nous retrouves Cédric. Nous on écoute le son de Nekfeu là tout de suite. J'avais promis Nekfeu, Escrew. Ouais. Et dans un instant, la roulette qui tourne. Ouh là là là, mais il y a plein de messages. C'est pour France-Albanie, le match des Bleus à gagner sur Skyrock. Crédit Agricole, partenaire national de l'UEFA Euro 2016, offre 200 places sur Skyrock. Pour assister à l'un des matchs de l'Euro 2016, écoute Skyrock à tout moment et gagne tes places de foot. 200 places, 200 places pour l'Euro 2016. Crédit Agricole, partenaire national de l'UEFA Euro 2016. Merci Sky. Cet homme. Et si j'avais le pouvoir de faire revenir votre fils? Une porte sépare le monde des vivants de celui des morts. Oliver, c'est toi. Un avertissement sacré, ne jamais l'ouvrir. Il faut que je parte maintenant. Produit par Alexandre Aja, réalisateur de La Colline à des yeux et Piranha 3D. Ne les laissez jamais sortir. The Door, actuellement au cinéma. Avec Skyrock. Beau mec à 500 mètres. Va tout droit. Tourne à droite dans 50 mètres. Beau mec en vue. Tu es arrivé à destination. Smax, l'appli de rencontre qui te guide vers de belles rencontres. Télécharge Smax, S-M-A-X, Smax, et active ta destination vers de nouvelles rencontres. Pendant l'Euro, il y aura 552 footballeurs et ils joueront tous dans la même équipe. Cette équipe sera partout, dans votre kiosque, sur votre bureau et même dans votre poche. Cette équipe, c'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site, l'équipe. Partageons le sport. Et ne manquez pas notre guide spécial Euro 2016. Le journal, plus le magazine, plus le guide de l'Euro l'équipe, c'est samedi. Et attention, c'est Nekfeu et Escrew tout de suite. Tous les soirs, 10 full radio libre. 0153 40 30 20. Et on place pour l'Euro juste après. Le diable me remet dans le mal, et veut que je l'emmène en bas, afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je bade. Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite vie. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment c'est. Quand. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas, afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je bague. Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite peau. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des seules à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de Belzébuth. J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette pouffe extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je bade. Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite peau. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi la seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment c'est. Quand le diable me remet dans le mal. Le fait que je l'emmène en bas afin de fumer la White Weed. Et qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. On déconne maintenant, je balle. Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite. Come on! 21h minuit, la radio libre de Tifoul. Seulement sur Skyrock. Ouais, on est là. Et on est là avec la roulette qui va tourner dans un instant. Le problème du mois, on le finira demain soir. Ouais, Léa. Sur Snapchat. Snapchat. Elle Snapchat. Est devenue accro à Snapchat, surtout pour faire du cul dessus. Bah alors, elle s'enfonce des trucs dans la choune. C'est magnifique. Et donc, on attend vos témoignages pour demain, on en reparlera. Et demain, tu nous donneras la réponse du problème du mois. C'est un peu comme un feuilleton. Ouais, c'est ça. Demain, c'est la ça. Suite et la fin. Suite et fin. Et vos réactions, bien sûr. Et bien sûr. J'ai trouvé le mec là qui m'envoie les vidéos dessus. C'est Verissimo92. Salut Verissimo92. À chaque fois qu'il baise. Il y a du son ou pas? Ouais, mais là il y en a pas là, parce qu'il y en a pas baisé ce soir, mais en général ouais, il y a les sons, tu vois la meuf et tout. Ah là, très bien. Tu les vois des fois il a baisé avec ses potes. Si t'en reçois une pendant l'émission demain soir, ouais, vas-y, t'inquiète. En direct pour mettre à l'honneur Verissimo. Je te montrerai, c'est ça. Salut Verissimo. Donc le problème du mois, on finit demain, ok? Ouais, pas de problème. Et si vous voulez réagir, vous pouvez envoyer vos mails pendant la nuit, je sais pas si vous avez une idée comme ça. Vous envoyez vos mails à romano@skyrock.com, tu regarderas tes mails. Oui, demain soir. C'est bon. Ou sur les réseaux, vous nous envoyez. Ouais, sur les réseaux, c'est bien, allez. Hashtag ouais, problème du mois. Ouais, voilà, vous nous écrivez en privé, sur Facebook, sur Twitter, normal. Voilà, ou hashtag Skype. Ouais, ou le hashtag, ouais. FM. C'est ça. Pour la roulette, et ben on va faire tourner. C'est qui le chanceux de la soirée? Alex de Montpellier. T'es là, Alex? Ouais, Alex. Bonjour, Alex. Oui, allô. Salut. Ouais, Alex. Non, tu lui piqueras pas ses places, Romano. Salut, Alex, comment tu vas, toi? Ça va, tranquille, on est là. Hein. Nous, c'est beau chez nous, il n'y a pas de pluie. Je sais. Merci pour toutes les photos que vous nous envoyez tous les matins. Dès que le soleil se lève, on reçoit des photos du sud. Ah, les enfants. Avec écrit Ah, ouais. Oh, il fait beau chez nous. Ouais. Hey, comment ça va du côté du nord? Il fait comme beau. Comme d'hab. Mais aujourd'hui, j'ai eu ça, moi, avec des mecs de Bretagne aussi. Ah, mais, ouais, les Bretons, ils nous canardent aussi le matin parce qu'en Bretagne, c'est pas si mauvais que ça. Grave, tu sais, des beaux couchers de soleil et tout. Ma soeur, elle déjeunait sur la plage à Nice, elle était toute contente. Elle m'a envoyé une photo, j'étais contente. Très bien. Putain. Voilà. Alors que Romano qui habite sur la Seine va bientôt se retrouver sous l'eau. C'est la catastrophe. Les deux embarquent tout à l'heure, Romano. T'as entendu, Alex? Ouais, j'ai entendu. Il est arrivé trois quarts d'heure après. Bah, embarque. Il a des tout petits bras. Pas facile de ramener. Attends, c'est pas évident. Il y a du courant et attends, tout. Ouais. Non, mais tu sais que les mecs sur les péniches, ils ne peuvent pas dormir. Parce qu'en fait, ah la galère. Non mais parce que en fait, c'est bon, la péniche elle est amarrée au quai, quoi. Ouais. Mais vu que le quai il est recouvert de flotte, c'est-à-dire que la péniche ici il règle mal les cordes. La péniche elle monte sur le quai et quand l'eau elle va redescendre, en fait la péniche elle sera c'est sur le merde. Quai, et ça va leur niquer leur ouais, truc. Vrai, en fait, t'auras des péniches sur la route. Bientôt. Ouais, c'est ça. Mais et les gens sont obligés de ne pas dormir parce que vu que l'eau elle arrête pas de monter, il faut qu'ils tirent les cordes non-stop pour c'est un bordel, quoi. Bon, on va te laisser profiter du soleil. Ouais, et puis en plus, t'as du bol, toi. T'as vraiment du bol parce que tu vas faire tourner la roulette. Tu vas peut-être profiter de France, Albanie. Les places dans la roulette, c'est pour toi maintenant, Alex. T'es prêt? Skyrock et le Crédit Agricole t'offrent 200 places pour l'Euro 2016. Eh ouais, on vous file vos places. Et donc, on fait tourner ta roulette, Alex. C'est à Marseille en plus. T'es à Montpellier, c'est pas très loin. Et tu vas peut-être aller voir France, Albanie. Bien, Alex. Tu fais quoi dans la vie? Je t'ai pas demandé. Je suis en formation d'animateur radio. Oh, futur collègue. Voilà. Oh. Bien, Alex. C'est vrai que Romano est professeur de radio en plus. Bah oui, je suis professeur. Ouais. Oui. Il l'appelle maître. Ouais, c'est maître ça. Bon, les places pour France-Albanie. Elles sont pour toi, Alex. Deux places pour aller voir le match de foot. Deux places pour aller voir les Bleus. Et ben bravo à toi. Et Donc, franchement, restez comme ça, l'équipe. Hein. Restez comme vous êtes. Hein. Et ben toi aussi, futur collègue Alex. Donc tu seras le 15 juin au stade Vélodrome et tu vas pouvoir aller voir le gros match des Bleus. On sera dans le premier tour là. Hein. Ouais. Ouais. C'est phase de groupe encore. Et c'est la semaine ça. C'est un mercredi. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est la semaine. Ouais. Bah écoute, on t'appellera pour faire. C'est mercredi, je pense, non. Sky Reporter. Exactement. On suivra les matchs en direct dans l'émission Skyrock et mercredi sur l'Euro 2016. C'est ça. Eh oui. Salut à toi, Alex. Et raccroche pas. Merci pour le. Ciao, ciao. Bonne nuit, l'équipe. Merci pour le coup de fil. Salut, Alex. Et demain matin, soyez là. Possible qu'on ait un match de l'équipe de France demain matin à vous faire gagner, mais j'en dis pas plus. Il faut se réveiller entre 6h et 9h pour le morning. J'espère que je serai là avec vous demain matin, ce qui n'est pas sûr, connaissant la douleur que je subis depuis 21h. J'ai essayé de faire pour le mieux. J'espère que je ne vous ai pas déçu, amis auditeurs de Skyrock. Par contre, c'est sûr, c'est que tu les as brisés sévère. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que c'était émouvant mon message que j'ai fait là? Oui, franchement. Ouais. Ah, merci Cédric. Moi je te plains d'Ifoul. Oui. Alors demain on verra. Demain matin soyez là entre 6h et 9h. Autrement je laisserai les clés à Romano et à Cédric. Hein. Je vous laisse les clés du morning. Bon, demain matin, des places de foot à gagner. Ouais, prendre ta place. Vos 1500 euros, DJ Roro. Vous avez vu, je fais comme si j'avais pas entendu. Ouais. Vas-y, s'il te plaît, laisse-moi ta place. Et tous les rendez-vous du morning. Venez faire les cons avec nous. Profitez bien du son de Skyrock. Et on avait dit qu'on terminait avec le nouveau Jul. Ah oui. Allez, on va finir avec le nouveau Jul qu'on vous a fait découvrir. Ouais. Encore une exclu Skyrock. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire ça encore. Juste avant de partir, Maître Gims. J'en parlais tout à l'heure dans l'émission. Demain, le nouveau Maître Gims, c'est la BO de Camping, le film Camping 3. Ça, c'est marrant que c'est celui qui fasse la BO de ce film. Ouais, et ben on écoutera ça demain dès 6h. Ouais. Ce sera le premier son du morning. J'ai hâte d'écouter, moi. Et ben, faut te lever demain matin à 6h, Romain. Bah, normalement, ça sera bon. Et ben, nous aussi. J'espère que ma barque. Je vais mettre un moteur sur ma barque. Mets un moteur sur ta barque pour être à l'heure, ouais. Prisca, ben, elle est là, c'est bien, Prisca. T'as pas galéré pour venir, Prisca? Un petit peu, si. Ah ouais, même à cette heure-ci, ça galère. Ouais, c'était bouché. Ah bon? Les quais, et ils avaient fermé une des deux parties, en fait, et c'était un bordel. Mais bon, j'ai réussi à arriver. Bravo, Prisca. Ouais, championne. Et on salue ceux qui sont sur la route. Passez une bonne nuit avec Prisca. Profitez bien, Urban Music Non-Stop. C'est parti. Et Jul, le nouveau, il s'appelle... Emotion. C'est le nouveau. Et c'est le nouvel album aussi qui va bientôt sortir. Ouais. Il s'appelle aussi Emotions. Exactement. C'est Jul, c'est sur Skyrock, le tout nouveau. Skyrock, la radio des exclus mondiales. Eh oui. Et Bonne nuit. Et à tout à l'heure. Et n'oubliez pas, dès 6h on est là. Et demain 21h en direct évidemment. Ouais. Allez salut. Tous les matins, les plus gros stars sont dans le morning de Difool sur Skyrock. Ouais, Skyrock. C'est Soprano Baba. Hubert Simpson, vous êtes qui vous? Yeah, c'est Black M. Bonjour, c'est Zlatan. Pascal, c'était mon vrai prénom. Et ouais, c'est Pascal le grand frère qui va remettre de l'ordre chez les familles. Il file chez Nicolas ce matin. Il est énervé, Pascal le grand frère. C'est qui? Pascal, c'était mon vrai prénom. Pascal, j'imagine c'est lui. C'est vrai qu'à une époque on m'appelait le grand frère. Moi je reconnais pas votre voix, alors je regarde votre émission tout le temps, si c'est vraiment vous, je reconnais pas du tout votre voix. C'est lui. Tu crois que ça me fait plaisir ce que je te fais là? Non mais c'est lui. Elle est fan. Mais c'est lui. Écoutez-moi, tu vois bien que c'est du n'importe quoi. Comment il a su qu'il y avait des problèmes entre toi et moi? Ah bah ouais, hein, comment il a su? Le réveil de Star, c'est à 6h10, 7h50, 8h50 dans le morning de Difool sur Skyrock. The morning show. Du mal à sortir mes émotions. Je roule en bolide 4 motions. Du mal à sortir mes émotions. Je rêve de thunes de voyage, j'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le bagage, on va changer de paysage. Tête dans la lune, pied sur terre, je vois les oiseaux s'envoler. On dit souvent que c'est les gens plus bas terre qui seraient prêts à tout donner. Je suis trop fort de caractère, comme mes potes qu'on incarcère. Pour le stress, j'y mets du mien, je vous attends devant la mer. Trop souvent, je me questionne, est-ce que ma musique est bonne? Où sont passés les hommes? Les vrais, faut que je les lisonne. Je fais ce que je peux pour mes potos. Et eux font ce qu'ils peuvent.

popping on B. Skyrock. Skyrock. Yo, I ain't seen you in a minute, but I got something to tell you. Listen. See, the thing about you that caught my eye is the same thing that makes me change my mind. Kinda hard to explain, but girl, I'll try. You need to sit down, this may take a while. See, this girl, she sorta looks just like you. She even smiles just the way you do. So innocent she seemed, but I was fooled. I'm reminded when I look at you, but you remind me of a girl that I once knew. See your face whenever the one for me, till I found out she was on her creep. Ooh, she was sexing everyone but me. This is why we could never be. This is why I just can't get with you. Du rap, rap and R&B, Skyrock, Skyrock, urban music non-stop. C'est vrai qu'en preuve d'amour, je suis pas le plus généreux. Est-ce de la pudeur ou de la gêne? Peut-être que c'est les deux. Peut-être que j'ai pas vu assez de films ou de séries. M'en veux pas si je te dis pas assez, je t'aime ma chérie. No. Tu me connais, les mots doux c'est pas mon fort. Et je suis pas du genre à passer mes journées sur mon phone.